Vous écoutez Fun Radio, belle fin de week-end. Depuis 18h, je vous ai mixé le Eurodance 25 sur Fun Radio, le classement des 25 titres les plus joués dans tous les clubs d'Europe. Et vous venez de l'entendre, la bombe d'Avicii et Brother reste encore une fois cette semaine le titre le plus joué dans tous les clubs d'Europe. Carton des clubs en Belgique cette semaine, en Suède et aux Pays-Bas pour Avicii avec Hey Brother, Dubs en numéro 2, Pitbull et Keisha 3ème avec le Timber, 4ème Martin Garrix et 5ème la bombe de Tony Junior avec Twerk Quantum. Eurodance 25 sur Fun Radio. Allez, comme d'hab, le classement à retrouver dans un instant sur le site de funradio.fr, rubrique Eurodance 25. Prochain classement, ça sera tout à l'heure. Ça sera dimanche prochain à 18h. Tout à l'heure à minuit, c'est évidemment le retour de Party Fun. Et quasiment 20h, on va partir à Noyon, retrouver Mickaël et toute l'équipe. Comment ça va? Bah ça va et toi? Bah bien, j'avais une question, est-ce qu'il y a une piscine à Noyon? Ah non, il n'y a pas de piscine à Noyon malheureusement, non, ça c'est... On a essayé mais on va garder ça pour le mois de mai. Ce serait dommage de gâcher qu'une piscine au mois de février, hein, c'est normal. Bon, comment ça se passe? Il y a donc c'est le prof Thomas l'auditeur, c'est ça? Exactement, on est chez Olivier, d'ailleurs on va en parler dans un instant. Il y a plein d'auditeurs qui sont passés également nous voir, qui sont là, il y en a d'autres qui vont arriver. Tom va faire la cuisine, bref, on va être au top. Donc non, plutôt bon esprit, hein. D'ailleurs tu peux passer, c'est jamais qu'à 1h30 de Paris, hein. Tu peux venir, Amico, hein. Je peux peut-être arriver avant minuit, je vais essayer. Mais j'ai des devoirs de maths à finir pour demain. Ah bah voilà, et en plus ça tombe bien si t'as des devoirs de maths là, Olivier va te filer un coup de main. Bah c'est ça, parce que j'ai une histoire de train qui part à Paris à 6h en roulant à 56 km, alors voilà. De Lyon, il faut qu'il se croise, enfin, c'est la galère. Voilà, ce sera la colle de soir. Exactement. On va essayer de gérer ça. Bon bah très bien, bah, merci Miko et puis retour de l'Eurodance dimanche prochain. Alors. À 18h. Allez, salut à toi, salut. Bonne semaine. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël, no limit. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, on est en direct de Noyon, ça y est, c'est fait, en direct du salon d'Olivier. Et bah c'est sur Fun Radio que ça se passe, hein, comme tous les dimanches soirs. Alors évidemment ce soir un peu spécial puisque effectivement on est à Noyon. Pour ceux qui veulent passer nous voir, c'est rue de Paris qu'on se trouve à Noyon. Vous pouvez pas nous louper, on a un espèce de gros projecteur. Ouais. Voilà. Bon, on est marqué ici mais en fait c'est en face. Mais bon, on n'est pas dans le détail. Donc si vous voulez passer vers le 28 de la rue de Paris, vous passez nous voir, passez dire bonjour. En tout cas on est bien reçu chez Olivier, hein. Au top. Ah bah là on est au top du top, c'est-à-dire que non, vraiment bien, on a à manger, on a à boire, etc., etc. Bref, vraiment la folie. Comment ça va Olivier? Eh ben ça va très bien. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Eh ben merci beaucoup de nous avoir accueillis déjà. Ah ben c'est un plaisir, j'attends de voir dans quel état je vais retrouver mon appartement. Oh t'inquiète pas, il sera bon là normalement. Hein. Ah bah oui, non, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est un grand plaisir et puis bienvenue à Noyon, vraiment. Ben merci beaucoup. C'est une ville qui bouge. Mais on l'a bien vu, il y a quand même une voiture qui a klaxonné tout à l'heure. Exactement. Ce qui nous a vachement surpris parce qu'on s'y attendait pas du tout dans un premier temps quand même. Hein. Bon, donc ce soir, pas mal de choses. Sandro également venu en pleine forme. Hein. Oui, bah oui. Voilà, bah évidemment. Y a des bonbons et tout. Donc eh ouais, des bonbons, des chips, bref, on est au top. Polo qui est là également. Ouais, je suis là, ouais. Qui a tenté de draguer le lapin vendredi ou El Patio. Je l'ai dragué. Complètement dragué, ouais, complètement dragué. M'a accompagné partout. Ah ouais, ouais. Et Toff s'est rendu compte qu'il a jamais autant serré que de quand il était habillé en lapin. J'ai jamais autant ploté de bonne meuf que quand j'étais en lapin. Non, on va pas sa gueule donc, c'est mais voilà, c'est ça, c'est parce qu'on voit pas sa tête, par exactement. Contre, ouais. Par contre, c'est très dur le lapin. Tu m'étonnes, oui, il fait chaud. Hein. Il fait chaud et en fait, tu vois rien. Mais le plus dur, c'était Jean-Pierre Sauzère. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a toutes les photos du week-end d'ailleurs de vendredi qui sont sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Jean-François qui est avec nous également. Salut JF. Bonsoir. Comment ça va Jean-François? Ça va et vous? Bon, ça va bien, écoute. Oui. Ouais, bah écoute, on est plutôt bien là, on s'est bien installé. Je veux dire, on va faire un petit dîner presque parfait avec Toff. Voilà, on va faire un Toff presque parfait. Ça va être quelque chose. Eh ben je confirme, attends, il a été faire les courses, il a tout acheté, il y aura l'entrée, le plat, le dessert, c'est ça? C'est ça. Très bien. Bonsoir aux Belges, à Belgique aussi, je crois qu'on est écouté. Oui. Exactement, JF, c'est bien de le souligner d'ailleurs, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à rappeler que si vous voulez passer avec nous, vous pouvez appeler le standard, un numéro habituel 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, JF, on va parler de quoi avec toi tout à l'heure? Ben, je savais déjà appelé jeudi soir parce que voilà, je suis amoureux de 3 filles. Ah oui, mais la question c'est est-ce qu'elles sont amoureuses de toi également? C'est une grande question. Mais c'est pas le tout de se la ramener en disant que je suis amoureux de 3 filles. Hein. Bon, Jean-François, on va en parler dans quelques minutes. Tu restes là? Je reste là, il n'y a pas de problème. Eh ben c'est parfait, eh ben ne bouge pas de là justement, ça tombe très très bien. Bon, Polo qui est venu également, mais alors le pipeau aussi, hein, au taquet bien entendu. Hein. Bah oui. Voilà, il est venu et c'est magnifique. Oh. Est-ce que t'as réussi à pécho grâce à ou pas? Bah non, j'ai pas réussi. Ah, ouais, dommage. Ça marche pas, noyon. Peut-être que dans la boîte, ça s'entendait mal, je sais ouais, pas. C'est ça. Ah, c'est ballot. Bon, en tout cas, comme tous les dimanches, on est là sur Fun Radio, ouais. 20h minuit. Et c'est pas parce qu'on est en direct de chez Olivier, notre auditeur, qu'on ne va pas se refaire le chéri, je peux te faire cocu de lundi, qui était encore une fois bien violent. Écoutez ce petit extrait. Dis-lui qu'il ferme sa gueule, parce qu'il va crever. Voilà, donc comme ça, ça donne une idée de ce qui va se passer. On aura du son également. Je vous passerai tout à l'heure le son de Dero avec Yee sur Fun Radio. Il y aura aussi le son de Jason Derulo. Non, ce sera la version originale, ce sera parfait. Et puis Dust et Nicki Minaj également, que vous avez découvert sur Fun, le son de Damn. Et puis si vous voulez écouter des sons en particulier, rassurez-vous, on a tout avec nous, hein, y a pas de problème. Il suffit simplement de demander, là, vous balancez tous vos messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Vous pouvez aussi envoyer tous vos messages sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. On va accueillir également Dylan avec nous pour la colle. Salut Dylan. Salut. Comment ça va? Très bien, et vous? Bon, ben on va très très bien, Dylan. Bon, t'appelles du 44, toi, c'est ça? Ouais. De Vieille Vigne, quand même très sympa comme endroit. Très mignon, Dylan. Vieille Vigne. Ah ouais, Vieille Vigne, c'est bien. On ouais. doit faire du bon vin là-bas. Bon, Dylan, tout va bien chez toi? T'as passé un bon week-end? Ouais, très bien. Ma bon, très bien. L'hôpital. Ah bon, bah, qu'est-ce que t'as eu? Ah, elle a une maladie de scleroderme. Ah merde. Bon bah écoute Dylan, bah bon courage à elle et à toi aussi d'ailleurs. Bon Dylan, on va jouer ensemble maintenant pour que tu puisses peut-être repartir avec bah, des cadeaux. Le principe est relativement simple. Tu vas poser une colle maintenant. Si quelqu'un a la bonne réponse, il va devoir jouer en envoyant un SMS ou en s'inscrivant sur le Facebook de l'émission. Et si personne ne trouve la bonne réponse, Dylan, tu gagnes. Si bah, quelqu'un trouve la bonne réponse, à ce moment-là, ce sera perdu comme d'habitude, Dylan. On y va, tu es prêt, on t'écoute. Vas-y, vas-y. Ouais. Je suis d'eau, je suis d'air. Et je suis d'électricité. Qui suis-je? Très bien, donc je répète, je suis eau, je suis d'eau, je suis d'air, je suis d'électricité, qui suis-je? C'est ça? Oui. Oh ça va, c'est facile, je crois que même Sandro a trouvé. Pas du tout. Non, oh, t'es sérieuse? Mais non, vraiment pas. Oh. Mais moi j'ai pas trouvé. Ouais, mais ça m'étonne pas. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Vous n'hésitez pas, vous participez, il n'y a pas de problème. Et puis je vous propose aussi de jouer sur le Facebook si vous voulez, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis bah, comme vous le savez, c'est la Saint-Valentin dans J-. Alors on en a combien? Parce que non, j'ai plus le... Attends, on est quelle date, là? J-5 déjà? Ah ouais, bien, putain, J-5 effectivement. Bah J-5 et c'est la Saint-Valentin. Alors la bonne nouvelle évidemment, c'est que j'ai des cadeaux pour vous spécifiquement pour la Saint-Valentin. Alors deux choses, soit vous êtes une fille, vous n'avez pas de mec et vous allez pouvoir bah, tout simplement repartir avec des sous-vêtements au bas de chez Obad.fr. Attention, oh, de chez Obad. Ouais. Ah non, c'est ça qui est bien. De mesdessous.fr, vous allez pouvoir repartir avec les sous-vêtements. Quelques-uns ou pas? Pas du tout. Ah, mais... Et si jamais vous êtes un mec, vous pouvez aussi les gagner de manière à les offrir à votre copine en disant regarde, t'as vu. Ouais, mais moi j'ai plusieurs cadeaux à faire. Je suis beau prince. Oui, bah justement, t'as qu'à te démerder. Ah merde. Bon, donc du coup, si vous voulez les gagner, eh bien allez-y, vous pouvez jouer maintenant, il n'y a aucun problème. On va reprendre Olivier. Alors Olivier qui est donc notre prof de maths. Oui, entre autres, oui. Comment ça entre autres? Bah auditeur également. Ah oui, bah bien sûr, évidemment. Et donc qui a gagné il y a quelques semaines maintenant la possibilité qu'on vienne faire l'émission chez lui. Pas de regret vu l'état de ton salon? Ah non, c'est juste un rêve. Ah bon, parfait, ah non, écoute, alors tant mieux. Bon, il est venu. Je vous dirai ça demain pour les regrets. J'enverrai la note à Fun. T'inquiète pas, on va faire un beau graphe là sur le mur, ça va être sympa. Voilà, c'est ça. Et tu peux directement voir avec Fun, il y a pas de problème, c'est lui qui signe l'échec. Ouais, ça marche, voilà. Il partira pas tout de suite alors. Non, bah t'inquiète pas, il va rester, il y a pas de souci. Bon, je sais pas comment il est arrivé là, hein, donc. Donc Olivier, prof de maths qui nous a accueilli. Donc ce soir il est venu, il y a des élèves à toi qui sont venus. Oui c'est ça. T'es conscient que tu vas prendre cher? Je suis conscient, mais d'accord. On m'a dit que vous alliez être de mon côté, donc. Mais bien sûr, évidemment, on est toujours avec les profs de maths. On déteste les profs. Mais il y a aucun souci. Mais attention parce que certains peuvent prendre cher derrière, donc ça va. Oui c'est vrai, c'est une menace ça non? Non, une promesse. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, et qui est élève ou ancien élève? Parce qu'il y a des anciens qui sont venus aussi par vengeance. Approchez-vous. Alors, comment il s'appelle? Il est super grand, t'as pas peur de lui? Non, c'est un ami lui. Ça ah, va. C'est un ami, d'accord, ok, putain, j'ai eu peur. Mais c'est un élève aussi, un ancien élève. Mathieu, un ancien élève, d'accord, ok, très bien. Gautier, d'accord, alors il y a Jessie qui est là. Très bien, il y a d'autres aussi. Qui vont arriver aussi, mais il y a plein qui sont derrière la porte. Il y en a qui sont dans la cuisine également, en train de d'étoffer avec son toff presque parfait ce soir. J'ai très peur. Oui, bah j'imagine. Quand j'ai demandé de couper des pommes en fines lamelles, ça a été compliqué de leur expliquer. Toff, tu vas nous faire quoi en fait? Alors, flamme cuche en entrée. Non, mais je savais que vous alliez kiffer. Oh bah non, putain, on va pas kiffer du tout là. Et après, on fait des pancakes. Ah bah voilà, là c'est parfait là, en plat. Ouais, en plein. Ah, très bien, parfait, on fait comme ça alors. Je savais qu'on avait des pizzas à côté aussi. Ouais, ouais, au cas où on a le plan B, des fois que si vous avez des conseils recettes aussi, n'hésitez pas. Bon, donc Olivier qui est prof de maths, alors avant de prendre l'avis de tes élèves, est-ce que tu penses être un bon prof ? Cool, sympa, agréable, proche des élèves, jamais leur faire de coups de pute. Enfin, alors ça, non, déjà tout de suite, ça, non. Ah, déjà, non, ça, déjà, c'est la chose claire. Non, je sais pas, après, c'est peut-être à eux de me qualifier, mais je pense être assez cool, mais bon, parfois, c'est. Faut pas l'être de trop non plus. D'accord. Et puis, ils le sont pas toujours, on va dire, mais non, parce que, si. Parce que justement, là, on a Olivier, on a Jérémy qui est avec nous, Pompelier, là. Salut Jérémy. Salut Michael, salut. Comment ça va ? Bah, ça va bien. Bon, tant mieux. Jérémy, donc, qui est un ex-élève d'Olivier. Voilà, c'est ça. Voilà. Salut Jérémy. Et donc, alors, Jérémy, bah déjà, sois le bienvenu sur Fun. Est-ce que tu as eu des nouvelles récemment encore de ton prof ou pas ? Oh, je le croise de temps en temps quand je rentre en Picardie. D'accord, ok. Ah. Et apparemment, tu aurais une anecdote à nous raconter par rapport à lui, histoire de bien l'afficher dès le début de l'émission. Ah, bah vas-y, explique. Alors, en fait, quand j'étais en terminale, ouais. Ma copine étudiait à Lille. Ouais. Et du coup, bah, je lui envoyais des messages régulièrement et de temps en temps sous la table en cours. D'accord. Donc, normal. Ouais, normal, ouais. Sauf qu'une fois, je me suis fait gauler par Olivier. Ouais. Donc, il a gentiment pris mon téléphone et il a envoyé à ma copine. C'est fini entre nous. C'est bon, ça. Oh l'enculé. Voilà, c'est ça. Et alors ? Et alors, eh ben, et ben, ça s'est fini entre vous ? Il a bien fait mijoter ma copine. Il s'est posé plein de questions. Donc elle avait envoyé un point d'interrogation par message. Lui, il a fait un problème derrière. Hein. Ouais, et voilà. Puis et ensuite, alors il a laissé mijoter et moi je montais, enfin la pression montait tout doucement de mon côté. D'accord. Après, elle voulait des explications, donc elle a envoyé un message. Ouais. Et il l'a encore laissé mijoter. Et ensuite, elle avait écrit OK, dégage. Oh, il est bon. Oh, ce qu'elle aurait peut-être dû faire d'ailleurs. Oui, bah, ce qu'elle aurait peut-être dû faire. Mais du coup, tu l'as vraiment perdu ou pas ? Non, même pas. Enfin, parce que, bon, il s'est quand même rattrapé, il faut dire. Et du coup. Quoi, il t'a mis des bonnes notes jusqu'à la fin de l'année ? Comment ? Il t'a mis des bonnes notes jusqu'à la fin de l'année ? Ah non. Non, il s'est tapé la copine. D'accord, donc, ok. Donc du coup, j'ai dû appeler Pauline à la récré, puisqu'à l'époque, il y avait des récréations, etc. J'ai dû appeler Pauline à la récré. À l'époque. Ouais, d'accord. Et donc, mais Pauline, elle est là. Bah elle d'ailleurs, Ah mais Pauline, viens, attends, calme-toi. Oui, mais elle est avec nous là, effectivement. Pauline, ramène-toi, t'inquiète pas. Bon, désolé Pauline, il va falloir que tu te mettes près de Toff, je suis vraiment désolé, hein. On va essayer de faire au mieux. Ça va, il est pas jaloux Jérémy, donc. Ah oui, non, c'est pas le problème, c'est Pauline à un moment qui pourrait se dire, bon, à côté de Toff, c'est un peu dangereux quoi. Comment ça va Pauline ? Bah ça va très bien. Attends, mets le micro un peu plus près de ta bouche. Là. Voilà, parfait. Est-ce que tu en veux, Olivier, de toute l'histoire là ? Oh, bah, sur le coup, je me suis dit, waouh, est-ce que c'est une blague ou pas ? Enfin, franchement, j'étais super surprise. Et, toi qui étais hyper amoureuse à l'époque, mais ouais. En plus. Tu peux dire non après, hein, c'est pas un problème. Mais en plus, il m'a laissé mijoter au moins un quart d'heure. Alors au bout d'un moment, je me suis dit, waouh. Et du coup, quand il m'a enfin révélé que c'était bien lui qui avait fait la blague, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Oh l'enfoiré quoi !» Très bien. Bon, et depuis Olivier, Jérémy, pardon, t'es encore avec Pauline ou pas ? Oui. Ah d'accord, ok. Ouais, donc on dit pas de conneries quoi. D'accord, ok, très bien. Non. Mais il a un petit surnom d'ailleurs, Jérémy. Hein. Ah, il s'appelle comment ? On peut le dire, comment Pauline. Minou. Parce qu'en lisant les SMS, on voit les surnoms que... Ah bah vas-y, balance. Bah alors, on écoute, alors. Mon petit foufou. Oh le bouffon. Oh, mon petit foufou, et ça c'est pas dur. Et était au courant. À l'époque, c'était ça, maintenant... Oh là là, mon petit foufou, c'est parfait, ça, très bien. Parce que vous êtes toujours ensemble ? Oui. Oh, c'est mignon. Ah ouais, bien sûr, ils sont encore ensemble. Enfin, toi, t'es avec lui, mais lui, à Montpellier, je suis pas sûr que... On fait comme on peut. Tu sois l'unique et... On verra bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jérémy, pour la petite anecdote. Et tu reviens quand tu veux et à bientôt Jérém, salut à toi. Bah bonne soirée à vous, bonne émission. Ciao, bye bye. Bon bah merci Pauline, bah en tout cas tu restes là, y a pas de soucis. Et puis bah toi tu vas rester au standard Jérém, on va te reprendre dans quelques minutes. Bon appelez-nous également hein, si vous voulez passer à l'antenne avec nous, y a pas de problème, y a Victor qu'on va accueillir dans quelques minutes. Victor qui est venu avec des produits locaux et ça c'est une bonne nouvelle, avec plein de trucs que ça devra pouvoir tester, goûter. Évidemment je suis là pour ça. Mais oui non t'es au régime, mais oui, c'est parce que déjà qu'elle a bouffé des chips tout à l'heure, on a bien vu ça tout à l'heure. Bon restez avec nous en tout cas si vous voulez nous nous appeler, n'hésitez pas, 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. On a une bonne nouvelle pour Toff également, puisque nous avons rencontré des masseuses. On a dit, il faut tester des produits locaux. Alors bon, nous on teste des produits locaux. Hein. Oui, c'est grave local le massage. Bah bien sûr, il y aura, mais c'est des masseuses picardes. D'accord. Non. Voilà, parce qu'apparemment elles sont plus douées que les autres. Ah oui, c'est ça. Et donc il y a des massages picards, des trucs. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc on va essayer ça tout à l'heure, et puis on va revenir avec la colle, avec le top putos. Bref, comme d'habitude, et puis on se mettra aussi, comme promis, le son de Deoro sur Fun Radio. Ce sera dans quelques minutes. Deoro avec Yi sur Fun. Allez, restez là, c'est Mickaël No Limit. On est en direct de Noyon en Picardie jusqu'à minuit. Ce soir, toute l'équipe de Mickaël No Limit est à Noyon en direct de chez Olivier sur Fun Radio. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. On est toujours en direct et en public ce soir, c'est bien, Noyon. Ouais. On est chez Olivier, l'auditeur qui nous accueille. Bah merci beaucoup encore une fois, Olivier nous a accueillis. Hein. Attends, il va se remettre tout près du micro. Merci là, à vous, bah, merci voilà. À vous. Bah, on est toujours en direct sur Fun Radio avec la colle dans quelques minutes. On va se faire les appels de Toff également, hein, qu'on a eu l'occasion de faire toute la semaine. Et puis on va accueillir Victor, un auditeur qui va nous faire déguster quelques petits produits locaux. Avec plaisir. C'est toujours avec grand plaisir. On avait testé ça à Nancy déjà, qui était très très bon les produits. On avait pris 10 kilos depuis d'ailleurs. Hein. C'était la folie totale. On va refaire ça dans quelques minutes. Donc on va s'écouter le son de Deoro aussi avec Yi maintenant sur Fun Radio. Et si vous voulez nous appeler, bah prenez le contrôle. Le dimanche soir, on est sur Fun Radio également, évidemment. 20h minuit et tous les jours de la semaine de 23h à 2h. 01 42 48 5000 pour nous appeler. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Bonne soirée avec Fun Radio. Ouais. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël, No Limit, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Toujours en direct de Noyon sur Fun Radio en Picardie. D'ailleurs, si vous voulez passer nous voir, n'hésitez pas. Si vous avez un cours demain éventuellement avec Olivier qui est le prof de maths, on peut éventuellement fouiller pour avoir les questions. Ah, on peut fouiller dans sa chambre. On pourrait éventuellement fouiller dans le bureau ou dans la chambre. Apparemment, il y a un contrôle demain, il est toujours pas fait. Ah, et ben va être bon demain, tiens. Ah bah bravo. Ouais, il va être bon, tiens. La journée va être bonne demain. La journée va être pas mal du tout, je pense, effectivement. Et je confirme ce que dit Sandro, oui, malheureusement. Et toujours pas fait. Bon, on pourra pas fouiller malheureusement, c'est bien dommage. Il y a plein de messages qui sont arrivés aussi sur le Facebook, sur le Twitter également. Il y a Adrien qui dit Olivier, donc le prof de maths ici présent, qui nous accueille chez lui ce soir. Ça balance. Un brouilleur d'ondes pour les téléphones portables de ses élèves. Exclu de la soirée, Olivier, je t'aime. C'est gentil, Adrien, merci. Oh là là, un brouilleur d'ondes. Oui, c'est très pratique. Putain, mais on est plus tranquille nulle part. Non, c'est le but. Mais il y a une fois, ça a été un peu. Comment dire, je l'ai utilisé dans un cadre un peu précis parce que c'était la pause. Et donc, à la pause, ils ont le droit à leur téléphone portable. Ouais. Et c'est là que je l'ai allumé en fait. Ça, c'est vraiment pour fâcher le monde. Il y avait une fille qui voulait envoyer absolument un message à son petit copain. Et donc elle voit. Ou alors il est jaloux. Elle peut pas, non. mais elle peut pas l'envoyer. Et donc elle était atterrée comme ça. Elle était vraiment très très triste parce qu'elle avait attendu la pause bien sagement. Et puis j'arrive vers elle, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit j'ai pas de réseau, je comprends pas et tout. Parce qu'elle savait pas à l'époque. Ah d'accord. Et je suis arrivé vers elle et j'ai désenclenché le brouilleur. Regarde, une sorte de geste de magicien. Ouais. Et le réseau est revenu, elle a pu l'envoyer, elle m'a regardé comme si j'étais un dieu. Oh là là, quel enfoiré. Mais c'est une guerre en fait. C'est une guerre. Il y a Tom également qui dit on se fait kiffer tous les soirs avec Mickaël No Limit. Merci Tom. Et puis Frétri Alba également à Charleroi qui dit salut l'équipe. Mickaël, le prochain c'est chez moi, vous êtes les bienvenus. Ah bah si on peut faire, si Toff peut faire des frites et tout, pas de problème. Hein. Nous aussi on va dans la friterie. On avait promis. Ouais. Polo il sert. Non, je fais le kebab là. Ah oui, c'est ça, le Durum. Toff et moi on fait. Je suis là. Durum. On fait les frites. La viande, tout le bazar. Mickaël elle sert, moi je suis à la caisse. Et Sandro sert. Parfait, on fera la friterie la prochaine fois. Il y a aussi DJ Max qui dit je pourrais avoir une photo de votre studio improvisé. Oui, on va les mettre sur le Facebook dans quelques minutes. facebook.com/mickaël officiel. Surtout, n'hésitez pas à venir voir, évidemment. Bon, on a Toff en direct de la cuisine, bien entendu. C'est un petit peu le chef ce soir de la cuisine. Et il est avec Victor. Donc Victor, qui est donc un cuisinier, c'est ça, Victor? Oui, bonsoir. Bonsoir Victor, comment ça va? Ah, très bien, très bien. Bon, tant mieux. Alors Victor qui est passé évidemment, puisque toi tu t'occupes notamment des produits locaux, c'est ça? Alors, pas exactement. D'accord, ok, donc je suis le chef de cuisine de l'établissement Victor Traiteur Restauration à Crépy-en-Valois. D'accord. Ensuite, les produits locaux, c'est pas totalement faux, car nous sommes labellisés Relais Terroir de Picardie, donc c'est un engagement à travailler avec un maximum. un maximum de produits locaux. Oui, c'est exact. Attends, on a failli le perdre, hein, ça aurait été dommage. Et pas avant d'avoir fini à bouffer, hein, Victor, je te préviens. Hein. Ouais, après. Après, si tu veux. Mais bon, donc du coup, t'es venu avec des trucs que tu vas nous faire goûter. Alors, c'est bien parce que entre ça et le repas de Toff, le Toff presque parfait, je pense qu'on va être bien ce soir en termes de bouffe. De plus, j'ai vu la préparation, ça avait l'air d'être pas mal. Hein. De quoi tu parles de chez Toff ou de chez toi? Non, je parlerai pas de chez moi. Non. De toute façon, ce sera beaucoup plus gras. Ah oui, ça y a de fortes chances, oui. Bon, et donc du coup, tu vas nous faire quoi, Victor, là? Qu'est-ce qu'il y a exactement? C'est quoi la spécialité locale? Alors, la spécialité locale, je pense qu'il y en a de nombreuses, mais quand on m'a parlé produits locaux, le premier produit qui m'est venu à l'idée, c'est la pomme. D'accord. Donc j'ai décidé de vous faire un dessert autour de la pomme, de A à Z. Donc, cool. Donc, tu vois, Sandro, c'est du fruit. Très bien, parfait. Tu peux y aller pour le régime. Ouais, et voilà. Niveau boisson, t'as prévu quoi? Ah, des petits alcools de pomme également. Ah, ben très bien, on reste dans la pomme. On va se mettre bien, là, du coup. Bah oui. Donc, Victor, ça te prend combien de temps de faire tout ça, alors? Ouais, je pense un petit quart d'heure, vous aurez l'assiette. Ben, c'est parfait. Bah écoute, Victor, fais donc... fais-toi plaisir, enfin dans la cuisine de. Moi je m'installe, je suis chez moi ici. Hein. Donc fais-toi plaisir dans la cuisine d'Olivier alors. Hein. Je vais aller dormir moi un peu. Très bien. Voilà. Avec le chat. Avec le chat, bien. Comment s'appelle le chat d'ailleurs? Minette. Minette, exactement. Oui. On va l'accueillir tout à l'heure pour faire une petite photo. Voilà, avec le chat Minette, bien entendu. Bon, on va récupérer aussi Jean-François qui est toujours avec nous là. JF, t'es là? Oui, je suis là. Bon, très bien. Alors, Jean-François, en attendant évidemment que nos amis à la cuisine terminent de faire à bouffer, nous allons donc te prendre maintenant, JF. Et toi, t'appelles de Saint-Chamond en 42. Et voilà. Toi, t'es amoureux de trois filles en même temps, c'est ça? Voilà. Et en fait, il y a trois filles qui sont intéressées par moi. D'accord. Et je sais pas quoi faire. C'est compliqué. Bah vas-y, mec, pour qu'est-ce moi. Que t'attends? Bah prends les trois. Bah fonce. Ouais, c'est ce que j'aurais fait. Hein. Mais je suis plutôt du genre à avoir qu'une seule fille en même temps. Bah oui, mais choisis. Oublie ça, c'est des principes à la con. Mais oui, c'est ça. Choisis la bonne, JF, là, qu'est-ce que t'attends? Oui, mais... Elle me plaît toutes les trois, alors c'est un peu compliqué. Bon, alors, y a, c'est quoi? Blonde, brune, rousse? Il y en a une blonde, il y en a une... Brune? Brune et une brune très foncée. D'accord, donc une cheveux noir, l'autre châtain et l'autre blonde, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, ok, très bien. Faudrait qu'ils prennent celle qui est meilleure en maths. Voilà. c'est une idée. Faire, vu que vous êtes chez un prof de maths. C'est une idée, JF. Mais non, mais il y en a bien une que tu préfères, que tu peux pas kiffer les trois d'un coup en même temps. Oui, il y en a qu'une seule qui me plaît, mais je sais pas. Attends, c'est pas compliqué. JF, là maintenant, tu penses à laquelle? Là maintenant. Il a bugué là, on va le redémarrer là. Il s'est complètement arrêté. JF. Il y en a une à laquelle tu l'as pensé avant les autres. Mais laquelle? Oui. Quand tu te lèves le matin, par exemple. Comment? J'ai pas entendu. Bon, attends, autre question. Quand tu te couches le soir, tu penses à laquelle? La blonde. La blonde, bon bah c'est voilà. C'est quoi leur prénom quand d'ailleurs? Quand tu bandes, on tu penses à laquelle? On voit que c'est un prof de maths, c'est quoi leur prénom? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Si je peux le dire, y a pas de souci. Hein. Bah oui, tu peux dire les prénoms, c'est pas un problème, elle s'appelle comment la blonde? Il y en a une qui... La blonde, elle s'appelle Charlène. Ouais, la brune? Enfin, la châtain? Il y en a une qui s'appelle Laetitia et une autre qui s'appelle Coraki. D'accord, ok, très bien. Bon, tu penses à la blonde de toute façon, c'est ce que tu m'as dit en premier le soir voilà. En te couchant. Voilà, oui. Donc tu t'astiques en pensant à la blonde. C'est ça? Non. Bon, non. Bon, quand tu t'astiques, tu penses à laquelle? Les trois en même temps, je pense qu'on fait un truc à trois. Voilà, c'est ça en plus. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bon, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors JF reste là. Olivier, donc le prof de maths qui nous accueille ce soir chez lui à Noyon. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir trois filles en même temps? Ou déjà, commençons par deux. C'est quoi la question précise en fait? En gros, je veux savoir est-ce que tu es un partouzeur. Enfin, non, d'accord. On plaisante. Ouais, prof de maths. J'ai honte. Je veux me fouetter, pardon. J'avais mal compris la question. J'ai la règle. Il a la règle. J'ai la règle du prof. Allez-y. J'ai trouvé dans son armoire. C'est vrai, on boit et tout. C'est plus une règle, c'est une barre de fer. Non, c'est une vraie règle de prof. Polo, les doigts. Ah, il me fait pas mal. Non, ça fait pas mal. J'ai testé, ça fait pas mal. Attention. Ah bah non, tes élèves vont adorer. Arrête, tu vas me faire mal. Mais non. Tu sais pas faire doucement, ça Mike. Super mal. Bon, enfin, t'es sérieuse. Un coup sec, ça va mieux. Un coup sec. Ouais. Donc faut y aller. Genre, ouais, imaginons qu'il a fait une grosse connerie, il faut le faut rendre corrigé. Quoi. Ouais. J'ai dit une bêtise. Voilà. Oh non, Ah t'as vu? Ouais, c'est rien. C'est rien là. Attention. J'anticipe le coup. J'ai raté. J'ai visé à côté. Toff. Il est Il est où, Toff? Oh là, merde, comme par hasard, quand j'ai sorti la règle, ah non, non, tu peux pas me la règle, tu peux pas, je suis en bas, je suis dans la rue. Je peux pas te la régler. Qu'est-ce que tu fous dehors? Rien, je veux voir un truc, j'arrive. Ah, il veut voir un truc. C'est pareil, l'autre il se balade, il va regarder. Sérieux, je me suis barré, t'as qu'à regarder par la fenêtre. Non, mais c'est bon, on te voit bien, mais. Je sais que vous voulez me faire du mal, alors du coup, je me suis. Ouais, oui, mais t'inquiète pas, je garde la règle pour tout à l'heure. Donc, retour avec Olivier. Donc, est-ce que t'as déjà eu deux relations? En tout cas, deux filles que t'aimais bien et t'as dû choisir une des deux. Oui, c'est arrivé, oui, effectivement, oui. C'est pas facile, c'est pas facile. Non, mais d'accord, mais JF lui directement, il s'en bat. Les trois d'un coup. Ouais. Bon, JF, reste avec nous. On va déjà demander aux auditeurs si ça leur est déjà arrivé. Si vous voulez participer, ben, n'hésitez pas. On est en direct de Noyon, mais ça ne change rien. Vous pouvez quand même appeler. Même numéro que d'habitude, 01 42 48 5000. Pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et puis avec le hashtag Mickaël sur le Twitter, notamment, n'hésitez pas également. Taf ? C'est barré, hein, tranquille. Pépère, tranquille. Ouais. Il s'en fout. Ah. Il est tranquille. Il en a rien à foutre. Rien, mais complètement. Mais voilà, c'est ça. Tu fais quoi, Toff? Mais qu'est-ce que tu fais? Rien, je ne fais rien. Bah, il ne fait rien. Bon, bah, alors il ne fait rien, très bien. Moi, je me promène dans la rue, je regarde s'il y a de la meuf à serrer, laissez-moi tranquille. Ah, bah, mec, t'es mal tombé là, hein, pour le coup. Hein. Bah, ouais, c'est-à-dire qu'à part des voitures, il n'y a pas grand-chose dans la rue. Bah, dans la rue, il n'y a pas grand-chose. Bon, et il y a qu'un petit vieux, ouais. Et les auditeurs qui sont là, il y en a qui ont déjà eu deux filles en même temps? Comme par hasard, hein, personne n'est. Ils sont tous venus avec leur meuf, ils ont peur. Ouais, j'ai vu l'autre là, il a peine. Non, oh là là, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Il va foutre la merde ce soir dans le couple, pas du tout. Trois filles en même temps? Ou trois mecs? Quatre. J'ai vendu au petit jeune homme là, ici là. Bon, qui est célibataire? Est-ce qu'il y a des célibataires? 1, 2, 3, 4, 5, ok, 6, 7, ok, très bien. Et personne n'a kiffé plusieurs filles ou plusieurs mecs en même temps? C'est tous des saints, alors ça c'est improbable. Je suis pas sûr qu'ils soient tous francs quand même. Ouais, ouais, je pense effectivement. Ouais. Mais Olivier va venir avec la petite règle, là, vous allez voir. À mon avis, vous allez marcher droit après. Vous allez marcher plus que droit après. Bon, restez sur Fun Radio, on va revenir avec dans quelques minutes. Dylan, on va se refaire la colle évidemment. On va récupérer Jean-François, tu restes avec nous, JF? Oui, je reste avec vous. Bon, t'as un peu la voix de Jean-Pierre Sauzère, Jean-François, quand tu me parles. Ça me perturbe. J'ai pas 50 ans, hein. Ah non, mais il n'y a pas de mal, Jean-François. Non, mais c'est comme ça, c'est parce que j'y pense quand tu me parles. Et puis parce qu'on l'a eu ce week-end aussi également, il était avec nous au El Pacio. Les photos de cette magnifique chanson où même lui avait oublié les propres paroles de sa propre chanson. Et quand il s'en souvenait, bah, il était hors rythme. Donc c'était parfait ça. Grand c'était moment. Au top. On a la vidéo, je vais vous la mettre sur le Facebook, vous allez voir, on était au top au El Pacio. Il avait son costume avec lui, il l'avait pas oublié. Ah bah costume à paillettes et tout, on était au top, hein. Vraiment au top. Bon, restez sur Fun Radio, on va revenir avec la dégustation. Comment ça se passe avec la dégustation, Victor? Toujours prêt? Attends, on l'entend mal, Victor. Hop, attends, à mon avis, il a dû mettre son micro sur le côté, c'est pas grave. Ah, il a plus de micro, c'est pour ça, alors très bien, c'est ma faute, pas de problème. Bon, on va se mettre aussi le son de Jason Derulo maintenant avec Marry Me sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limits en direct de Noyon. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël, No Limits. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Toujours en direct sur Fun Radio, en direct de Noyon. On est chez Olivier, le prof de maths justement, qui est avec nous ce soir et qui nous accueille. Donc, merci beaucoup. Bah merci vraiment à vous. Hein. On passe une très très belle soirée. Écoute, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Par contre, on m'a donné des mauvaises nouvelles en cuisine. Apparemment, ça, les produits locaux, ça va dans tous les sens, je crois. Comment ça va dans tous les sens? Qu'est-ce qui va pas avec les produits locaux? Je m'inquiète. On m'a dit qu'il y avait de la chantilly partout. Enfin, ah ouais, non, mais c'est pas ça. Ah mais attends, ça c'est soft à côté de ce que je vais te faire. Ah ouais, d'accord, ok. Non, ça c'est pas grave. C'est parce qu'à mon avis, Victor, il s'est un peu amusé. Il y avait des filles dans le studio, dans la cuisine. Alors du coup, ah ça y est, c'est fait déjà la pomme là, on est pas mal là. Bon, on va goûter ça dans quelques minutes. Et d'ailleurs, il y aura Joris aussi dans quelques minutes qui voulait parler à Olivier. Et dites-nous les autres, est-ce que vous avez déjà eu des petites anecdotes sympas ou pas sympas du tout avec vos profs? Alors demain ou autre chose, hein, peu importe. Mais en gros, si vous avez des petites anecdotes, n'hésitez pas à venir nous en parler. 01 42 48 5000, vous nous appelez d'où que vous soyez en France. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Oui, parce qu'on est en Picardie, à Noyon, que vous ne pouvez pas appeler si vous êtes du sud, de l'est, de l'ouest, de Paris, bref. Il n'y a pas de problème, tout le monde peut passer sans souci. Bon, alors, Victor donc qui nous a fait ce petit repas sympathique à base de pommes. C'est donc mignon, c'est un dessert, en tout cas. Alors, c'est ça? Voilà, c'est exact. C'est un dessert autour de la pomme en intégralité. Donc, ouais. une coque meringuée garnie d'une petite gelée de pommes de tirage, justement, des produits labellisés Relais Terroir de Picardie. Vous avez ensuite une petite brunoise de pommes granny de notre région également. Oh là là. Ah oui, il nous a mis bien là. Hein. Une mousse de pommes agrémentée avec une réduction de rainettes et de jus de pommes de tirage également. D'accord. Et vous avez vu la différence de dégaine entre Victor, cuisinier, machin, la petite chemise qui va bien, et Tov qui ressemble à rien. Ah ouais, mais. Ah non, mais attends, parce que lui, t'as fait ça, mais moi, je ferais pas ça. Hein. Ah ouais, non, moi, je vais vous confirme. Servir ça, je vais vous le jeter au milieu de la table, puis vous démerdez. Hein. Oui. Ah bah, ça, j'en n'en doute pas un instant. Ouais. Bon, alors, du coup, bah, qui va goûter Sandro, bah, commence déjà par, goûter Olivier, oui, bien entendu. En tout cas, ça va être très bon. Et puis, on donnera une note, hein, comme dans un dîner presque parfait. D'ailleurs, Tov aura sa note tout à l'heure aussi. Bien hein. sûr. Hein, pour l'ambiance, ça va. Hein, pour l'ambiance, ça va. Ouais. Bon, pour l'ambiance, normalement, la note devrait être bonne. Après, pour moins le reste, on verra. Deux pour la tenue. Oui, voilà, déjà la tenue, effectivement, de Tov est quand même pas terrible. Je vais aller remettre le costume de lapin, si tu veux. Oui, si tu veux, ouais. Effectivement. Bon, alors, Tov, bah, vas-y, commence à goûter, qu'on goûte un peu, qu'on se rende compte de ce que ça coûte, là. Parce que moi, je suis trop loin, je suis au bout de la table. Je comprends, mais ça se mange comment? Il faut. Parce qu'il n'y a pas de couvert, donc ça me paraît. C'est vrai que le truc est tellement beau et bien fait qu'on sait pas très bien s'il faut le casser ou pas. Parce que moi, je mange avec les doigts, je mange comme un porc. Ah, bah non, attends, on va bien trouver. Tu ouvres la bouche, tu mets des aliments dedans et tu mâches, Tov. Voilà, d'accord, c'est ça, mais... et après tu mâches. Mais... En tout cas, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. J'ai un couteau, une fourchette, parce que tout le monde s'en branle. Mais non, mais pas du tout. Attends, c'est bon. Toi, attends. En même temps, il y a que toi qui sais où sont les couverts ici, donc n'hésite pas. Je demande un couteau et une fourchette. On a une cuillère et un couteau à boucherie. Et le couteau de Jack l'Éventreur. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, il y a Maxime aussi qui a envoyé un message qui dit Olivier égale prof de maths swag. Il y a Julien aussi. Il y a que Fun Radio pour faire les émissions chez les auditeurs. Mickaël, c'est ça qui est bon. Bah écoute, ouais, on a essayé la première ce soir, Julien. Carole qui dit je vous kiffe, continuez comme ça, je vous écoute tous les soirs. Et Benjamin qui dit il a de la chance, Olivier. Bah oui, et vous pouvez venir nous rejoindre hein, si vous voulez, il n'y a aucun problème, on est là, donc c'est vers le 28 rue de Paris, c'est ça? Exactement, parfait. Voilà, à Noyon, donc venez nous voir, en plus il y a un gros truc juste en face de chez Olivier où c'est éclairé en disant qu'il y a Mickaël No Limit sur Fun Radio en direct de chez Olivier. Il y a Valoche aussi qui dit venez chez moi, je suis à Toulouse. Eh bah bien sûr qu'on va venir, t'inquiète pas. Et DJ Max encore qui dit au pire viens chez moi, j'ai tout le matos, 5 micros, table de mixage et tout. Et je vous imite, si tu veux des photos, ah bah DJ Max, pourquoi pas si tu nous imites. Je suis curieux de voir comment il imite Tof, tiens à mon avis. Bon, enfin. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Ah ouais, j'imagine. Par contre, c'est super bon. Hein. Oh la vache. Bon, ça y est, t'as goûté là? Ah ouais, c'est super bon. Bon bah vas-y, fais tourner une petite cuillère là que je goûte. Bah tiens. Que je teste. Alors attendez, on va tester ça en direct, on va voir. Attends, il faut que je. Ouais, parce qu'il faut que je traverse tout. Ouais, il faut traverser tout le salon là. Alors attention. Il va en mission, tu sais, Tof. Ah ouais, c'est bon. Ah bah. Attends, je te mets. Et même moi, j'aime bien. Pourtant, je sais que j'aime rien d'habitude. Hein, mais... Ah non, c'est pas mal. Ça, tu vas kiffer ce morceau là. C'est pas pourquoi il y a un truc que j'aime ça, pas. Non, tu vas aimer, c'est la déco quoi. Ah, c'est la déco. Bah pourquoi j'aime bien la déco et pas le reste d'habitude, c'est non. Ça. Bon, très bien. Écoute, ça tombe très bien. Ah oui, c'est meilleur ça encore. Ah. Mais alors, ça a quel goût? Alors, la pomme? Non, ça goûte la pomme, oui, c'est. Ouais, ça goûte la pomme, mais il y a eu un petit retour de mojito dedans, non? Non, il y a un petit alcool, ouais. C'est la poirette. C'est la poirette? La rainette, pardon. La rainette? Bah c'est parfait, bah, j'en prends deux. Parce que c'est bon. C'est très bien, la rainette, c'est parfait. Bon, bah très bon, bah, on va en continuer. Fait, je sais pas pourquoi je vais vous faire à manger, parce que c'est super bon ça. Ouais, mais justement, on va noter. Bah Victor, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. On peut te retrouver où? Comment ça se passe en fait? Un petit restaurant? T'as un restaurant? T'as quoi? Saint-Lazare, Crépy-en-Valois, Victor Traiteur Restauration. D'accord. www.victor-traiteur.fr. Eh ben très bien, on mettra le lien de toute façon sur le Facebook et sur le site sans problème. Merci beaucoup en tout cas, comme tu. Ah oui, mais moi aussi. Il y a cette petite chose qui est très sympathique c'est également. C'est quoi ça? C'est aussi. Je sais pas, mais c'est très bon. C'est justement la rainette. Ah, c'est la rainette ça? Attends. C'est un peu fort. Ah, merde, il y a le boss qui vient d'arriver. Je ne bois pas, absolument pas. Je goûterai tout à l'heure. C'est un peu fort, fais attention. C'est un peu fort? Attends, je vais quand même essayer pour voir. Polo veut pas goûter? Ah non, merci. Ah c'est très bon, bah, je vais le garder. Parfait, bah, c'est très bien, celui-là je le garde pour moi, c'est parfait. Bon, et ben impeccable, donc on mettra le lien de Victor sur le Facebook. Merci beaucoup en tout cas, quoi qu'il en soit ce sera toujours mieux que le repas de Tof hein, qui nous a préparé une flamme cuche et des pancakes, normal. Voilà, normal, tu vois. Qui va super bien ensemble, tu vois, c'est au taquet, c'est parfait. Vous lui aviez dit que c'était en Picardie parce que flamme cuche quand même, je veux dire. Ouais, non mais en fait j'ai regardé ce qui était facile, parce qu'en même temps on m'a dit pour 15 personnes, donc j'ai regardé ce qui était facile pour 15 personnes, tu vois. J'ai pas regardé la provenance géographique. Hein. C'est ça. Bon, on va faire les appels, Tof, avant de continuer. Allons-y. Avec Jean-François, avec Joris également, qui a envie de parler Olivier. D'accord. Je n'en dis pas plus, il verra dans quelques minutes. Et donc cette semaine, les appels, c'était à base de... Masturbation. Évidemment, et donc quel était le problème? En fait, il y a un mec qui s'est masturbé 9h50 à peu près. Oui, c'est vrai, c'est le record du monde, 9h58. 58 exactement. J'avais même dit que c'était dommage de ne pas avoir fait 2 minutes de plus pour arriver à 10h. À 10, quoi, c'est symbolique. Donc, du coup, moi je suis parti pour chercher quelqu'un qui était capable de faire les 10h. Tout à fait, donc on avait fait le premier appel qu'on écoute maintenant sur Fun Radio, c'est parti. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir combien de temps vous arrivez à tenir quand vous vous masturbez. De quoi? Ben, combien de temps vous arrivez à tenir quand vous vous masturbez, monsieur? Qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi tu me parles, là? Ben, pour savoir combien de temps vous arrivez à tenir quand vous vous masturbez. Elle me bite sur ta gueule. Ça te plaît, ça? Ben, si vous voulez, mais je vois pas le rapport, monsieur. Mais de quoi tu me parles de masturber la bite, là? Ben, parce qu'en fait, je veux savoir combien de temps vous tenez quand vous astiquez tout seul. Ben, je sais pas, demande à ta mère. Ben, oui, mais parce que si je demande à ma mère, c'est que vous êtes pas tout seul, donc ça compte pas. Mais de quoi ça compte pas? Bah ça compte pas parce que moi je veux savoir combien de temps vous tenez quand vous faites ça tout seul. Je m'en bats les couilles que ça soit combien de temps, combien de fois, de quoi tu me parles de masturber la bite? T'as bah, pas oui. autre chose à foutre à cette heure-là mon gars? Bah non pas du tout monsieur. Moi je veux... Mais... Parce qu'en fait je cherche quelqu'un pour battre le record du monde, alors du coup je voulais savoir combien de temps vous tenez vous. Bah ramène ton cul tu vois, combien de temps je vais tenir mon gars. Ramène-le ton cul. Oui mais je vois pas le rapport monsieur. Mais comment je vais te déglinguer mon pauvre là, mais vas-y mais pourquoi je sais pas, t'as rien d'autre à foutre, t'es vraiment un putain de gamin mon gars. Mais non monsieur, moi je veux juste savoir combien de temps vous tenez, c'est tout. C'est pour battre un record du monde, mais... c'est pas pour rigoler monsieur. T'es avec tes potes, tu te fais chier, tu te dis tiens, on va appeler 2-3 personnes, tac tac. Mais non monsieur, je vous demande combien de temps vous tenez, pas tac tac. Mais, oh la tête de la mer, hein. mais va te foutre mon gars, ah tu m'as gavé. Bah enfin monsieur, pourquoi vous dites ça? Ah oui, il est parti, pardon, tant pour moi. Tu m'attendais à ce qu'il répète encore un truc. Donc on l'avait rappelé évidemment, parce que je rappelle qu'on fait ces appels tous les soirs de la semaine de 23h à 2h sur Fun Radio. Et que si vous avez des numéros d'ailleurs envoyés à Tof, n'hésitez pas. toph@funradio.fr. Merci d'ailleurs à l'auditeur qui nous a envoyé celui-là. Parce qu'il était magnifique et vous n'avez pas encore entendu la suite. On l'avait rappelé évidemment une deuxième fois. Écoutez ça. Quoi? Oui, non, je m'excuse, mais parce qu'on a été coupé, donc du coup, je... Ouais, mais tu vas voir ce que je vais te couper tout à l'heure, mon gars. Mais vous allez me couper quoi, monsieur? Mais ferme ta gueule, qu'est-ce que tu me pètes les couilles? Bah, je sais pas, vous me promettez des trucs, alors moi, j'essaie de savoir. Mais je vais te promettre une putain de bise sur ta gueule, tu vas voir ce que je vais te faire. D'accord, mais alors pour le temps de masturbation, alors, monsieur? Tu veux savoir? Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle. Bah, ramène ton cul, alors, mon gars, tu vas voir combien de temps je vais tenir, moi. Oui, mais vous êtes sûr que vous pouvez tenir à peu près 9 heures, parce que bon, faut battre le record du monde, quoi. Mais je vais te déglinguer mon pauvre, tu sais même pas. Pourquoi tu me casses les couilles à cette heure-là, putain? T'as rien d'autre à foutre mon pauvre. Bah non monsieur, moi j'ai rien d'autre à faire, c'est pour ça que je vous appelle, parce que je cherche quelqu'un. Mais t'es vraiment un putain de pauvre type toi, je te jure mon gars. Mais mange tes morts, sale bâtard. Tu commences à me saouler là avec ton savoir de temps de masturbation. Bah oui, mais si vous répondiez, on perdrait pas notre temps, monsieur. Mais si vous répondez, vous répondez, tu crois que j'ai que ça à foutre de répondre? Bah j'ai un peu J'ai un peu l'impression là, ouais, quand même. Bah ouais, mais casse-moi pas les couilles putain, évite d'essayer de me rappeler parce que là je pense que tu risques de me gonfler là, un peu beaucoup même. Mais si je vous gonfle, vous allez jouer ou pas? Bah je sais pas, mais dis-moi où t'habites, tu vas voir, je vais te dire si je jouis ou pas. Bah moi je suis à Paris monsieur. T'es à Paris? Mais ouais. Je vais y monter à Paris, je suis à 2 heures de route. Eh bah je vous attends alors. Ah ouais, bah donne-moi ton adresse mon petit rigolo, tu vois, moi je suis à 2 heures de route, je vais y monter à Paris. D'accord, alors je suis 22. Ouais, vas-y. Rue... Bayard, ouais. Ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Ouais. Et c'est dans le 8e à Paris. Eh ben je te jure mon gars que quand je vais y aller, je vais te défoncer ta gueule. Va. D'accord. Mais alors... Du cul de merde, ouais. Et puis tu vas voir combien de temps je vais tenir mon gars, je vais te le faire en direct moi. D'accord, mais devant toi là. D'accord. Mais du coup, parce que vous avez pas vraiment répondu à la question. Non, c'était pour savoir quand est-ce que vous alliez venir, quoi. Va te faire enculer. Ah bah non. Ah bah voilà, malheureusement c'était terminé là et c'est bien dommage. Je suis très déçu qu'on en soit resté là. Clairement. Bon, en tout cas restez tous là sur Fun Radio. On est là, c'est Mickaël Nolimit en direct de Noyon chez Olivier, le prof de maths qui nous a accueillis. On aura Joris dans quelques minutes. On aura également Jérémy, Jean-François. Et puis on est toujours là évidemment jusqu'à minuit sur Fun Radio. Merci à tous d'être là. Mickaël No Limit en direct de chez Olivier à Noyon jusqu'à minuit sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël, No Limit, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Toujours en direct de Noyon chez Olivier, le prof de maths qui nous a accueillis ce soir. Bah merci à lui, Tof qui est toujours en mode dîner presque parfait. Hein. Non là je suis en mode à poil. Comment ça t'es en mode à poil? Alors on m'a dit il y a des masseuses alors je me suis mis à poil. Ah oui, non, mais d'accord, ok, oui, non, mais je t'ai parlé de ça au début, mais je pensais que t'allais faire à manger d'abord. Ah non, non, d'abord le massage, faut que je me mette en condition d'abord. D'accord, ok, bon, alors très bien. Bon, parce qu'il y a Sandrine qui est venue. Ah bon, on n'est pas prêt de bouffer, je le confirme. Bon, Sandrine qui est venue. Bonsoir Sandrine. Bonsoir à tous. Comment ça va? Bah, ça va très bien. Donc Sandrine qui est donc le produit local de massage en l'occurrence, hein, c'est ça, on nous a dit, il faut tester les produits locaux, donc nous on teste. Mais on fait pas que ça. Bon, tu fais pas que ça, évidemment. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors en fait, c'est un centre de 300 mètres carrés. On fait hammam, spa, sauna, coiffure, esthétique, bronzage avec ou sans UV. C'est un nouveau concept. Mais c'est là qu'il fallait aller faire l'émission, Olivier. Bah, ouais. On aurait pu se déplacer là-bas. Et bah, c'est quand vous voulez. Et bah demain. Bah, moi je suis bien, c'est bon. Ton équipe. Bah, voilà, c'est ça. Quand vous voulez. Demain, on est pas mal. Demain, on est pas mal. Bah, moi, y a pas de soucis. Bon, alors du coup, Tof, t'es. Moi, je suis bien. Non, j'ai compris, mais toi, t'es dans le. t'es dans la chambre là, t'es où? Non, je suis dans la salle de bain, en fait, sur une table de massage, une vraie table de massage, donc j'ai la tête dans un trou et, c'est... et donc je ne vois rien de ce qui se passe autour de moi, donc je sens qu'il va m'arriver un truc. Très et... bien, je vais prendre une fourchette, je vais lui mettre dans le cul. Je le savais, je le savais. On aurait pu essayer l'épilation aussi, ça aurait pu être sympa. Ah ouais, ça aurait pu, ouais. C'est vrai que ça aurait pu être sympa, en effet, ouais. Ouais. Mais épilation, il connaît déjà. Alors du coup, donc qui c'est qui va essayer une employée à toi ou. Voilà, c'est deux employés. Ah deux, t'as, donc t'as deux meufs, toi? Oui, j'en ai deux. Attends, quel enculé. Je voulais faire une dédicace aux coiffeuses qui sont pas venues, Laura et Christelle. Et en même temps, j'en profite, vu que bah, je te remercie déjà de nous avoir invités. Donc je fais une petite dédicace à mes parents, à mon mari et à ma fille Anissa. Très bien. Ah, ah yes. Ah, c'est Polo. Ça, c'est Polo qui a été lui mettre une fourchette dans le fion. qu'on jette la fourchette, hein, les foutus terminés, les poubelles. Elle est contaminée totalement. Ouais. Bon, donc du coup, Tof, t'es avec donc les deux filles en oui. train de te faire masser pépère. Hein. Non, je me suis pas encore fait masser là. Elles sont encore à côté de moi, mais. Ah bah elles vont commencer là. Ah bah il paraît qu'il faut commencer. Oh quelle horreur, je viens de voir la photo parce que bon moi je suis dans le salon et lui dans la salle de bain, oui. Donc je le vois pas. Le mec est à poil comme ça, comme s'il était chez lui. Ah il est chez lui là. Ah bah là moi je suis bien. Ah bah ouais, ouais, bah venez voir hein, si vous voulez là les auditeurs, n'hésitez pas, on est 28 rue de Paris à Noyon en Picardie pour ceux qui veulent venir nous rejoindre, on est là jusqu'à minuit. Ah mon dieu, elle me chatouille les pieds. Vous pouvez venir sans problème, y a pas de soucis. L'autre il se fait masser chez un auditeur. C'est ça la vraie vie. Ouais c'est ça la vraie vie. C'est là que je sais qu'on fait un métier, tu vois, un métier sympa. C'est ça. Faites mal les filles si vous entendez. Est-ce qu'ils nous entendent, des masseuses? Non, elles n'entendent pas. Attends, je vais entendent. Le faire autrement. Comment est-ce qu'elles s'appellent, dis-moi? Laura et Virginie. Laura et Virginie, il faut y aller comme une pas brute. Non, hein. Pas Laura, Vanessa, excusez-moi. Ah, Vanessa, faut y aller comme c'était une brute. Imagine qui s'est foutu de ta gueule. Aïe, ah. Imagine qui s'est foutu de ta gueule. Il faut le faire comme si c'était une brute. Ah oui, non, là c'est violent par contre. Voilà, oh la vache. Eh ben c'est très très bien, il faut continuer comme ça. Ah genre le mec il est là, il dit oui, bah j'ai la belle vie, je me fais masser en direct, etc. Ah oui. Eh, tu vas rester calme, toi, je veux pas entendre ça moi en direct. Hein. Ah non, mais c'est violent, hein. C'est-à-dire que là c'est le. Ah oui, c'est. C'est quoi? Mais ils ont cru que j'étais un sportif de haut niveau, quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que je leur ai demandé de faire, c'est très bien. Bon, pendant que tu te fais masser. Pendant que je souffre, je me fais pas masser là. Non mais arrête ton cinéma, pendant que tu te fais masser donc, on va accueillir Jenny qui est avec nous maintenant. Comment ça va Jenny? Jessie, pardon, excuse-moi. Trois fois j'ai noté le nom, faut savoir. C'est même marqué là encore. Hein. J'ai encore réussi à me tromper. Comment ça va Jessie? Ça va et vous? Très très bien Jessie. Bon toi Jessie, t'es actuellement élève d'Olivier, le prof de maths? Oui c'est ça. Bon comment ça se passe? Bah ça se passe bien. Ouais mais genre en vrai, parce que là il est. Non c'est vrai, ça se passe bien. Ouais, vraiment? Oui. La moyenne? Je sais pas. La moyenne? Ça doit être 18, un truc comme ça. Mais on a la tête alors avec nous là. C'est Olivier qui m'a donné les prénoms, en fait il m'a donné que les bons élèves. Nous d'accord. On veut les derniers de la classe, ils sont où? Ouais c'est ça, nous on veut ceux qui nous ressemblent quoi, tu vois, ceux qui étaient toujours. Regarde, moi je suis à côté de la fenêtre au chauffage. Bah, pareil, c'est exactement la place que j'avais quand j'étais au bahut, à côté de la fenêtre et tout près du chauffage. Toi t'es devant toi? Ah bah ouais. Bien sûr. La première à lever le doigt? Non. Ah bah la deuxième? Histoire de parfois laisser le premier, histoire de rigoler un peu quand le premier se trompe. Non, je laisse. Ah tu laisses? Ouais. Toi, jamais tricher, jamais princesse. Jamais. Ah non. Oh là là, jamais. Alors que moi j'étais au festival, tu vois. Bah oui. Bon alors t'avais une anecdote sur ton prof alors? Ouais, la dernière fois je crois que c'était la semaine dernière. Oui, en fait c'était un prof super bien. Un jour il m'a posé une question, j'avais la bonne réponse. Non, c'était génial. Non, je crois que c'était la semaine dernière, mercredi. Ouais. On était en groupe et donc bah encore le téléphone. Il a pris le téléphone d'une fille et il a envoyé un message à la fille de l'autre groupe. Donc elle était pas là dans la salle. Et d'accord. Il lui a dit oh garde, il est chiant ce matin franchement. Et la fille a répondu ouais comme d'hab. Ah c'est bon ça. Ah, c'est il pas a mal. Cherché, il a trouvé. Hein. Et il lui a envoyé t'es morte. Mais vous remarquerez que c'est pas une histoire avec Jessie, hein. C'est, ça concerne quelqu'un qui. Oui bah vois, elle va pas se balancer elle-même. C'est pas l'histoire. Bah, toi t'as jamais rien eu, jamais de problème, jamais. Si à chaque fois il prend mon téléphone, mais j'ai mis un code donc. il rentre jamais dedans. Ouais, mais bon, tu utilises ton téléphone pour la calculatrice. Non. Ah bon, d'accord. Ouais, j'essaie de te tendre une perche et même celle-là, tu l'as pas prise. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Il y a d'autres élèves aussi. Il y en a d'autres qui ont des élèves qui ont vécu des trucs, ouais. Mais genre eux-mêmes personnellement directement. Oui, très bien. Comment tu t'appelles? C'est tough, hein, si vous entendez des cris. Thomas. Très bien. Bah, Thomas, approche-toi de Jessie. Alors, c'est quoi ton histoire, toi? Puis on prendra aussi Joris, Renaud également. Alors, Thomas, je t'écoute. Alors, en fait, moi, attends, passe bien, parle bien dans le devant le micro. Tof, ta gueule. Bon, alors vas-y. Alors moi, il m'a pris mon téléphone, puis il a envoyé je t'aime à 15 personnes de mon répertoire. Donc ma mère, des mecs aussi, des potes à moi. Oh, ta mère, elle a dû être contente. Oh, meilleur chou. Oh, c'est gentil, il m'a jamais dit ça de sa vie. Puis à des potes à moi aussi, qui ont cru. Oh là là, Tof, par pitié, mais non, sourdine. Bah oui, mais enfin, arrête de crier. Bah oui, j'aimerais bien t'y voir. Et faut savoir que quand il prend les téléphones, même s'il y a un code, soit il fait tous les codes et il les bloque, soit il garde la batterie, la carte SIM avec lui. Il garde la carte SIM. Ouais. Bah c'est là qu'il faut prendre une petite duo, quoi. Comme ça t'es pépère. Hein, il peut virer la première. On va trouver des stratèges pour couler ces attaques. Il faut travailler comme ça, c'est obligatoire. On va vous aider élèves. Évidemment. Alors on va prendre également où est-ce qu'il est, Renaud, qui est avec nous d'Avignon là. Salut Renaud. Renaud. Ah. Renaud, oui. C'est pas grave. Ah, Renaud qui est avec nous. Renaud d'Avignon, comment vas-tu? Excès de mollesse, ça va. Ah oui, excès de mollesse, je te confirme Renaud, mais c'est bien de t'en rendre compte. Ils bon. Se punissent tous. Faites gaffe parce que j'ai l'appel. Hein. L'appel, ouais. Elle où l'appel, ouais, bah, voilà. Je me réveille là. Tiens, voilà, je te mets ça aussi, tiens. Bon, alors Renaud, explique-nous un petit peu, c'est quoi ton... Qu'est-ce que t'as eu comme truc avec tes profs? Avec un prof ou plusieurs profs? Attends, Renaud. Il y a Tof qui est en train de jouir là. Oh là là, il est en train de se faire masser là. Voilà, t'as raison. Tof, tais-toi s'il te plaît. Tais-toi. Ah, on voit bien que c'est pas toi qui souffre. Bah, c'est toi qui as voulu faire le massage, hein, où tu fais le malin là maintenant, il est bien là. Bon, alors vas-y Renaud là, qu'est-ce qui s'est passé, explique. Eh ben, moi j'ai un prof d'anglais, ben il comprend rien à l'anglais en fait, hein. Il va se réveiller. T'as un prof d'anglais qui comprend rien à l'anglais, alors c'est-à-dire. Ben, en fait, en lui demande un truc, il va voir sur Reverto et il vient nous le dire en fait. Mais non. Mais arrête ton cinéma Renaud, t'es sûr? Parce que toi t'es parfait bilingue toi. De quoi? Ah bah oui. Toi t'es parfait bilingue. Very well. Oh yes, of course. Évidemment. Comment on dit avion? De quoi? Airplane. Comment on dit un avion? Ok. Airplane. Une porte? Airplane. Ouais, bah alors là mec, t'es pas arrivé. Comment on dit une porte? Door. Oh yeah man. Oh, ton accent il déchire hein, Renaud là. Hein. Ah ouais. Ça chatouille. On est pas mal. Comment on dit un ordinateur? Computer. Comment on dit un mec qui braille comme Tof là derrière? Ah, il est relou. Un con, exactement. Tu as très très bien répondu, Renaud. Bravo. Très bien, c'était parfait, 20 sur 20. Renaud. Ouais, 20 sur 20, ouais. Bon, il faut lui trouver un truc à faire, Renaud, là. Tu sais, une espèce de piège pour le prof, s'il parle pas anglais. Ouais, non, mais je pense qu'il va falloir en faire un truc, là. Ouais, bah voilà. Je suis très perturbé parce que j'ai l'impression qu'il est en train de se faire pomper, là. Ah non, pas du tout. Elle est en train de me chatouiller les pieds, c'est horrible. Mais comment ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle me masse le bout des orteils, et en fait, ça chatouille. C'est. Bon alors tu kiffes ou tu kiffes pas là parce qu'on sait pas très bien en fait. Mais il kiffe. Franchement. Ouais. Si c'était plus doux, je pense que je kifferais. Non mais on n'est pas là. Ça moi. Va venir. Non mais normalement c'est plus doux. Moi j'ai dit que t'étais un vrai athlète et qu'il y a un moment fallait te remettre sur pattes quoi. Ouais j'ai bien compris. Voilà non, c'est ça, donc c'est parfait là. Ah. Mais oui très bien. Bon Renaud, un petit message d'encouragement à Tof. De quoi? Ouais. Un petit message d'encouragement. Je sais pas. Voilà. Va te faire foutre. Voilà, voilà, ça me paraît pas mal. Merci Renaud d'être passé hein. Ouais, merci. Allez, salut à toi Renaud, ciao. Allez, salut, ciao. Bye bye. On va prendre Bruno aussi dans quelques minutes qui voulait réagir et qui voulait aussi nous raconter une petite anecdote par rapport à ses profs. Hein. Bruno, 27 ans de Grenoble, là, comment vas-tu? Ben, je vais bien, et vous, la famille? Eh ben, la famille va très très bien, Bruno, évidemment. Regarde, même tout le monde qui est là ici va te saluer. On salue Bruno. Voilà, tu vois, tout le monde est là, Bruno, pour te saluer. Bon, dans quelques minutes, toi, tu vas nous raconter une anecdote par rapport à des profs. Parce que t'as 27 ans, t'es prof ou t'as été élève? Enfin, ça fait 20 fois. J'ai surtout fait la misère aux profs de maths. T'as fait la misère à des profs de maths. Ben, c'est parfait, justement. Ben, ne bouge pas de là, Bruno. Et puis, on va récupérer Olivier, justement, le prof de maths. On aura Charles dans quelques minutes. T'es avec nous, Charles, comment ça va? Ça va et toi? Bah parfait, Charles, on est en direct de Noyon, là tout se passe bien. Charles, reste avec nous, on va parler aussi de prof dans quelques minutes avec toi. Et puis on va se refaire aussi la colle avec Dylan qui est avec nous là. Dylan. Parfait. Dylan qui est donc avec nous de Vieille Vigne, c'est ça? Dans le 44. Alors réexplique Dylan la colle s'il te plaît. Je suis d'eau, je suis l'air et je suis l'électricité. Qui suis-je? Voilà, je suis d'eau, je suis d'air, je suis d'électricité. Alors tais-toi. Ah bah elle m'étire, je suis là d'électricité, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. On vous attend nombreux avec tous les messages également hein, qui sont en train de défiler. Là, il y a Fabienne qui dit salut les barjots. À la bourre mais présente, bah, c'est le principal Fabienne. Et puis donc je rappelle que si vers 22h personne ne trouve la bonne réponse, Dylan, c'est toi qui gagne le cadeau, d'accord? Ok, et c'est normal qu'il y a pas sur Facebook le message là de la colle? Ce n'est pas normal du tout Dylan. Je vais immédiatement frapper sur moi-même. Voilà, je vais mettre la colle de suite Dylan. En même temps t'es con, hein, il faut pas le dire. Tu vois, tu l'aurais pas dit, il y a plein de gens qui n'auraient pas pu jouer et t'aurais pu gagner plus facilement. Mais c'est pas grave Dylan, c'est bien. Tu gagnes un point parce que tu es honnête. Et c'est rare les gens honnêtes, à part moi évidemment. Bon Dylan, reste avec nous. On va revenir avec toi, avec vous toutes et vous tous en direct. On est toujours donc en direct de Noyon chez notre ami prof de maths qui est parti. Ah il est nous voilà, il est parti. On est à la table de massage là et je crois qu'il a envie d'une petite séance également. On va s'écouter le son. Ça va toujours Tof? Ouais, ça va très bien. Très bien. On va mettre les photos de ton, mon corps d'athlète. De ton massage royal sur le Facebook dans quelques minutes. Voilà, vous allez pouvoir voir ça sur le Facebook de l'émission. facebook.com/MIKL officiel. Allez, on écoute le son de Dust maintenant et Nicki Minaj sur Fun Radio. On est toujours en direct de Noyon et on va se faire le son de Damn. Merci beaucoup d'être là, c'est MIKL No Limit. On est là tous les soirs jusqu'à minuit, tous les dimanches en tout cas. MIKL et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. MIKL No Limit, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais. Toujours en direct des Noyons. Prenons des nouvelles de Tof en train de se faire masser. Ah bah il est de retour, tiens, très bien, parfait. Alors comment j'ai beaucoup souffert. Arrête. Non, mais le massage était top, mais comme tu leur as demandé de faire mal, ça faisait mal. Alors attention, je n'ai pas demandé de faire mal, j'ai simplement dit qu'il fallait faire un vrai massage tel un athlète. Oui. Que tu es presque. Bien, bah évidemment. Bah voilà, c'est moi ça. Moi qui cours un marathon tous les matins. Mais évidemment. Où sont les masseuses? Elles sont là. Elles sont là, très bien. Alors c'est. Comment vous rappelez-moi? Attends, on t'entend mal. Prends le micro. Vanessa et. Virginie, très bien. Bon, est-ce que vous avez déjà massé un corps aussi musclé? Sale. Moi, je dirais plutôt aussi peu musclé. Très réactive hein, pour un athlète. Ah oui, vous avez remarqué aussi qu'il est un peu douillé, non? Un peu, oui. Beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais parce que y a un moment, il faut masser tout ça. Hein. Ouais. Par contre, ça a été dur, c'est pour les pieds, quoi. Ouais, je comprends. Bah, ouais, mais attendu. Hein. Bon, et donc, je me suis dévoué quand même. Voilà. Ça va, c'est gentil. Bon, et sinon, en règle générale, donc les mecs et parce que c'est mixte, hein, j'imagine. C'est mixte. On fait beaucoup de privatisation aussi. Les gens viennent à deux, comme tu l'as dit si bien. Il y a la Saint-Valentin qui a J-5. L'angoisse totale. Voilà. On utilise l'espace pendant une heure à deux tous les deux et après un petit massage en duo. D'accord, voilà. Ok, très c'est bien. C'est une idée Saint-Valentin. Bah, c'est une idée Saint-Valentin et puis si vous voulez, on mettra évidemment l'adresse complète sur le Facebook de l'émission et puis donc si on veut aller sur le site, c'est www.ospadetente. Bah, alors avec un O, donc vous faites pas voir. Avec un O. Ospadetente.fr. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas les filles d'être passées. Bah, et si vous voulez remasser Tof à l'occasion, n'hésitez pas. Hein. Non, pas ce soir, j'ai pris assez cher. Ouais, mais de toute façon, et puis tu vas faire manger. Je compte sur vous pour venir. Vous ouais, bah, on va venir. Il est où le patron là? Il est où le... Ah, ils sont partis en courant là, je crois. Chef, ah non, ils sont à la cuisine, ils sont à la bouffe. Ils ont faim. Ouais, ils sont partis faire manger, c'est dommage. Attends, super sympa et juste si je peux me permettre, j'ai oublié ma petite nièce Lina et si je fais pas une petite dédicace, elle va. On t'embrasse Lina, on t'embrasse. Un gros bisou à Lina. Voilà, le grand patron Jérôme qui est là, elle propose de faire une émission en direct de son spa détente. C'est une bonne idée. Dans le jacuzzi, par exemple. C'est pas loin là. À Compiègne. À l'occasion. En fait, on fait une semaine spécial Noyon Compiègne, c'est ça? Voilà, bah, tant qu'à faire, c'est parfait. Établissez les locaux ici, voilà. Plus vous remarquerez que la voix de Jérôme passe mieux que la nôtre. Ouais, mais ouais. Ça c'est la puissance, c'est, ouais. C'est normal, c'est l'empereur. C'est ça, c'est ah, la on puissance. Peut aussi faire la radio de Noyon définitivement. Oui, c'est une idée effectivement. Compiègne, en plus, on est bien installé là chez Olivier, c'est plutôt cool. Bon, on va prendre Joris qui est avec nous maintenant là. Bonsoir Joris. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Très très bien Joris, t'appelles de Saint-Amand toi. Et tu voulais parler à Olivier qui est avec nous. Donc hein, Olivier, prof de maths, qui nous accueille ce soir chez lui, dans son salon. Donc on est plutôt bien installé. Alors, bon, mon seul regret c'est qu'on n'est pas Monaco PSG, Paris-Monaco, non, Monaco PSG ce soir, hein, ça c'est dommage. Bon enfin c'est pas grave, hein. Si vous êtes auditeur, vous suivez le match, tenez-nous au courant, hein, y a pas de problème. Bon alors du coup Joris, là, tu voulais dire quoi toi? Je voulais poser une question au prof de maths. Oh, bah, le malin. C'est alors, moche ça, c'est moche. Les élèves en plus. C'est ouais. Alors on va voir si le prof de maths fait encore le malin. Je peux aller sur les sites aussi. Non, pas du tout. Tout sortira de la tête. Alors vas-y Joris, c'est quoi la colle? Donc je voulais savoir si tu connais. Alors un train, s'en va de la. Non. C'est quel est le comble du mathématicien? Ah, du mathématicien ou du prof de maths? Du prof de maths. Alors moi j'en connais une, c'est s'endormir avec une inconnue et se réveiller avec un problème. Ouais, oh putain, et c'est tough. Une autre. Ouais. Ah non, je sais pas. C'est se faire piquer sa moitié par un tiers pour un quart. Oh, c'est joli, ah, ça. C'est pas mal. Il est poète, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, ça se passe plutôt pas mal. C'est vrai. Bon, bah très bien. J'ai vécu peut-être. Ouais, oui, bon, probablement. Je m'attendais à une colle plus violente. Faut pas les appeler, faut pas les demander. Si. Bon, appelez-nous si vous voulez tenter de battre. Donc Olivier, le prof de maths, qui est avec nous. Tu donnes cours, à des élèves de quel âge? Ça va de seconde à BTS. Seconde à BTS. Voilà. Ah oui, donc déjà bien quoi. Oui, c'est sympa. Et puis oui, un bon petit niveau, oui. Oui, un bon niveau. Bah oui, avec toi, forcément, il y a avec la règle que t'as là. Ah oui, d'ailleurs. Tof, tes doigts. Mon massage n'est pas terminé, Tof. Il est où là? Il y a la finition à faire. Qui m'a piqué la règle? C'est Tof. Qui m'a piqué la règle? Attends, merde, qui m'a piqué la règle? Je suis scandalisé. Bah, on m'a piqué la règle. Bah, tant pis, comme par hasard, c'est chez. On va la retrouver. C'est chez Tof qu'on l'a piqué. Oh zut! Ah ouais, c'est bizarre, hein. Mais oui, c'est très bizarre. Ah ouais, je suis vraiment scandalisé. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Bon, Bruno, qu'on va récupérer dans quelques minutes. Merci à toi d'être passé, Joris. Faut passer une petite dédicace. Bah allez, vas-y, profites-en, Joris. Ouais, je passe une petite dédicace à mon papa qui m'écoute et puis à mes amis. D'accord, et bah le message est passé sans problème. Salut, Joris. Salut, tu me repasses Sandro? Ah, oui, Sandro, c'est pas possible, mais je peux te repasser le stagiaire. Évidemment, tu vas perdre au change, mais c'est pas grave. Salut, Joris, parce que Sandro est avec nous, donc elle fait pas le standard pour le coup. Moi, ce soir, je mange. Voilà, c'est ça. Elle est bien. Bon, du coup, il fallait. Donc, Olivier va. Oui. Parce qu'après, il va dire que j'ai fait exprès de faire. Bien sûr, ça va être encore pire. Comment court alors? C'est-à-dire que là, tu dédouanes de ce qui va me faire. Pas du tout. Donc Olivier prof a une règle comme d'antan. Oui. Et donc Tof évidemment aussi, oui. Tof a fait de la merde. Et donc forcément, il y a un moment, il faut punir. Ah, bah, il se lève punir. Et tout. Ah, il va lui casser les doigts. Dis-lui. Monsieur Tof. Oui. Ah. Parfait. Bon, c'est ce qu'il a mérité de toute façon. Il l'a totalement mérité. Bon, toujours 0-0 pour Monaco PSG. Voilà, comme ça au moins on sait, je vous tiendrai au courant évidemment s'il se passe quelque chose. Continuez à venir nous dire hein, si jamais vous avez déjà eu je sais pas moi des petites anecdotes à nous raconter, un petit truc qui s'est passé avec vos profs, entre élèves et profs, bien ou mauvais, venez nous en parler donc hein, n'hésitez pas. Et parfois c'est entre prof et prof qu'on se voit. Et parfois entre prof et prof, si vous êtes prof également, vous pouvez nous appeler 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Bon, on va revenir avec Tof qui va se mettre à la cuisine. Je vais au fourneau. Et bah, au fourneau, puisqu'on va se faire un dîner presque parfait, un Tof presque parfait. Alors qu'est-ce que tu nous prépares pour ceux qui viennent de débarquer? Flammekuch. Mais. Flammekuch, voilà. Après, produit vous... totalement local. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai été chercher tous les produits dans le coin. Dans la rue, etc. Voilà. Ouais, dans un truc vachement. Il a tué un bœuf. Ouais. C'est ça. Tout est local. Bon, voilà. et après le pancakes. Pancakes. Spécifique ou non, pancakes. Mais pancakes. Tu sais qu'entre l'entrée et le dessert, il y a quelque chose normalement. Ah merde. Putain. Ah bah voilà. Ah ouais, voilà, c'est ça. Bon bah tant pis. Déception du public. Bon, déjà. Oh bah oui. Mais ça, ils sont tous venus pour bouffer. Ils ont bien raison. Ouais. Et bah c'est pas grave. Hein. Au pire, on essaiera d'appeler. Une pizzeria locale. Il y a Domino's pas loin. Ah bah parfait, on va les appeler dans quelques minutes. Très bien. Bon bah vas-y Tof, direction la cuisine. Et puis ce qu'on va se faire maintenant, c'est le son de Pharrell Williams sur Fun Radio. Et ouais, ce sera dans quelques minutes sur Fun Radio. Restez bien là. C'est Mickaël No Limit, toujours en direct de Noyon. Et on est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Ce soir, toute l'équipe de Mickaël No Limit est à Noyon en direct de chez Olivier sur Fun Radio. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël. Limite dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun. Ouais. Allez, toujours en direct sur Fun Radio de chez Olivier, le prof de maths qui nous accueille ce soir. On va mettre les photos, hein. Oui, ça traîne un petit peu là. On a trop de personnel, alors du coup, on sait plus. On va mettre les premières photos dans quelques minutes, notamment du massage de Tof, qui est en pleine cuisine pour essayer de faire ce dîner presque parfait. Alors apparemment, je sais pas qui n'a pas eu confiance, mais il y a livreur de pizza qui est passé. Je sais pas lequel est coupable et qui n'a pas eu confiance en Tof et sa cuisine. Je pense qu'il a eu raison parce que là, le mec, la flamme le cul, c'est une mauvaise idée, ouais. Mais on verra, ouais. Bon, on verra. Tof. Tof. Attends, parce qu'il, non, il est en pleine préparation de bouffe là. Oui, s'il vous plaît. Ouais. Oui, je suis là. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas eu confiance en toi, il a commandé une pizza. Oui, c'est le chef, c'est le grand chef. Oh, ah, c'est le grand chef qui a pas eu confiance. Il a eu peur que je l'empoisonne. Ah, bah il a bien raison, ouais. Bon, eh ben, on va continuer. Allez, restez avec nous sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On est toujours en direct de Noyon donc ce soir. Si vous voulez passer nous voir, vous êtes les bienvenus. C'est sur, vous allez rue de Paris, hein, c'est au numéro 28. 28 ouais. Voilà, vous passez, il n'y a aucun problème, vous serez les bienvenus. Il y a quelques petits cadeaux qu'on va distribuer également. Et puis, voilà, c'est à Noyon, hein, en Picardie, on est là, on est bien. Le ciel est totalement dégagé. Et ouais. Limite, on aurait pu bronzer cet après-midi. Il y a un détail impressionnant, il y a la tête énorme de Mickaël sur un mur. Voilà. Sur un mur, exactement. On a vu sur c'est ça. C'est pas tous les jours. Hein. C'est pas tous les jours, je confirme. Bon, on s'écoute le son de Pharrell Williams maintenant sur Fun Radio, c'est Happy. Et puis on continue à parler de toutes vos anecdotes avec les profs. Juste après, bonne soirée, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël, No Limit, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais. Et Mickaël No Limit en direct de Noyon, donc chez Olivier, l'auditeur qui nous accueille ce soir. Il y a un but également de Paris, voilà, comme ça on a dit que vous tiendrez informé, c'est donc chose faite. Pas mal d'auditeurs qui vont passer aussi ce soir dans le standard qui sont là. Il y a Dylan, il y a Charles, il y a Bruno, il y a Joël, il y a Clément, il y a Jean-François qu'on va récupérer qui lui est amoureux de trois filles en même temps. Donc bah oui, mais on a toujours trouvé personne ici, j'allais dire dans le studio, c'est vieux réflexe. Moi, dans le salon d'Olivier qui pourrait nous aider à ce niveau-là. Donc et comme par hasard, évidemment, personne n'appelle pour dire moi aussi j'ai le cas, tu sais, des fois que la meuf écoute ouais, mais Tof, quand tu lui poses la question, il y a aucun problème, il est amoureux de personne, il est là que pour baiser, n'est-ce pas Tof? Complètement, voilà. D'ailleurs je ne vois pas d'autre explication. Bah exactement, d'ailleurs t'as fait quoi avant-hier? C'était quand avant-hier? C'est vendredi. Bah c'était avant-hier. J'ai baisé. D'accord, très bien. Et hier soir? Bah j'ai baisé. Ah bah très bien. Il y en a une des deux qui est vraie ou pas? De quoi? Bah que t'as baisé. Bah les deux. Ah les deux, d'accord, ok. Bon bah alors très bien. Alors, ah donc tu confirmes qu'on est sorti de boîte, t'as baisé? Mais bien sûr. Espèce de chien, on t'a demandé, tu nous as dit non. Mais non, je ne voulais pas, je lui ai dit de partir. Mais bah voilà, bah regardez. Oh là. Bon allez, continue à nous appeler. 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et Jessie, une élève d'Olivier d'ailleurs, qui voulait passer un bonjour. Alors en speed, Jessie, 5€ par nom. Alors vas-y. Un bonjour ça à la pizza. À mon copain, à mes amis Maëva et Amélie. Et ma famille et surtout à Sacha. T'as des problèmes avec les mathématiques parce qu'il t'a dit une dédicace, ouais, et t'en as fait 25. Ça. Parce que, désolé. Voilà, parce qu'il n'y a qu'avec Tof que 1 plus 1 égale 3. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, parfois c'est 4. Hein. Parfois c'est 4, effectivement. Ouais. Bon, mais gros bisous, Jessie. Le prof de maths qui est donc de retour et oui. Ça tombe plutôt bien puisque nous avons Joël avec nous maintenant. Là. Bonsoir Joël. Allez, bonsoir Joël. Comment ça va? Allô. Attends, coupe ta radio. Que ma fille est habite malade, c'est pas grave. Wow, ce sont des choses qui arrivent, hein, même au meilleur, ouais, Joël. Ah bah c'est ça, écoute, oui. Qu'est-ce que tu veux, ça arrive même au meilleur aussi. Hein. Bon, Joël, toi t'es prof, toi c'est ça? Attends, j'ai coupé Joël. Ma radio. Oui, voilà. Bah c'est ce que je disais, effectivement, parce que là, si tu laisses ta radio allumée, je pense que on va faire une discussion qui va durer jusqu'à minuit, je pense. Bon, vas-y Joël. Attends, t'appelles de Charleroi. Non, perdu. Ah bah oui, c'est à Bruxelles, très bien. Madame, mais il n'y a pas de problème, je pensais que c'était Charleroi. Madame Michel est riche. Madame se met bien. Mais madame se met bien, elle a bien raison. Bon, Joël, toi t'es prof, toi c'est ça? Non, en fait. Joël, tu n'as pas coupé ta radio, Joël. Joël, on va te récupérer dans quelques instants. Il faut vraiment couper complètement ta radio. Sinon, tu vas nous répondre avec chaque fois 10 secondes de retard, ce qui n'est pas pratique du tout. En attendant, on va prendre Loïc qui est avec nous de Nîmes. Salut Loïc. Oui, bonsoir à tous. Comment bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Ça va et vous? Très très bien Loïc. T'appelles de Nîmes, donc dans le Gard. Et tu voulais réagir donc par rapport au prof, puisque bah comme on a été invité chez un prof ce soir, on est en plaisir, direct donc de Noyon, chez un prof de maths, tu voulais nous raconter une petite anecdote à base de prof. Oui, exactement. En fait, c'est un jour, je rentre chez moi. Ouais. Et mon père me dit oui, voilà, j'ai rencontré une nouvelle femme, tout ça. Et là, j'arrive et en fait, c'est ma prof d'histoire. Ouais. C'est bon ça. Oh, le cadeau de merde. Je suis resté très con en fait, sur le coup. Très, très oh merde. Con, très, très con. Et voilà, quoi, après, il s'est passé quoi derrière? Il m'a épousé. En fait, après, quand j'arrivais en classe, ça, j'arrivais même plus à la regarder. Elle me faisait des petits sourires, tout ça, bonjour et tout. Ça va, fiston? Et le truc, oui, c'est que donc ils sont restés. Ben, ils sont toujours ensemble d'ailleurs. Non. Ah, c'est bon ça. Si. Bon, j'ai plus grand prof du coup, mais voilà. Oui, c'est ça. Ça a le côté positif en tout cas. Très bien. Ouais, bon, voilà, bah, donc voilà, donc tu, bah, donc ton père s'est tapé la prof d'histoire, donc c'est cool, quoi. Plutôt bon esprit. C'est bien, Loïc. Ouais, bon, ça va. Bah oui, ça reste effectivement bon esprit. Bon, bah très bien, Loïc. Merci en tout cas d'être passé, hein, Loïc. Ces notes ont monté en histoire juste derrière ou pas? Ah, je sais pas. Ça a monté ou pas les notes derrière, Loïc? Pardon? Est-ce que ça a monté les notes après que t'as eu Pas tant que ça, non. Ah, pas tant que ça, donc comme quoi on peut pas les acheter, c'est dommage. Bon, oui. Et bah tant pis, c'est pas grave. Excusez-moi, est-ce que je peux passer une petite dédicace? Allez, vas-y, essaye. Dédicace à mon pote Benji, voilà. D'accord. Ah bon, en plus il est derrière, donc c'est très bien, ça vaut bien la peine. Bon, ça marche, Loïc. Bon, bah passe une bonne soirée, Loïc. Merci d'être à l'écoute de Fun. Salut, salut. Allez, ciao, à bientôt. Il y en a encore plein qui vont revenir dans quelques minutes, évidemment. On aura la colle toujours avec Dylan. Je rappelle la colle: je suis d'eau, je suis d'air, je suis d'électricité. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, si vous pensez avoir la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. Vous nous appelez, vous envoyez un message, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et puis si vous avez envie de jouer via le Facebook également, je vais mettre la colle, hein, je suis un peu lent ce soir. Facebook.com/Mickaël officiel, je vais mettre ça dans quelques instants sur le Facebook de l'émission. Tof, comment ça se passe en termes de dîner presque parfait? Écoute, ça se passe bien, j'ai presque fini la première. La première quoi? La première flamme cuche. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on est tellement dans la région de la flamme cuche. Mais oui, c'est un produit de terroir, complètement local. Mais totalement local, évidemment. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça ici, sinon aucun intérêt. Et t'as bien raison. D'ailleurs, voilà. Olivier en mange souvent des flamme cuches. Ah oui, et de la bouillabaisse aussi également. Et de la évidemment. Ça me rassure, alors que s'il en mangeait pas, ça m'aurait inquiété. Oui, je comprends. Je suis content qu'il en mange. C'est ça. Bon, on va faire les appels de Toff aussi dans quelques minutes. On va se faire aussi le chéri, je peux te faire cocu. Vous l'avez promis, ça se passera tout à l'heure. Et puis ce soir on va faire un petit... Vous savez qu'on aime bien faire les matchs d'impro. On fait ça le dimanche soir d'habitude. Et là, plutôt que d'en faire un par téléphone, eh bien on en fera un avec les gens qui sont venus ici. Est-ce qu'il y a des bons ce soir en improvisation? Est-ce qu'il y en a qui sont plus... il y en a déjà un, comment il t'appelle toi? Mathieu. Est-ce qu'il y a une fille aussi qui est bonne en improvisation? Ou bonne tout court. Ou bonne tout court aussi, effectivement. La petite avec des lunettes, elle est mignonne. Voilà. Elle se la raconte un peu. Bon, c'est pas grave, au pire on choisira au hasard, hein. Le meilleur des deux bien entendu sera récompensé tout à l'heure, ce sera dans le match d'impro. Allez, restez sur Fun Radio. Ce que je propose, c'est qu'on se mette le son de Tony Junior maintenant avec Track Anthem. Et puis juste après, promis, on fera les appels de Toff. On est toujours en direct jusqu'à minuit, en direct de Noyon sur Fun Radio. Merci à tout le monde d'être là. Je vous rappelle que toute la semaine on est également de 23h à 2h sur Fun. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël, No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, toujours en direct sur Fun Radio avec Jean-François qu'on va récupérer. On aura Clément également. T'es là, Clément, là, comment tu vas? Ouais, ça va bien, et toi? En pleine forme, ouais, très bien, Clément de Clermont-Ferrand. Bon, alors, Clément, toi tu voulais parler à Olivier, toi, par rapport à une réaction sur un prof? Ouais, donc j'avais un pote qui était au lycée, donc j'avais dû louper une ou deux heures de cours parce que le prof était malade. Ouais. Il regarde un match de foot à la télé, devine qu'il y a dans les tribunes. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est pas mal. Ah ouais, putain. Et alors, t'as dit un truc? Allô? Allô? Clément? Ouais. Clément? Tu as rajouté un truc derrière? Parce qu'on t'a pas entendu. Ah non, mais en fait, le il lui avait rien dit, mais le type il voyait bien que c'était fait griller, tu vois. Ouais. Et il a fait la mauvaise foi jusqu'au bout. Ah ouais, jusqu'au bout. Oh, il a eu raison, très bien. Merci Clément. C'est une très bonne soirée. Merci beaucoup. C'est gentil Clément, à bientôt Clermont-Ferrand là. Ciao à toi. Jean-François qu'on récupère, Kevin aussi dans quelques minutes, Bruno, il y aura Charles, il y aura Dylan avec la colle. Et puis on va se faire les appels avec Toff maintenant. Hein. Toff que nous allons récupérer maintenant. Et vous le savez, tous les soirs on fait des appels avec Toff. Si vous avez des numéros d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, bien sûr, vous les envoyez maintenant sur le mail de Toff. Ça peut fonctionner aussi. TOPH. Je ne l'ai pas en ce moment parce que je suis Non, pas cuisine, en ce moment, mais dès demain quoi. Donc voilà. toph@femradio.fr. Et donc on va parler de beats. Oui. C'est parce qu'en fait je cherchais les noms de beats. C'est-à-dire qu'on avait trouvé un petit article qui référençait tous les noms que les gens donnaient à leur sexe, hein, Popol, Marcel, Godzilla. Exactement, la poudre de Bamako. Ouais, tout à fait. On peut demander au prof, à Olivier, comment il appelle. Comment est-ce qu'il appelle son sexe, Olivier? JPG, je vous laisse deviner. Voilà. JPG. Voilà. Jean-Paul Gaultier. Jean-Pierre Papin. JPG, Sandro. Ouais, moi j'aurais cru qu'avec son chat qui s'appelait Minette, ça aurait été Biroute. Ça aurait pu, ouais. On m'appelle Minette. Et qui donne qui appelle son sexe d'une manière bien précise là? Lui, c'est Thomas, c'est ça? Non, si, comment tu donnes bien si, un nom à ton sexe. Comment tu t'appelles? Ah non, bah je donne pas de nom. Hein. Arrête. Chapon d'amour, tu l'appelles pas comme ça? Ah si. Et ta meuf, elle l'appelle comment? Ah, elle l'appelle comme elle veut. Oh là là, apparemment on a quelqu'un là qui a voilà, quelqu'un d'honnête, bravo. Je l'appelle le courage, s'il faut prendre le courage à deux mains. Oh là là. Oh, facile. Oh. Connu. Facile. Un coup de règle, c'est comme ça que ça doit se passer. Bon, on avait fait les appels en l'occurrence cette semaine. Et puis bah écoutez ce que ça avait donné. On tombe toujours sur des gens très... sympa. Oui, c'est le mot que j'ai cherché. Allez hop, on y va. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir comment vous appelez votre sexe, monsieur. Je vous demande pardon. Je voulais savoir comment vous appelez votre bite, monsieur. J'ai pas très bien compris. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ben, répétez-moi. Eh ben, en fait, je veux savoir comment est-ce que vous appelez votre sexe, monsieur, votre bite, votre chibre. Oui. Votre D'accord, membre. C'est de la part de qui? De la part de Toff, monsieur. Ah, ben formidable. Ben c'est vrai. Et donc comment vous l'appelez? Ça vous regarde pas. Ben si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Non, ça vous regarde pas, ça. Mais si, monsieur, c'est pour ça que je vous appelle. Non, je l'appelle, c'est intime, hein. Ben non. Ah non, je l'appelle comme je veux. Ah oui, ça bien sûr, je veux juste savoir comment. Eh ben oui, mais ça vous regarde pas, après vous allez aller la voir. Non, rien du tout, hein. Pas besoin de PD ici. Mais enfin, je vois pas le rapport, monsieur. Ah si? Bah non. Bon écoutez. Oui. Je regarde mon feuilleton et je vous emmerde. Ah non monsieur, non. Non, si, je vous assure. Ah non, pas de vulgarité comme ça entre nous monsieur. Si, je vous assure, je vous emmerde. Ah mais non, enfin moi je veux juste savoir comment s'appelle votre sexe. Ben je vous le dirai pas, ça vous regarde pas. Bah. Et je vous emmerde. Mais non monsieur, enfin. Si. Non. Si. Ah non. Écoutez, non. Ah si, bah si, justement là il avait raccroché pour le coup hein. Bon c'est pas grave, on l'avait rappelé. Mais avant ça, Kevin qui est avec nous là dans Standard. Salut Kevin d'Antibes. Salut l'équipe, ça va? Ça va et toi? Ouais tranquille hein. Bon, t'as déjà donné un nom à ta bite toi ou pas? Eh ouais, bah je l'avais dit à l'antenne la dernière fois, attention. Ah c'était comment? Whiskas. Whiskas, d'accord, ok, très bien. Et pourquoi? Et encore ouais, toutes les chattes ça m'appelait Whiskas hein. D'accord, oui, ah bah oui, bien sûr, évidemment. Merci Kevin. Bon, allez, on a fait le deuxième appel là maintenant, c'est parti, on y va. Oui, monsieur, c'est pas gentil. Écoutez, je vous emmerde. Bah oui, mais ça n'est pas gentil, monsieur, moi je vous appelle gentiment pour vous demander comment ça s'appelle. Eh bien, moi je vous emmerde. Oui, vous l'avez déjà dit. Eh bien, allô, arrêtez de me téléphoner ou sinon ça va aller mal, hein. Bah oui, mais vous voulez pas me dire plutôt comment vous l'appelez? Je vous emmerde. Oui, ça je sais. Mais ben voilà. Mais ça répond pas à ma question tout ça, monsieur. Mais j'ai pas besoin de répondre à votre question, connard, nom de Dieu. Mais si, c'est pour ça que je vous appelle. Et évidemment, on l'avait rappelé une troisième fois. C'était cette semaine, toujours dans l'émission, bien entendu. Et écoutez le troisième passage. Allô? Oui, monsieur, c'est pas la peine de s'énerver de le prendre comme ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Ben, je veux savoir comment vous appelez votre sexe, monsieur. Je vous emmerde. Mais non, mais je vous dis qu'il faut pas le prendre comme ça, monsieur. Écoutez, si vous avez, vous, des couilles au cul, vous me donnez votre nom et on s'explique en direct. Ben, je m'appelle Toff, monsieur. Non. Si. Non. Ah, si. Ah, je vous assure, je m'appelle Toff. Voilà. Et alors, et votre adresse? Alors moi je suis 20 rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Paris combien? 8e monsieur. Oui, 20 rue Bayard. Oui, c'est ça. Dans le 8e, à Paris. Bon, écoutez, si vous téléphonez encore une fois, oui, je vous emmerderai encore et je vous répondrai pas. Alors ça sert à rien. Ah, bah ça sert à rien, il s'est raccroché au nez lui-même, dis donc, ça c'est quand même très très fort. Bon, donc on fait des appels comme ça tous les soirs. Un de ces quatre, on appellera peut-être Olivier, tiens. Ah oui. Ah ouais, oh, peut-être, tiens. Mais on ils appellera... sont très patients, les auditeurs. Bah, ils sont plutôt patients, en effet, ouais. Bon, donc du coup, si vous avez des numéros de téléphone à envoyer, n'hésitez pas, on appellera dès demain encore, hein, bien entendu. Vous envoyez ça sur le mail de Toph, toph@funradio.fr. Bon. C'est parti, le dîner est presque parfait. Toph a fait sa flamme cuche. Toph qui va revenir, bien entendu, hein, pour. Parler de cette magnifique flamme cuche qu'il a fait, produit totalement local, bien entendu. Hein. Ah bah oui, évidemment, on exactement. Est en Picardie, c'est tellement local. On se tout de suite à la flamme cuche. Ah bah oui, complètement. Bon, Toph, oui, très bien. Bon, bah viens nous présenter ce produit, hein, afin que nous puissions noter. C'est une très belle flamme cuche, hein, donc, ce qui est fait spécialement pour Polo, puisqu'elle ne contient que des fromages. D'accord. Hein, et donc, il y aura pour les autres une autre flamme cuche qui sera avec des lardons. Ah, très bien, parfait. Bon, bah on va tester ça dans quelques minutes. On va faire ça dans quelques instants. Est-ce que tu connais toi Kevin la flamme cuche? Ouais. Picardie. T'aimes bien ou pas? Oui, la flamme cuche Picarde. Ouais, c'est bon. C'est bon, très bien. Premier avis de Polo en tout cas. Ouais. Bon Kevin, on était sur l'histoire avec Olivier, les anecdotes entre prof et élève, puisque Olivier donc prof de maths, il nous accueille ce soir. Alors Kevin, c'est quoi l'anecdote? Moi c'est pas une anecdote, c'est un problème à poser directement à Olivier pour voir s'il est vraiment bon. Ah parfait. Je vais devoir sortir mes diplômes en fait. Non, je suis sûr que tu vas y arriver. Olivier est un bon prof de maths. Bon vas-y ouais, Kevin. C'est compliqué. Allez, bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors, Kevin. Un train part de Paris vers Bordeaux à 7h du matin et roule à 90 km. Le même jour, à 8h, un autre train part de Bordeaux vers Paris. Et là c'est l'accident et c'est la merde. Lorsqu'ils se croiseront, lequel de ces trains sera le plus proche de Paris? Tu peux redire juste le début? Ouais, pas de soucis, ouais. Un train part de Paris vers Bordeaux à 7h du matin et roule à 90 km/h. Le même jour à 8h, un autre train part de Bordeaux vers Paris et roule à 110 km/h. Lorsqu'il peut connaître la distance quand même Paris-Bordeaux parce que... Mais il n'y a rien compliqué. Paris-Bordeaux. C'est facile. Ouh, le prof de maths. Si, mais... Normalement, il aurait fallu faire du tac au tac, tac, tac, hop, telle heure. Non, mais j'ai besoin de connaître la distance entre Paris et Bordeaux. Il n'y a pas de distance à savoir. Donc il fait Paris-Bordeaux et Bordeaux-Paris, bah ils seront et tous les deux à la même distance, donc, la oui. Question, c'est ils seront... se croiseront, lequel sera le plus proche de Paris? Oui, ils seront tous les deux à la même distance de Paris, voilà, effectivement. Ah voilà, là, c'est bah voilà, c'est ça, c'est ça. Bah, zéro très bien. Pointé pour le prof. Eh bah bravo, ouais, hein, bah bravo. Plus zéro là. Bouh eh bah félicitations, Kevin. Plaisir. Bravo. Bon, bah... merci. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, et 1-0 face à Monaco, tout à fait. Bon, salut Kevin. Allez, merci Kevin, c'est sympa. Allez, salut à toi, merci d'être passé sur Fun Radio. Là, Bruno est avec nous maintenant, là. Bruno, 27 ans de Grenoble. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, comment ça va? Eh ben, ça va, un peu malade, mais ça va. Oh bah ça arrive même au meilleur, t'inquiète pas Bruno. Nous on a l'impression d'être dans un sauna ici chez Olivier. C'est-à-dire qu'il a mis le chauffage à fond parce qu'il faisait un peu frais. Et avec tout le matos là, plus le four avec Toph qui est en train de. De là où je viens, il a fait froid. Ah bah j'imagine, ouais. En plus Toph avec avec son four là, parce qu'il fait un dîner presque parfait ce soir. C'est super bon. Ah bah ça y est, il kiffe alors. Ah non mais la flamme cuche de Toph c'est quand même. Mais tu sais pas avec quoi il a fait hein. Il me donne oh, arrête de dire ça. Il sort du massage. Ah ouais, c'est que... Me dis pas ça. Oh l'horreur. Putain, je vais pas le finir. Bah, si. Allez-y, hein, servez-vous dans la bah oui, cuisine, allez-y, là. Allez-y. En plus, c'est une version spé. C'est du... Là, bon. Vous n'êtes pas, les gars. Il fait chaud et ça donne faim. Mais ah bah en plus c'est vrai ouais c'est vrai mais il fallait venir hein. Bon c'est vrai que Grenoble c'est un peu loin j'admets. Bon mais on essaiera de passer bientôt tout près de Grenoble. Bon alors Bruno. Oui. Bon toi tu voulais parler à Olivier donc tu voulais savoir quoi? Alors je voulais savoir déjà poser une question à Olivier si déjà il a déjà eu des bizutages par ses élèves. Ouais. Oui et, d'accord. Et moi j'ai fait beaucoup de bizutages au prof de maths parce que je peux pas les blairer. T'as raison, les profs de maths, c'est les plus relous. Eh ben, on te le rend bien déjà. Bah voilà. Première chose. Du bizutage, je sais pas si on peut appeler ça du bizutage, mais il y en a un qui est autour de la table, Thomas, qui a pris la parole tout à l'heure. Il a oublié de dire qu'à un moment donné, effectivement, ils ont recouvert ma voiture de papier toilette. Toute ma voiture. Il y a des photos d'ailleurs qu'ils ont pris. Et ils se sont pris en photo, ils ont mis ça sur Facebook. Donc, première chose. Et puis, c'est arrivé une fois aussi, c'est récemment. Des élèves avaient amené des enceintes parce qu'à chaque fois j'essayais de les attraper comme vous avez pu le constater. Ils avaient amené des enceintes en fait, Bluetooth. C'est un petit peu Tom et Jerry dans sa classe, tu vois. Ils avaient amené des enceintes Bluetooth et puis il y avait. Bluetooth. Je suis pas prof d'anglais non plus. Ah oui, on l'a vu ça. Bluetooth. Ni prof de maths apparemment. Ni prof de maths. Et en fait ils avaient enregistré un son qui passait dans la classe. Ouais. Et moi j'essayais de capter où il était, mais comme le téléphone portable qui déclenchait les enceintes était à 4 ou 5 mètres, enfin j'arrivais pas du tout à voir ce qui se passait en fait. Voilà. Oh putain, avec la technologie d'aujourd'hui, ouais. Tu vas prendre cher, toi. Oh putain. Mais on arrive à les attraper sinon, quand même. Vous travaillez des fois quand même. Ah, jamais, oui, oui, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. Entre les conneries en fait. Entre les conneries, ouais. Bon ben voilà, Bruno. Ah bah encore ça va, nous on a fait pire. Ah c'est quoi, vas-y explique. Ah bah nous on a carrément dévissé la chaise de la prof. Ouais. On a dévissé les pieds, on les a juste mis comme ça, vu qu'elle est toute maître, elle fait 110 kilos de barrette pour l'autre jambe. D'accord. Elle est tombée. Ah bah c'est... Ah ouais, mais ça c'est pas bien. Mais non, faut faire des trucs drôles, pas des trucs méchants, là. Il y a un petit truc. Il y a un petit truc sympa aussi. C'est la dernière année, quand moi j'étais en cours, c'était en troisième. Ouais. On avait un prof, pendant toute l'année, il puait de la gueule. D'accord. Et nous, ce qu'on lui a offert, c'est un carton plein de dentifrice et de brosse à dents. Et à l'intérieur, on a offert une boîte à musique en disant « tu pues de la gueule, tu pues de la gueule, tu pues de la gueule ». On ne doit pas s'embêter avec toi. Hein. Ouais, Bruno. Ah bah après, c'était plus drôle de faire des trucs un petit peu plus recherchés, tu vois, un peu plus fin, exactement. Dit-il en bouffant une flamme cuche en plus de fromage, forcément. Je peux donner un petit conseil aux élèves. Vas-y, professeur. Je vais me faire haïr de toute la profession, mais récemment, ils ont attrapé la télécommande du vidéoprojecteur. Ouais. Et ils déclenchaient le vidéoprojecteur et ils l'éteignaient au fur et à mesure du cours. Ah moi, j'ai roulé un prof comme ça. Moi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a mon père qui avait un magasin de télé quand j'étais petit, et donc du coup, j'avais une montre télécommande. Oui. Du coup oui. je la faisais éteindre à chaque fois. Et donc lui il pensait qu'il était en panne. Je lui dis ouais si vous voulez il y a mon père qui répare. Ouais pas de problème. Donc du coup je lui ai revendu une nouvelle. Et après hop je lui faisais éteindre de nouveau le prof de l'année d'après. En fait je vendais comme ça les télés. Mon père c'est il pratique. Me donnait ma commission. Et puis moi j'étais content hein. Tout le monde était content. C'était très bien donc, et le c'est prof, sympathique il, eh ben, c'est sympathique. Du coup le prof il dit putain il est quand même bien. Il m'a aidé et tout pour pas me laisser en galère. Donc finalement je me faisais bien voir du prof. Je me faisais un petit peu d'argent. C'est bien. Bon ça s'appelle l'escroquerie c'est vrai. Mais c'est gentil. Mais il faut commencer par faut là. Bien apprendre l'école de la vie. Effectivement. Exactement. Merci Bruno d'être passé en tout cas. On va prendre Charles aussi qui voulait réagir. On va prendre Jean-François bien entendu. Joël qu'on va récupérer et qui j'espère a coupé sa radio. Et puis bah vous toujours en direct. On est là en direct de Noyon chez Olivier pendant que Toff est en train de continuer la petite flamme cuche. Toff. Oui. On en est où en termes de deuxième flamme cuche? La deuxième est presque prête. Je pense pour le retour elle devrait être prête. Parfait. Pour le retour elle devrait être prête. Bon écoute tant mieux. On aura également le chéri, je peux te faire cocu le canular qu'on a eu l'occasion de faire jeudi qui était magistral. Et on revient juste après sur Fun Radio, ce sera avec Demi Lovato et Neon Lights. Ouais Mickaël et toute la team débarquent chez Olivier. Mickaël. Pour une émission de ouf en live de son salon. Fun. Jusqu'à minuit. Sur Fun Radio. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël, No Limit, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais. Et on est en direct de chez Olivia Noyon. Voilà un auditeur qui nous a invité à venir faire l'émission en direct de chez lui et ça cogne hein, sur sa tête hein, ça c'est. Ah bah oui là c'est-à-dire que le prof de maths, il y a des élèves qui sont venus aussi pour tailler un petit peu donc c'est tu parfait. M'avais dit que tu serais de mon côté mais en fait non pas du tout quoi. Non moi je suis neutre, je suis totalement neutre, moi, je suis là au milieu. Des élèves. Oui voilà, je suis totalement neutre, moi je suis celui du côté celui qui gagne. et on est en train de lui dégueulasser son appart. Ah ouais, c'est-à-dire que là, il y a des caves partout, de la bouffe, ça pute, il est en train de se faire masser, il fait la cuisine. Alors. Une angoisse. Bon, Jean-François qu'on va récupérer, ça tombe bien, on a peut-être un conseil pour lui, tant mieux. Et puis, bah, souvenez-vous, on aura dans quelques instants, pardon, monsieur le maire, qui est passé nous voir. Attention, là, il serre des mains, c'est normal. Hein, pour les élections. Bah attends, c'est normal, il a raison, on l'aura dans quelques minutes. Et puis, on va se faire le calvaire de jeudi pour ceux qui n'étaient pas avec nous, parce que c'est peut-être un petit peu tard. Eh bien, on avait comment s'appelait-elle encore, Laetitia, qui nous avait appelé donc pour faire ce canular. Comment ça va, Laetitia? Ça va très bien. Bon, bah tant mieux, sois la bienvenue, Laetitia. Alors, tu nous appelais parce que nous allons faire le canular, le fameux du jeudi. Tout à fait. N'est-il pas? Bon, alors, est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as une idée? En fait, je suis enceinte, donc... félicitations. Bravo. Merci. Mais oui, bon. Et pour faire croire à mon mari, en fait, que c'est pas lui le papa. Qu'est-ce que t'es sympa. Ah ouais, là, c'est dégueulasse. J'adore. Bon, comment il s'appelle, lui, le mec? Ton mec, Johan. Ton mari. Johan, d'accord, ok, quel âge il a? 32 ans. 32, très bien. Bon, et donc, du coup, ça pourrait être dû à un moment où t'as été voir ce qui se passait ailleurs, quoi. Un moment d'égarement. Voilà. Voilà, c'est ça. Sachant qu'il est souvent, il est ambulancier, donc vu qu'il est souvent pas absent le soir, forcément on s'ennuie fur et à mesure. Bah évidemment. Heureusement Michel est là pour te tenir compagnie. Et ça c'est le principal. Et ça n'a pas de prix. Bon, allez Laetitia, je compte sur toi. Si jamais tu es bonne, il y a une Xbox One à gagner, ou alors le casque DJ, ou alors on verra bien. D'accord? Bon, tu ressembles à quoi? Parce que comme si je suis censé t'avoir engrossé. Blonde ou brune? Brune, portugaise, petite, 1m55, donc petite, très maigre. Un tatouage ou un piercing? Tatouage en bas du dos, un tigre, une tête de tigre. Parfait. Tigre, bas du dos. Ok, très bien. Bon, bah, tout est noté là, je pense qu'on va pouvoir y aller. Hein. On y va, bonne chance. Vas-y, Letty. Hop là. Allô? Oui, je te dérange pas? Non, mais pourquoi tu m'appelles en anonyme là? Ah putain, et là je l'ai pas fait. Ah bah j'ai pas dû faire attention que j'étais en anonyme. Ouais. J'avais quelque chose parce que tu sais, bah donc je suis enceinte quand même depuis plus de 7 mois. Bah oui. Donc tu vas être papa à nouveau? Bah oui, complètement. Et on va dire que bah, au début de ma grossesse, quand on l'a appris très très précipitamment, en faisant juste un petit test, voilà, t'avais eu des doutes par rapport à que à cette période-là de tu n'étais pas trop présent à la maison, donc t'avais eu pas mal de doutes. Oh, bah oui, mais enfin, tu m'avais dit que c'était de moi, donc je me suis pas trop soucié. Je vais chercher un autre. Oui, voilà, verre, oui. Après, moi aussi, de mon côté, j'ai eu beaucoup... Je vais ramasser. Hein. C'est qui, ça? C'est ça. Et que je voulais... Bah, je suis chez lui. Donc, c'est... Bah, en fait, le père de l'enfant. De quoi? Oui. C'est qui? Passe-le-moi, là. Ouais, il veut te parler. Oh bah ça, tu vois, je t'avais dit, il n'y a pas de problème. Je sens que c'est l'histoire, ça va être un peu tendu au début, mais après, ça ira bien. On va devenir certainement amis, là. Attends, j'arrive, ouais. Allô? Ouais. Je m'appelle Michel. Michel. Michel qui? Comment ça, Michel qui? Bah, d'où tu connais ma femme, toi? Bah parce qu'on s'est rencontrés. C'est quoi cette histoire, là, de gamin? Non, mais c'est-à-dire on s'est rencontrés, il y a un... Et 7 mois à peu près, hein. Bon, enfin forcément. Et voilà. Je vais pas faire un dessin, quoi. Ce serait toi le père de l'enfant que ma femme pas. Ah ben c'est pas gros, ce serait, ça l'est, mais bon après c'est pas. Comme je te dis, c'est pas très grave. Allez, je te rassure tout de suite, ta fille tu peux la garder. Hein. Moi je fais pas crèche, donc y a aucun problème. Tu vas parler déjà mieux que ça de ma fille, déjà pour. Non mais elle est très gentille. Hein. Ta grande gueule, et tu vas m'écouter vite fait là. Non mais attends. Non mais elle est très. Où exactement? Où est-ce que t'habites? Non mais je suis chez moi là. Ouais mais où? Comment ça, où? Ça te regarde pas? T'es de la police? Bah où ça me regarde pas? De toute façon, avec ma femme, avec quelle porte? Non mais... Ah mais non mais oui mais alors c'est pas le tien, dis donc. Non mais c'est pas le mien, non mais ça reste à prouver déjà, cette donneuse. Oh bah c'est tout à fait prouvé, hein. C'est tout à fait, bah d'accord, ah bah oui. Bah, mets-moi les documents et viens. Les documents de quoi? Il y a pas de documents. Et puis de toute façon ça sert à rien que tu viennes jusque chez moi. Non mais ça sert à rien que tu viennes jusque chez moi, j'ai déjà dit au propriétaire que je partais fin du mois, donc on se verra à la maison. Là, va peut-être falloir qu'on s'explique à un moment donné, mon grand. Bah, ça, s'expliquer de quoi là, passe-moi Laetitia là. Bah attends, tu veux me parler, mais non, tu veux nous reparler à Laetitia, je comprends pas. Bon, hey, tu vois, tu vas fermer ta grande gueule, tête de con, tu vas finir de passer. Bon, enfin, la mais dis donc, il va se calmer. Tu vas me filer ma femme, d'accord? Laetitia, tu peux emballer le carton qui est là-bas dans le coin, là? Bon, il est un peu lourd, tu le pousses, mais ça devrait aller, hein. Ouais. Non, mais ça va aller, c'est pas t'alarmine pas. Non plus, là, voilà. Maintenant, tu vas te démerder. Tu mets le truc, et si tu peux juste marquer fragile dessus, Steve, comme ça. Passe-toi la femme, tête de con! Arrête de gueuler comme ça, là, il va se calmer, lui. Attends une seconde. Je t'avais prévenu qu'il allait s'énerver vite. Ah oui, mais bon. Écoute, tu mets juste fragile sur le carton. Et ouais, puis, c'est ça, moi, j'ai tout fragile dans ta gueule, tu vas. Et si tu peux le déplacer dans le hall d'entrée, c'est parfait. Ouais. Fais attention parce que c'est fragile et un peu lourd. Ouais, bah tu vas voir, moi, ce que tu vas prendre dans ta gueule, ça va être fragile et un peu lourd aussi. Et par contre, casse pas le carton parce que sinon ça peut mal se finir, Laetitia. Je t'aurais prévenu, quoi. Voilà, bon. Je vais continuer au téléphone parce que ça a l'air de bien se passer. Allô? Oui, tête de con, là, passe-moi la femme. Ouais, non, mais une seconde, on est au téléphone ensemble, elle est en train de porter un carton, elle peut pas être partout. Ouais, bah elle peut pas être partout, c'est pas ta larbine, déjà elle est enceinte, donc si t'étais soi-disant un futur papa d'une deux secondes, tu la laisserais pas porter les cartons. Elle est enceinte, elle va pas coucher demain non plus, hein. T'as vu le ventre qu'elle a, peut-être aussi? Bah et alors, c'est normal, elle est petite, elle est maigre, c'est normal que ça fasse un gros ventre, c'est pas une raison pour qu'elle fasse plus rien, attends, tu rigoles ou quoi? Alors demain, c'est moi qui vais devoir faire la cuisine, mais puis quoi? Mon garçon. Mais j'habite chez moi et bientôt j'habiterai là où t'habites. Oui, bah t'habites chez toi, bah ça je veux bien savoir, c'est où chez toi? Bah je te préviens direct, moi je mets une alarme hein, dans la maison là, hein, parce que je veux pas que tu viennes nous casser les couilles tous les soirs. Une alarme, tu vas te falloir, mon garçon. C'est quoi? La ligne d'hôpital et pour un moment. Ah bah ça tombe bien, t'es ambulancier, paraît-il. Attends, elle porte le carton, tu vas lui faire. Elle va tomber si je la stresse. Oh, elle va tomber si je la stresse, moi c'est moi qui vais te faire tomber tout à l'heure, mon garçon, tu vas pas comprendre d'où ça va venir. Arrête un peu là, arrête ton cinéma là. Bon, passe-le à moi! Une seconde! Bon, Laetitia, attends, bah vas-y, attendez. Bah, déplace le deuxième aussi tant que t'es là, parce que j'ai un peu mal au dos. T'as un peu mal au dos, c'est cool. Bon, merci beaucoup. Bon, passe-moi ma femme. Chérie. On va être bien. Passe-moi ma femme. En tout cas, j'ai hâte d'habiter là-bas, hein. ça a l'air bien. Ouais, c'est ça, ouais, t'as hâte d'habiter. Ouais. Toi, dis donc, juste une petite question comme ça avant que je te la repasse. Est-ce que dans la maison, c'est plus ou moins quelle taille? Là où t'habiteras, il n'y aura pas assez pour bouger tes bras, mon garçon. Passe-moi ma femme. Ah, c'est si petite ça, la maison? Bah, je vais peut-être réfléchir. Ah bah oui, là où je vais t'amener, c'est clair. Passe-moi ma femme. Parce qu'elle m'avait parlé d'une maison de 100 mètres carrés avec un petit garage. Ouais, bah moi je te parle d'un cercueil, moi. C'est clair comme ça. Je t'avoue que je suis assez déçu. Alors maintenant, tu me filmes ma femme et tu me fais pas chier. Bon, écoute, je vais voir éventuellement si Stéphane Plaza peut pas m'aider. Bah, écoute, je vais regarder. Moi, je vais t'aider. Moi, je vais te marouffer la gueule, tu vois. Bon, je vais regarder. Laetitia, allez, filme-moi la femme. Laetitia, tiens, je te le repasse. Alors c'est bon, on s'est arrangé, il part à la fin du mois. De quoi on s'est arrangé de quoi? Non mais il va t'arrêter ta grande gueule, lui, voilà, moi je vais arranger rien du tout. Alors, il me passe ma femme et il me fait chier. Ce que tu peux lui demander aussi, c'est... moi je n'ai pas de problème, hein, je sais que vous avez une histoire, vous avez un enfant en commun. Si jamais il veut être le parrain du petit, aucun problème. Mais c'est un malade ce mec. Tu m'entends là? Allô? Oui, quoi? Et la troisième boîte là. Il faut que la bouche toute seule. C'est quoi cette affaire là? C'est quoi cette histoire? Alors que j'ai mal au dos là, putain. Et la troisième boîte, il faut que la bouche seule. Putain. Dis lui fermer sa gueule parce que là, je bouge de pièce, je sais pas, t'es où? Putain. Bah je suis chez lui, donc c'est un appartement. Mais c'est chez où? T'es où? Bah qu'elle fait chier là. Et la boîte? Bouge, laisse-le tranquille, c'est excité dans son coin avec ses cartons là. Et la boîte? Ouais. Et le carton, j'en fais quoi? Mais... C'est à toi qui parle là en plus. Et tu me laisses parler comme ça par le futur soi-disant père de ton gamin. Non mais t'as quoi dans la tête? Mais d'où? Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? Écoute-moi bien, je te préviens depuis quelques mois, il fallait être un petit peu plus présent à la maison. Tu préfères faire passer ton travail avant le reste, donc forcément au bout d'un moment, bah moi je m'ennuie quand tous les soirs tu n'es presque pas là, ou même quand tu dois pas bosser, on t'appelle pour aller bosser. Mais de l'argent pour qu'on bouffe là, non? Bah alors t'es pas tout seul, c'est pas une raison, c'est la vie de famille avant. Tu as SMS, attends une seconde. Ah oui, merde, j'ai oublié de parler de ça. Attends Laetitia, bah bouge le troisième carton là, j'arrive. Allô? Oui, quoi? C'est de nouveau Michel. Dis-moi, j'avais une petite question. Ça t'ennuie pas si je l'appelle Michel Junior? Non, parce qu'en fait, depuis plusieurs générations, on s'appelle tous Michel. Dans la famille, mon grand-père s'appelait Michel. Mon arrière-grand-père s'appelait Michel aussi. En fait, tout vient de l'histoire où il y a eu mon arrière-arrière-grand-père. C'est-à-dire qu'en fait, il avait forniqué avec une femme qu'on ne connaissait pas. Et en fait, cette femme-là avait un enfant qui s'appelait Michel. Du coup, on est parti. Tu ne peux pas piquer la femme des autres, espèce de connard. Bah, c'est Michel enfin, Junior, comment ça? Il va finir de la même manière que toi. Bah, dites donc, un peu de respect. Un peu de respect de quoi? Mais est-ce que tu respectes la vie des autres? Mais est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Bon, je viens chez toi. Mais est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? De la chance de quelle chance? Mais je te propose d'être le parrain et t'as vu comment tu me remercies? Non mais Mais t'es un grand malade, toi, faut te faire soigner. Bah enfin. Putain, c'est même pas d'un ambulancier que t'as besoin, c'est un obstacle, si, mon garçon. Dis donc, un peu de calme. Mais putain, mais faut te faire soigner. Non donc... seulement tu me piques ma femme, tu lui fais un gosse. Bon, je te pique, je te pique. Et en plus, il faudrait que je sois le parrain. Non, mais t'es un grand malade. Ah, bah, il faut pas. Tu me propose, je te propose, moi, après, tu fais comme tu veux, hein. Mais de toute façon. Je te propose de venir. En même temps, ton appart de merde. Je suis à Lorient. T'es à Lorient, bouge pas, j'arrive, j'en ai pour 3 quarts d'heure. Ouais, mais enfin bon, sans la rue, tu vas pas y arriver, hein. Non, mais bon. T'es où à Lorient? Aïe, merde, attends, je me suis fait mal, je me suis lancé le téléphone dans l'œil. Oh, merde. Ah bah, en plus, si t'es con à ce point-là, mon garçon, c'est pas grave. Ouais, mais j'ai fait une connerie. C'est quelle adresse? Vas-y, envoie l'adresse, j'arrive. Bon, alors, je vais t'épeler parce que c'est un peu compliqué. Donc, c'est rue, R, U. Non, mais tu me prends pour un con, rue, R-U-E, R-U-E, vas-y, enchaîne. J'ai pas que ça à foutre, moi, tête de con. J'ai un problème à régler avec toi. Donc, panne-toi. Alors, J. E A P L Q. Passe-moi, Laetitia. Bon, c'est arrangé, Laetitia, tout va bien. Hein. Ouais, c'est arrangé. Moi, c'est ta gueule que je vais arranger, tête de con. Non, mais de toute façon, ça sert à rien de venir, je te donnerai pas le nom de l'adresse, je te connais, de toute façon, t'es impulsif, t'es jaloux comme je sais pas quoi. Tu m'annonces que l'enfant ne supporte. Déjà, j'avais des doutes, tu me dis quoi? C'est de moi, maintenant tu m'annonces au bout de 7 mois. Ça va pas être moi le père. Non mais c'est quoi ton problème? Et Coralie, t'y penses ou quoi? Ta gueule! Eh, il a l'air un peu tendu, Coralie, hein, ou quoi? Bah je te la laisse, Coralie. Eh, ah ouais, tu moi je veux pas. Mais... Eh, moi je suis pas une crèche, hein. Mais t'es pas une crèche, mais putain, mais... Eh, mais qu'est-ce qu'il me fait, mais... Putain, non mais... Eh, hey, Johan! Déconne, là, ou quoi? Johan! Quoi? Bon, dis donc, Bon, alors, pour la fin du mois, c'est possible, alors, hein? Ah bah tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Non parfait, d'accord, donc c'est ok alors, c'est mais parfait. Mais de toute façon tu vas pas le faire chez moi, parce que je peux te dire que de toute façon, si tu franchis le seuil de ma porte, je te décolle la tronche, mais comme t'auras jamais compris. Que des promesses. Alors, bah, non, ouais, que des promesses, ouais. Et bah je t'ai dit, donne-moi l'adresse sans me les plaire, parce que de toute façon ça va pas le faire. Le bébé arrive plus tôt. Il est là en avance. T'es à la maison ou quoi? C'est Coralie qui pleure, c'est quoi? Oh putain, non, c'est le petit, non, c'est là, il vient d'arriver. Il est tombé tout seul. Non mais tu crois qu'un accouchement ça se fait en 2 minutes? Mais putain, mais ça va falloir que tu décolles, toi, hein. Il bon, Laetitia, t'es où là? T'es à la maison? Non, je suis chez lui, je te dis. T'as amené Coralie avec toi? Mais non, bah non, oui, c'est le petit, là. C'est Michel Junior, quoi? Il vient d'arriver. Michel, oh là là là là, il pleure et ça braille. Mais c'est quoi ce délire? Mais oh, c'est putain, où là? Oh putain, il braille. Attends, j'appelle ouais, les secours. Il braille, ouais, c'est ça, il braille, ouais. Putain, mais... Attends, j'appelle les secours avec l'iPhone. Ouais, bah, t'inquiète, c'est moi qui l'ai débarqué, connard. Bon, Laetit. Oui. C'est quoi ce délire, là? T'es où? Fais le terre. C'est dit, je suis à Lorient, il t'a dit, je suis à Lorient. C'est quoi le mouflet, là, qui chale derrière? C'est Coralie. Fais le terre, c'est Michel Junior, fais le terre. C'est Michel Junior, mais putain, mais... Ça va pas ou quoi? Fais le terre. Bah, tu reconnais pas le pleur de ta fille. Quoi? Le peu de temps que tu passes à la maison, tu reconnais même pas le pleur de tes filles. Je reconnais pas, mais j'ai besoin de travailler peut-être. Il faut bien que je travaille pour qu'on ramène de l'argent. Mais à la oui, maison, mais oui, travail, c'est une bonne idée, Johan. C'est travail, vrai. Travail, bah, oh. Et bon, toi, tu fais quoi déjà dans la vie? Moi, je suis animateur radio et t'es sur Fun Radio, c'est Mickaël. Sérieux? Mais oui, tu croyais qu'il y avait un bébé qui est arrivé comme ça tout seul là? Bah non, je me disais bien, mais ça aurait pu être ma fille qui pleurait. Ouais, c'est vrai, mais on n'est pas des enculés. Quand bien même je t'aurais piqué ta meuf, quand même, j'aurais pu m'occuper un peu de l'enfant, quand même. Je suis quand même pas un enfoiré à ce point-là. Ouais. Bon, alors du coup, t'es un peu DJ ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Pas du tout. T'aimes bien les jeux vidéo? Ouais, carrément. Bon, bah on va te filer une Xbox One, comme ça elle pourra s'occuper des deux gosses pendant que tu joues. Ouais bah voilà, ça, ouais. Ça me paraît un très bon deal, ça est très très très bien. Bon bah Laetitia, voilà, tiens, fallait pas jouer avec nous, maintenant il va repartir avec voilà. Une console de jeu, tu vas être bien dans la merde. Bravo hein, bravo. Voilà, il va passer son temps dans la console quoi. Exactement, pendant que tu vas t'occuper des moutards. Voilà, voilà, sérieux, bon je plaisante. Allez Johan, on va te filer la Xbox One. Et puis bah Laetitia, okay. Bah gros bisous à toi, je vous renvoie tous les deux au standard. Merci d'avoir participé, merci. Salut tous les deux, gros bisous. Salut, merci. Bon et si vous voulez également faire un petit chéri. Ouais, vous pouvez y aller, si vous voulez faire un petit canular, on fait ça tous les jeudis soirs, pardon, sur Fun Radio. Et bien vous pouvez nous appeler maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique, n'hésitez pas. On a toujours, puisqu'on est toujours chez Olivier, l'auditeur bien de sûr, oui. De maths qui nous a invité chez lui. Oui, j'ai fait un tour en cuisine. C'est ça va ravager ou pas la cuisine là pour l'instant? C'est sans doute très bon ce qu'il a fait, mais dans un état pas possible. Ah mais ça c'est toujours top, hein. Il cuisine pas trop mal, mais par contre effectivement c'est sur le bordel. C'est un mec sale. Donc on fait un dîner presque parfait avec Toff. C'est ce très soir. Sympa, c'est très sympa. Mais on va noter. Alors pour l'instant, ceux qui ont déjà goûté la flammecuche de Toff, quel est le score qu'on peut lui donner sur 10 évidemment? 9. 9, oh, pas mal. Ah oui. Ah pas goûté, mais donne un... envie de vomir. Non, non, j'ai pas goûté. Jessie n'a pas goûté. Qui a goûté là? Venez par ici. 8. 8, ok. Bah, quand même, hein. Moi je donne un bon 17. Oh sur 10, attention, sur 10. C'est sur 10, hein. Attention, qui a goûté là? On est à combien? Très bien. Attends, donne le micro. Un 6. Un 6, très bien. Donne le micro par ici. Attends, le micro par là. On va demander aux filles également là qui sont là. Alors, elles sont les, pas... les filles. Elles sont tellement dégoûtées qu'elles sont par terre. Ouais, ouais. Sur 10. Oh, bah 9, hein, j'en ai plus de part. Ah 9 quand même, ah, quand c'est même, parce qu'elle avait la dalle. Alors là un 7. Un 7, et là-bas au fond là. Ridicule. Attends, approche-toi si on n'entend rien. J'ai pas préféré en manger. Ah, elle a préféré ne pas en manger. Et bah tu vois, t'as eu tort. Et bah non, elle a eu raison. Hein. Bah moi j'ai goûté, je donne 2, hein, parce qu'il y a des oignons dedans. Ou il y a un truc qui croustille là. Et bah moi, pour une fois, je sais que les gens vont trouver ça bizarre, mais je lui donne un 10 sur 10. Ouh ouais. Et venant de Polo. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Même si je sais pas ce qu'il a mis dedans. Bon, oui, ça, il vaut mieux pas savoir. Ouais, bah il vaut mieux pas savoir quand même. Jean-François et Marie dans un instant le retour. Et puis on a mis la photo de Toff en mode massage sur le Facebook. Il y a Ariel qui dit oh le tas de gras, quelle horreur. J'adore. Il y a Sandrine quand même qui dit moi je le veux bien. Oui, donc Sandrine qui est donc qui nous appelle de la Digue Braille. Il y a aussi d'autres messages sont arrivés. Vous pouvez aussi aller il n'y a pas de problème, vous faites la même à domicile, c'est pire que la chaise électrique. Il s'est mis bien l'enfoiré, t'as vu Toff, il y a plein qui pensent que ouais, tu t'es mis bien. C'est ça, alors que s'il savait ce que j'ai dû subir. Oh, arrête ton cinéma là. Je suis sûr que si tu leur avais rien dit, j'aurais passé un super moment. Oui, bah, peut-être, c'est en même temps, ouais. T'étais pas là pour ça. Ah, oui, bon, allez, continuez, vous pouvez aller voir sur le Facebook et lâcher tous vos commentaires. Facebook.com/MIKL officiel. Retour avec tout le monde dans quelques minutes. Tous ceux qui sont dans le standard, Jean-François, Marie, il y a Joël, il y a Rémi, il y a Quentin, il y a Charles également qui voulait réagir par rapport à Olivier, est-ce que vous avez déjà eu comme anecdote en tant plaisir. Que prof ou élève ou élève prof ou prof ou élève, bref, on en parle. Et puis on va se mettre comme promis le son de Demi Lovato. Maintenant on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio en direct de chez Olivia Noyon. Bienvenue tout le monde. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël, no limit. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Voilà. Allez, toujours en direct de Noyon, en direct de chez Olivier. Et on a même monsieur le maire qui est passé nous voir. Alors, comment ça va, monsieur le maire? Très bien, Mickaël. Ah bah, très bien, très bien. Bah, merci d'être passé. Hein. Ça me fait plaisir. Bah oui, en plus les élections approchent. À Noyon, oui. Bah oui, et puis les élections approchent. Tout à fait. Donc il faut bien faire quelques petites mains. Non mais il a raison, il a raison. Bon, en tous les cas, merci de m'accueillir. Mais ben, merci déjà de. Bon, on vous a pas demandé votre avis. Mais c'est vrai qu'on est venu à Noyon grâce à Olivier. C'est un plaisir. Et voilà, donc merci aussi. Très charmant endroit. Enfin, on a vu que la rue un de Paris. Un peu à l'étroit, chez Olivier, un peu à l'étroit. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas grave, la prochaine fois vous le dites, on fera ça à la mairie. Oh, c'est génial. On va défoncer la mairie. Voilà, c'est ça. Moi, je viendrai avec l'écharpe avec l'écharpe du maire. Je montrerai peut-être des photos de la cuisine avant qu'ils acceptent. Ouais, voilà, je ferai des mariages. On va se mettre bien. Hein. Oh, c'est bon, on viendra ça. Un samedi. Moi, je m'occupe de toute la chier de mariage du matin. Pour nous, on fera l'après-midi. On va marier Toff. Ah ouais. Ça peut être bien, ouais. Bon, alors, monsieur le maire, donc comment ça se passe là bientôt là, la suite de Noyon? Bah, plutôt bien. Ah, plutôt j'imagine. Bien, nous sommes en fait sur le pont. Alors Olivier, entre nous, ce professeur de maths a accepté de venir rejoindre l'équipe pour les prochaines municipales de mars prochain. D'accord. Donc, j'ai souhaité en fait profiter des compétences d'Olivier dans la nouvelle équipe municipale qui va. Ils ont sollicité les suffrages des Noyonnais. Là, voilà, il va donner des cours de maths à la mairie. Surtout en ce moment, on a besoin des personnes qui savent compter parce que vous savez, les collectivités en ce moment souffrent un petit peu. C'est ça, et donc, c'est surtout pour les votes, pour compter les votes. C'est pratique à Noyon, particularité ouais. Puisque c'est un vote électronique. Donc on a cette particularité d'avoir au bout d'un quart d'heure en fait tous les résultats. T'as un Noyon, on est au top comme la technologie là. C'est assez sympa. Bon, même si ça retire ce côté un peu solennel du bulletin de vote dans le moment du dépouillement. C'est tellement plus pratique. Oui, surtout pour les candidats lorsque les candidats sont anxieux. Exactement. Est-ce qu'on peut voter par internet à Noyon? Ah non, pas encore. Ah, on n'est pas quand même encore au top de la. J'ai une question. C'est pas autorisé. Est-ce qu'il y a des gens célèbres qui ont vécu à Noyon? Ah oui, Noyon. Un Noyon. Des gens célèbres. Oui, Noyon. Oui. Noyon qui voulait dire autrefois Novio Magus. Ah oui, c'est mieux Noyon, hein. Hein, Novio Magus qui voulait dire. Parce que je me voyais très mal dans les jingles en direct de Novo Magus. Tu vois, c'est. Nouveau marché, c'est une ville gallo-romaine. D'accord. Et pour citer quelques exemples, en fait, des personnages qui ont marqué l'histoire de cette ville, c'est tout d'abord Capet, le sac du Capet, c'est le sacre de Charlemagne, roi de Neustrie. Mais voilà, c'est le moment histoire. Après le moment mathématique, on a le moment histoire. J'ai bien, qui va bien. Cité de Jean Calvin. Exactement, oh là là, mais justement. Je pense que personne ne sait. Vous Charlemagne, mais Jean Calvin, Capet, on connaît. Ouais. Mais Jean Calvin. Ah, il a. Bah, quand le Calvin. Oui, enfin bon. Un des pères fondateurs de langue française. Ah, bien sûr. Sandro, elle a été boire un verre avec lui la semaine dernière. Hein, la semaine dernière, t'étais boire un verre. Oui. Avec Jean là. Avec JC là. Avec JC. Avec JC, avec Jean Calvin. On a fini la nuit ensemble. Elle connaît Calvin Klein, ça oui. Jean Calvin, moyen, mais Calvin Klein, c'est bon. Non, vous voulez savoir s'il y avait des stars de pop stars par exemple, des gens de télé-réalité. Qui sort de Noyon. Oui, on en a un qui a fait un. Si, Patrick Hernandez. Après tout. Ah oui, de grandes stars, Patrick Hernandez. Alors pour ce Be Alive. Son dance floor. Ah bah oui. Bon, fut un temps, oui. Sauf qu'il a quand même 1 500 € par jour de cachet. Hein. C'est quand même la chanson qui passe le plus en. Oui, c'est vrai. Sur les radios. Vrai, hein. C'est vrai. Donc c'est Born to Be Alive pour ceux qui percutaient pas. Ça fait des années hein, que ça dure. Hein. Exactement. Et donc on a les ch'tis avec qui qu'on a rencontré vendredi. Hein. J'ai jamais fait le mec casser une jambe. Mais non, ils sont gentils. Oh, pourquoi t'as dit ça, Polo? C'est dégueulasse. Non, c'est vrai. C'est pas vrai. On a revisité la langue française pendant toute la soirée. Ah oui, on a revisité la langue française. D'ailleurs, j'aurais bien voulu avoir la règle du prof là quand on a eu les ch'tis. Alors, je confirme, effectivement. Bon, et donc du coup, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour voter pour vous? Alors, parce que vous êtes venu pour voter, évidemment. Non, mais enfin, ce qu'il faut faire pour voter, il faut venir. Il va falloir d'abord appuyer sur un bouton, parce qu'à Noyon, c'est vrai. Sur un bouton. Mais malheureusement, aujourd'hui, je peux pas vous dire le numéro. Non. Parce que c'est un tirage au sort. Donc, ce sera. Bah, dès que vous savez, vous m'envoyez un message, moi, après. Ce qui est intéressant, c'est de savoir. Pourquoi voter pour vous? Qu'est-ce qui. Voilà. Pourquoi les gens qui sont ici, applaudissez-vous? Ah oui. Voilà. Et pour continuer en fait ce renouveau que nous avons maintenant. Si on vote pour vous, on pourra mieux capter Fun dans le coin? Ah, oui, j'ai vu que ça crachait un peu. Hein. On travaille quand même pas mal là, il y a le 4G. Ouais, non, mais d'accord, petite antenne à l'ancienne, ça marche bien aussi. Hein. Ah, mais on aura l'an prochain en termes de fibre optique, parce que ce sera une des premières villes de l'Oise qui sera câblée en fibre optique. Ah bah très bien. On pourra vous offrir. Si on l'avait su, on serait venu plus tard. Un débit de 100 mégabits. 100 mégabits, c'est un grand projet financé par le Conseil Général de l'Oise, c'est extraordinaire. De quoi exciter Toff, hein, 100 mégabits. 100 mégabits. Waouh, la grande classe. Pour ceux qui connaissent, je reviendrai. Ah bah j'imagine. Bon, et donc du coup les élections c'est quand alors? Alors c'est les 23 et 30 mars prochains. Bah voilà, très bien, bah reste plus qu'à voter maintenant. Bah merci monsieur le maire en tout cas d'être passé. Bah merci Mickaël. Bah avec invité. Plaisir, avec grand plaisir. Prochaine fois la mairie avec 100 mégabits sur. Allez oui on vient. Et je vous invite pour un mariage. Ouais. Parfait. Avec plaisir. On n'a pas l'écharpe là, on aurait été bien avec l'écharpe. Non mais il me l'a pas demandé hein. Oh, on aurait été bien avec l'écharpe, hein. C'est dommage. Bon merci beaucoup en tout cas. Voilà, merci à toi. Merci. Ah, avec plaisir. Bon bah en tout cas, nous on est toujours là, rentrée en direct jusqu'à minuit avec Marie avec nous. Salut Marie. Salut tout le monde. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Et vous? Bon, tant mieux. Bah très très bien, Marie. Bon, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, dis-moi. Eh ben, on va parler d'un petit sujet, assez perturbant pour moi. En fait, voilà, je suis en couple avec un garçon depuis 4 mois. Ouais. Et donc, il est parti faire sa saison à Courchevel, il est cuisinier. D'accord. Et donc, ça fait 2 mois, là, bientôt, qu'il est parti. Donc, c'est déjà assez dur. D'accord. Et j'ai des doutes sur sa fidélité, on va dire. Ah mais je vais te rassurer directement, hein. T'inquiète pas, il va te tromper. Hein. Alors là, c'est-à-dire que le saisonnier qui part pendant 3 mois au ski avec toutes les meufs, etc. Non mais ça c'est évident Marie. Hein. Ce qui est beau, c'est que c'est pas une fois, ça va être 10, 20 fois. Ah bah ouais, non mais bien sûr, attention. Puis, déjà que le mec fidèle à la maison, bon c'est pas trop ça, alors imagine un saisonnier. Un saisonnier, le mec qui sait que la meuf elle va arriver, ça va être un soir, une semaine au grand maximum, et puis c'est plié. Hein. Et t'es avec lui depuis combien de temps Marie? Depuis 4 mois. Depuis 4 mois. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Vraiment pas longtemps. Non, mais je me doute bien. Voilà, j'ai les pieds sur terre aussi, mais j'avais espoir. Mais surtout que j'ai un problème qui s'ajoute à ça, c'est que en fait, je suis enceinte de lui. T'es enceinte de lui? Ah oh, bah ouais. C'est génial. Bah bravo et félicitations. C'est très très bien Marie. Bon, reste avec nous. Est-ce que vous avez déjà été saisonnier? On va en parler dans quelques minutes. Tiens Marie, reste là. 01 42 48 5000 si vous voulez nous appeler, vous êtes les bienvenus. Ne bouge pas Marie, on va récupérer Dylan également avec la colle. Dylan, tu es toujours là Dylan? Oui. Bon, on va appeler le gagnant ou la gagnante là de la colle. Rappelle la colle Dylan s'il te plaît. OK. Je suis Do, Je suis d'électricité. Qui suis-je? Voilà, si vous avez la bonne réponse, bah, il fallait vous inscrire, hein, comme la personne qu'on va appeler maintenant sur le Facebook ou sur les SMS. C'est parti, on y va, on l'appelle. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond bien à la question que je vais lui poser, enfin que tu vas lui poser plutôt, eh bien ce sera gagné. Allô ? Bonjour, comment tu t'appelles ? Véronique. Véronique, comment ça va Véronique ? C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio là ? Oui, oui. Et il y a Dylan qui a une colle à te poser là, vas-y, vas-y Dylan, pose la colle. Oui, allô ? Oui, je suis d'eau. Je suis d'air et je ne suis pas d'électricité. Enfin, je suis d'électricité. Qui suis-je? Je suis. Le courant, c'est ça, Dylan? Oui. Eh ben ouais, ouais, voilà, bravo, bravo, bravo. Bon, comment tu t'appelles, excuse-moi encore, mademoiselle? Véronique. Comment tu t'appelles, mademoiselle? Véronique. Ah, 06. T'as vu? Mais je l'ai déjà, ça. C'est un 07 chez elle. Bon, Véronique, eh ben bravo à toi, tu repars avec la collection My Crazy Collection, offerte par Medesou.fr. C'est une tenue au bad avec plein de cadeaux à l'intérieur. Pour la Saint-Valentin, tu vas être au taquet, Véronique, avec monsieur. T'es maquée au moins? Non, pas du tout. Merde, t'as quel âge? J'ai 48 ans. 48 ans. Ah, tof, 48, c'est... C'est trop. On a passé la date de péremption. Ah, merde. Bon, bah, tant pis, alors, c'est pas grave. Bon. Dit-il, alors qu'il faut quand même voir sa gueule. C'est-à-dire que le mec se permet quand même de critiquer du physique, ouais, de l'âge, alors qu'on voit sa tête et son tas de gras sur, ouais, sur le Facebook. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une auditrice. Donc, vous pouvez aller voir. Non, c'est quand même minimum. Merde, quand même. Bon, Véronique, en tout cas, bravo à toi. Je te fais des gros bisous. Et merci. Puis, bah, tu reviens sur Fun Radio quand tu veux, Véronique. Je t'embrasse. D'accord, merci. Salut Véronique, ciao. Dylan, malheureusement, c'est perdu, mais tu reviens quand tu veux, hein. Ok, je peux faire une dédicace? Oui, vas-y, vas-y, profite-en, Dylan. À une seule personne, hein, choisis la bonne. Ok, bah, je fais dédicace à Chloé. À Chloé, très bien, bah, le message est passé. Salut Dylan, ciao. Oui. Allez, à bientôt. Oui, tu vas gérer ça, je te renvoie chez, les stagiaires au standard. Voilà. Okay, salut merci. Dylan. Allez, ciao à toi et merci d'avoir, d'avoir participé, d'écouter Fun. Salut Dylan. Retour avec Joël, avec Rémi, avec Quentin dans quelques minutes, avec Marie, avec Jean-François et Toff, toujours en direct de la cuisine. J'entends que ça frétille comme ça. Comment ça arrive, ça arrive. Bon, alors qu'est-ce qui arrive là? Les pancakes. Les pancakes. Oh. Ouais. Parce que ça va bien avec une flamme cuche en entrée. Non, moi je trouve que c'est, en plus c'est tellement local. Et c'est léger. Carrément. Et du sanglier en dessert. Voilà, exactement. Oh, ce sera parfait. Bon, alors on va s'écouter le son, je vous l'avais promis, le son de Az maintenant avec Born Again, c'est ce qui va débarquer sur Fun Radio. Et puis on est toujours en direct, évidemment, ouais, en direct de Noyon. Et on est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël, no limit, limit, le dimanche soir, 20h minuit. On est en direct sur Fun Radio, là, 20h minuit, en direct de chez Olivier, donc le prof de maths qui nous a accueillis ce soir, en direct de Noyon. Il y a des élèves. Alors, qui est encore élève ou a été élève, là? Il y a Mathieu, là-bas. Voilà, il y a Mathieu, très bien. Alors, celui qui est derrière, est-ce qu'il a une petite anecdote, une petite anecdote à raconter sur... Viens. C'est Mathieu, c'est ça? Là, c'est Thibaut, là. Ah, c'est Thibaut, très bien. Alors, parfait. Après, Mathieu, si tu veux. Oui, bon, on prendra Mathieu aussi. Alors, Thibaut. Comment ça va Thibaut? Ça va super, super. Attends, hop là, voilà, on t'entend mieux là. Très bien. Bon, alors Thibaut, donc, qui a une petite anecdote. Attendez, il faut que je m'arrête là, excuse-moi. Donc en fait, il nous a fait des pancakes burgers, en fait, des pancakes burgers. C'est-à-dire qu'en fait, il a mis de la viande entre deux pancakes. Comment vous expliquer que je pense que la note... Bon, en tout cas, pour l'originalité, on sera bien. Parce que je rappelle que Toff fait un dîner presque parfait. Enfin, Toff presque parfait, n'est-ce pas Toff? N'est-ce pas? Il y a quoi dedans, Toff, exactement? Il y a quoi dans celui-là là? Bah, il y a donc un steak haché, du fromage, des champignons, un oignon, une tomate et des pancakes. Parfait, mais tu me fais le même sans oignon, hein? D'accord. Parfait, je comme ça je pourrais juger mais mieux, tu vois. Je vais goûter. Je comprends bien. Mais oui, mais c'est mieux. Bon, alors Mathieu, c'est ça? Thibaut. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Thibaut, une petite anecdote sur Olivier, le professeur de maths ici présent. Tu es encore prof avec élève avec lui? Non, j'ai été élève avec lui. Tu t'es fait virer ou t'en as eu marre? T'es barré? J'en ai eu marre, j'ai lâché l'affaire. T'as raison. Je suis parti direct. Bon, alors du coup, Gérard. Non, en fait, c'était une anecdote où on était en cours et il y avait un élève qui jouait avec son téléphone. Il y a un problème dans ta classe avec le téléphone, ouais, Olivier. Ouais, hein, ouais. Sérieux. Le nombre d'élèves qui sont arrivés en disant ouais, mais bon, jouer avec le téléphone ci, mais le téléphone là. Si, c'est Jérémy, il est intervenu tout à l'heure. Hein. Sérieux? Oui, t'étais dans la même classe que Jérémy, donc. Ah, ok. Bah, c'est pas grave, tu peux le raconter avec d'autres mots, peut-être que tu raconteras différemment. Ah non, mais pour les auditeurs qui n'étaient pas là 20h. Juste pour le hockey dégage, c'était du génie. Bon, vas-y, réexplique pour ceux qui n'étaient pas là. Bon, en fait, Jérémy était avec son téléphone et donc. Donc Jérémy est l'autre élève. Olivier l'a pris en flag et donc il a pris son téléphone et en fait il a envoyé des messages à sa copine. Ouais. Donc Olivier a pris le téléphone, il a envoyé un message Olivier, à sa copine. Olivier le prof de maths, donc. Voilà. Et il lui a envoyé c'est fini entre nous. Et réponse immédiate et ok dégage. Oh là là là là, on était bon. Malheureusement elle est revenue. Sinon on aurait vraiment eu le. Bon là on a le happy end américain, c'est bien, elle est revenue et tout, c'est génial. Mais ça aurait pu être plus drôle encore, je pense. Ça aurait pu mais être bon. Plus drôle, ouais. Bon bah très bien. Bon bah, Xavier, merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir. Et puis on fera le tour avec les autres élèves dans quelques minutes. On va également prendre l'avis de Polo là, puisqu'on est toujours sur. Sur le dîner presque parfait, Tof qui s'est mis en cuisine. Alors comment ça se passe, Polo? Bah écoute, c'est... Alors c'est pancakes, c'est, en fait vous voyez c'est un hamburger, mais sans pain burger, c'est pain... Bah, c'est meilleur à manger ou à regarder? Ouais. À regarder. C'est pancake quoi. À regarder. Non, mais parce qu'en fait c'est... tout glisse, mais... Non, c'est bon ou c'est mauvais? Mais c'est les champignons en fait, j'aime pas. Ah bah oui, t'aimes pas les champignons. Bon, une note alors sur 10? 5. Oh c'est pas mal quand même pour un truc que t'aimes pas. Ouais. Bon c'est bien. Bon Tof, la suite. Attends merde, on t'entendait pas parce que je te coupe en fait de temps en temps parce qu'on a le bruit de la cuisson, ce qui est pas très agréable à la radio. Donc on en est où là alors? Le deuxième arrive. Ah le deuxième arrive, bah parfait. Sans champignons, comme ça tu pourras le goûter. Oui mais moi j'aime bien les champignons, c'est Polo qui aime pas les champignons. Sans oignon pardon. Ah sans oignon, très bien. Bon on fait ça dans quelques minutes. Rémi qui est avec nous, ça va Rémi? Oui ça va toi. Bah très bien, Rémi de Nancy en Meurthe et Moselle dans le 54. Bienvenue Rémi, est-ce que tu aurais bien voulu goûter ce magnifique pancake burger fait par Tof hein, pour ce dîner presque parfait? Non, ça ira. Ah. Non, t'as raison. Hein. Bon, alors Rémi, toi tu nous appelais parce que tu voulais réagir par rapport à Olivier, donc par rapport à tout. Vous avez déjà eu comme problème avec les profs ou anecdote avec les profs hein, qui sont bien ou mal passés justement. Alors vas-y, on t'écoute. Donc c'était la dernière, c'était avant le cours de maths, donc j'avais mis un coussin péteur sur la chaise de ma prof, et normal elle arrive, elle se met assise et on entend le bruit quoi, tout le monde est mort de rire. Ouais. Et la prof aussi ça va, elle l'a bien pris. Mm-hmm. Et ensuite elle l'avait pris, hein, elle me l'avait confié, et une semaine après elle me l'a ressorti, elle l'a mis sur la chaise et puis après voilà c'est bon, c'était à mon tour de me le prendre. Puis tout le monde ça va, elle t'a collé ou pas? Comment? Elle t'a collé ou pas? Non même pas. Ah bah elle aurait dû. Moi j'aurais pris la règle ici là qu'on a ici d'Olivier là, une bonne vieille règle en bois, moi j'aurais tapé. Dans ta gueule. Hein. Ah bah là je peux dire, et si les burgers, enfin si les pan burgers là sont pas bons, je peux dire qu'il va falloir sévir, je le confirme. Merci Rémi d'être passé, tu reviens quand tu veux sur Fun, hein. Merci d'écouter tous les soirs. Ouais merci de rien. Salut Rémi, à bientôt. On va prendre Joël également qui attend depuis longtemps là. Est-ce que Joël le est-ce qu'il n'y a plus d'écho Joël là, comme t'avais laissé ta radio allumée? Eh ben elle a nouveau allumé Joël. Hein. Joël, oui, tu vas couper ta radio? Ah j'ai coupé ma radio. Non, ah bah oui Joël, ça fait une heure qu'on te le dit. Et pour le coup je vérifie, elle est là depuis 1h12, donc ça fait 1h12 qu'on lui dit coupe ta radio Joël, on t'a déjà eu une fois au téléphone, il y avait la radio, ça n'allait pas. Ça y est Joël? Parfait, donc Joël de Bruxelles. Et qui voulait, et coupe ta, et je t'en supplie Joël, coupe ta radio, on lève le kit ma libre et le haut-parleur, il y a du l'écho avec toi là. C'est bon là? J'entends. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux Joël. Bon Joël, toi tu t'es prof, c'est ça? Non, je suis pas prof, hein. Je suis une élève qui a subi un problème avec un professeur parce que j'étais gauchère. Ah c'est quoi le problème? Ben j'étais gauchère. Ouais. Et le professeur avait un crochignon, c'est une femme très méchante et âgée. Et ouais. Elle tapait sur mes doigts. Avec une, elle tapait sur les doigts parce que t'écrivais pas de la bonne main? Voilà, exactement. Ah oui, putain, mais ça, c'est bon ça. Mais attention, Olivier, fait pareil. Oui. Non, mais attends, c'est pas tout. Après ça, elle tirait mes oreilles. Elle mettait derrière l'armoire où elle mettait tous les cahiers de classe. Non mais sérieux, Joël, elle te planquait derrière l'armoire? Maman. Pardon? Non, elle te planquait derrière l'armoire? Oui, carrément. Ah putain, on est bon là. C'est vraiment une tâche, excuse-moi. Ouais, non mais c'est bien. Et donc après, la suite? Alors la suite, ma maman me voit à la maison, ouais. Avec mes oreilles rouges. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'elle me dit? Et je ne sais pas lui dire. Il vient d'y aller. Qu'est-ce qui se passe à l'école? C'est pas carré avec une copine ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors je lui ai dit, madame, il s'est fâché sur moi parce que j'écrivais à la main mauvaise, qu'elle a tapé sur mes doigts. Et là-dessus, ma maman a une bonne réaction. Elle a dit quoi? Elle est allée voir le directeur de l'école, qui fumait des gros cigares à l'époque. Et il est allé dans la classe. Ouais, va droit au but Joël, hein, n'hésite pas, parce que tu sais qu'il a pris le bus et tout ça, on s'en fout. Hein, mais... Vas-y Joël. Il va fumer des gros cigares. Du coup, à cause de ça, je suis devenue ambidex, quoi. Ah bah tant mieux, bah, c'est bien, moi, tu ça marche des deux côtés. Hein. Non, regarde, mais... Toff aussi, il est ambidestre, lui, il peut devant et derrière. Il marche dans les deux sens. Non mais c'est vrai. Et du coup quoi Joël? Bah du coup, comment on va dire ça, quand j'ai fait le lycée de Forêt, ouais. J'ai un beau professeur de français. Ouais. Il a vu mon problème, j'écrivais des pattes de mouche à la main droite. Ma donc j'écris des balles un peu comme toi. Ça m'intéresse, t'as pris le métro aujourd'hui ou pas? Attends, vas-y, continue. Non, vas-y Joël, vas-y. Donc, et puis, vas-y. Non, je suis très bien, je suis à la fenêtre, il fait très froid. Hein. Maintenant, je t'attends pas, je suis Qu'est-ce que tu fous dehors, Joël? Non, je suis à la fenêtre, c'est pas dehors vraiment, hein, excuse-moi. Ah bon, bah alors voilà, alors nous voilà rassurés, ouais. Non, mais en fait, mon professeur de français au lycée est très bonne. Elle l'apprécie. Mais physiquement, tu parles? Bah, à ton avis. Non, mais je plaisante. Alors, vas-y, Joël, c'est ma faute en même temps. Ouais. Je tends le bâton pour me faire battre. Hein. Bon, vas-y, Joël, donc continue. Droit but, hein, droit but. Voilà. Mais je finis, je fais un goal après, hein, tu vas voir. Tu vas avoir la goal. T'as dit quoi? Non, c'est pas grave. Le goal, c'est que le professeur en question de français au lycée de Forêt, elle m'a conseillé de prendre une grosse plume. Parce que j'ai joué dans une grosse pute. Et alors, elle a formé mon écriture à la main droite parce que la plume était tellement grosse que j'ai réussi à être d'accord. Bien sûr, évidemment. Voilà. Donc, très bonne prof pour résumer. C'est ça. Et pour résumer de l'histoire, c'est que maintenant... je suis plus gauchère que droitière, mais... T'aurais démarré avec ça, on aurait été au top. Hein, donc t'es plus gauchère que droitière, pardon, c'est ça? Non, je suis gauchère, mais je suis droitière, malheureusement, qu'on m'a forcé. Malgré toi. Quand je fais des choses, par exemple, prendre des cafetières de café... Du coup, tu la prends. Mais alors, attends, rappelle un peu l'histoire depuis le début, parce qu'il me semble que j'ai oublié un truc. Qu'est-ce qui s'est passé encore avec l'histoire? Reviens à l'armoire. Entre le cigare et le... Ouais, et l'armoire. Et la cafetière. Ouais, parce que donc elle te mettait derrière l'armoire. Non, je plaisante, je me fous toi, Joël, c'est pour rire. Joël, c'est pour rigoler. Donc aujourd'hui, t'arrives à écrire des deux mains, c'est le principal. Ouais. Bon, parfait. Et elle prend la cafetière des deux mains aussi. Et elle prend la cafetière des deux mains, exactement. Et le café, tu le fais ça, Joël? Mais non, mais on rigole, Joël, on rigole. Mais oui. Bon, merci beaucoup, Joël, en tout cas. Comme ça, on a résumé comme ça. Ah, parce qu'on est au résumé. Je pensais qu'on avait fini, autant pour moi. Mais quelque part, c'est pratique, hein. On dit ça comme ça. Ah, c'est ce qu'on dit depuis le début, que c'est pratique d'être ambidextre. J'ai rien perdu dans tout ça. Exactement, 5 minutes là pour le coup. Mais sinon non, effectivement. Merci Joël en tout cas d'être passé. Je peux faire un gros bisou à ma fille? C'est fait. À ma fille aussi, Anne. Elle a la fièvre et demain je vais à l'hôpital parce qu'elle est très malade. D'accord, ok. Et elle est punie à côté des microbes, évidemment. Bien sûr, je comprends. Parfait Joël. Je fais un gros bisou à tout le monde. Voilà nous aussi. Salut Joël. Gros bisous à toi, Joël. Ciao. Salut Joël, bye bye. Bon, parfait. Pas très bien le rapport avec Olivier, mais bon, dans l'idée. Je pense que les coups de règle étaient mérités. Oui, je pense aussi, effectivement. Bon, on va se faire les appels avec Toff dans quelques minutes sur Fun Radio. On va récupérer Marie, Jean-François, Xavier, Quentin, Théo, Charles également. Blindé le standard ce soir, c'est cool. On va goûter également le burger de Toff, le burger pancake de Toff dans quelques minutes. Le temps de s'écouter, le son, rien à voir avec Britney Spears. Hein, de Britney Spears, c'est Tilly. Le nouveau son de Britney Spears que vous avez découvert sur Fun Radio, évidemment, en premier. On écoute ça maintenant, c'est Mickaël No Limit sur Fun. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël No Limit, le dimanche soir, 20h30. Et on on est en direct et il y a Polo qui est chauffeur, mais il est chauffeur de salle, mais il a toujours pas compris que le jingle il terminait plus tard. Ouais, mais parce qu'en fait c'est la fameuse cuche de teuf. C'est la fameuse cuche de teuf. C'est alors, j'ai goûté le burger, le pancake burger, c'est pas mauvais du tout. En revanche, c'est pas pratique à manger parce que forcément il y a tout qui glisse à gauche, à droite. On va mettre. C'est tout le problème de la nouvelle cuisine, hein, c'est que c'est pas pratique à manger. Mais ouais, je sais bien. Donc on va mettre les photos dans quelques minutes sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les appels de Toff comme tous les soirs, hein, vers 22h30 à peu près, hein, c'est ça, hein, Toff? Oui, c'est ça, à peu près, toutes les demi-heures. Et on va parler gros cul, ce qui va nous arriver si on continue à bouffer d'ailleurs comme ça. Oui, parce qu'en fait, en même temps, c'est une bonne nouvelle pour les filles, puisqu'il paraît que les filles qui ont un gros cul sont plus intelligentes. Bah oui, exactement. Ouais. Et donc j'ai essayé de prévenir le monde pour que toutes les femmes le sachent. C'est ça. Donc que leur gros cul leur permet d'être plus intelligentes. Donc on avait fait des appels tout au long de la semaine et on va démarrer maintenant. Là, c'est parti. Le meilleur appel de la semaine, on l'écoute tout de suite. Allô. Oui, bonsoir madame. C'est qui à l'appareil? Oh, oui, c'est Toff à l'appareil. C'est Toff? Oui, c'est Toff. Vous voulez parler à qui? Bah, à vous en fait, je voulais savoir si vous aviez un gros cul, madame. Kounia maman. Oui, mais je n'ai pas compris. Kounia maman. Oui, mais je comprends pas. Va faire foot. Mais pourquoi vous me dites ça, madame? Allez vous faire foot, monsieur. Mais pourquoi? Mais vous m'appelez, vous voulez savoir si j'ai un gros cul? Oui, j'ai un gros cul, va faire foutre, salopard, connard. Non, parce que j'avais une bonne... Allô? Ah bah il avait raccroché, hein, comme vous avez pu le remarquer. Et donc on avait rappelé juste après. Toff se fait insulter dans toutes les langues et patois du monde. Oui, c'est beau. Exactement, c'est beau. Et ça c'est beau, c'est clair. C'est bon, exploit. Allez hop, on avait rappelé directement, c'est parti. Oui, allô? Allô, non, oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, je t'écoute. Oui, parce que j'avais une bonne nouvelle pour votre femme, monsieur, comme elle a un gros cul. Vous avez une bonne nouvelle pour ma femme? Oui. Et ta maman et ta mère, votre mère là, elle a un gros cul aussi? Votre femme? Bah non. Mais du coup j'avais une bonne nouvelle pour la vôtre. Toi là, depuis à la naissance, vous êtes pédé ou bien? Je pense que vous êtes un gros pédé, ma sissi, hein. Pédé. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Parce que vous êtes pédé. Mais pas, ça pas du tout, monsieur. Je vous appelle parce que j'avais une bonne nouvelle pour votre femme qui a un gros cul. Allez, bon. Et dis-moi, ta femme, là, explique-moi comment elle a un gros cul aussi, hein? Mais non, monsieur, moi, je n'ai pas de femme. Ah, mais et ta maman, elle a un gros cul? Ta sœur? Non. Ta belle-sœur? Tout? Non, mais parce que du coup, vous voulez pas que je vous annonce la bonne nouvelle? Non, non, non. Ah bon, c'est dommage, parce que ça aurait pu faire plaisir à votre femme, monsieur. Non, non, non, pas du tout, parce que j'ai pas envie de parler avec un PD, tu sais. J'ai pas envie de parler avec un PD, un connard. D'accord? D'accord, monsieur. Mais c'est dommage, parce que j'avais une bonne nouvelle pour votre femme. Non, non, j'ai pas envie de parler à un PD. Oui, je sais. J'ai compris, monsieur. Ouais, mais ok, monsieur PD. Oui, oui, d'accord. Mais vous voulez pas la bonne nouvelle, quand même? Ok, monsieur PD. Et il avait raccroché, c'était mieux, hein, cela dit. Mais quelle violence gratos alors qu'on pose une question simplement, hein. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, il est toujours là? Ah bah il est toujours là. Bah très bien, parfait. Bon, comment ça se passe au niveau des pancakes burger? Faut se dépêcher, il en reste 5. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, il y a encore du monde. Qui veut goûter un pancake burger? Ah, il a qu'à seul, hein, Toff. Ils sont pas motivés. Hein. Et les autres, ils ont peur, là. Je peux te dire qu'ils sont pas très. Bah, ils sont pas sûrs d'eux, quoi. Ils sont pas sûrs d'eux. On les force un peu à manger la pizza. C'est vrai. Et j'avais dit que je vous tiendrais au courant aussi par rapport au match entre Monaco et le PSG. Et c'est un partout avec un but de Silva juste à l'instant. Enfin, à l'instant, il y a quelques secondes, en tout cas. Je vous ai dit que je vous tiendrais au courant. C'est donc chose faite. On va prendre. Bon, on va récupérer Jean-François et Marie. Vous êtes là tous les deux? Oui, je suis là. Bon, très bien, Jean-François qui nous avait appelé en début d'émission parce qu'il était amoureux de trois filles en même temps. Et Marie qui, elle, nous a appelé à l'instant parce que son mec est saisonnier, il est au ski. Il est où au ski, Marie? À Courchevel. En plus, oh là là. Et donc elle a peur qu'elle le trompe, enfin qu'il la trompe plutôt. Et bah, elle a tout à fait raison, Marie, hein. Ça c'est une évidence. Jean-François, t'es jamais sorti avec une meuf qui était saisonnière, sait-on jamais? Non, jamais. Hein. Jamais, très bien. Bon, écoute, Marie, dans l'absolu, hein, on va déjà demander aux autres auditeurs aussi s'il y a, qui sont sortis avec des saisonniers ou saisonnières. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, tiens, vous qui êtes là, les auditeurs, là, oui ou non? Non. Non. Non, non, il y en a qui font non, mais ils n'ont pas compris la radio parce que s'ils font non de la tête, évidemment, on n'entend pas, on entend mal. Donc non. Non. Voilà, vous voyez comme vous voulez là, Polo, là, saisonnière. Non, je ne fais pas dans la saisonnière. Non. Tof, saisonnière. Saisonnière, ça m'est arrivé deux fois. Ouais. Le hasard comme par hasard, comme tout lui arrive à chaque fois, lui celui-là, c'est dingue. Bah, bon, repose-moi la question. Et t'as déjà sorti avec une saisonnière? Non, jamais. Ah bah voilà, tu vas quand tu veux. Bon, les deux fois, ça s'est passé comment? Bah, ça s'est bien passé. Elle m'a jamais rappelé, alors que pourtant elle m'avait laissé son numéro et moi aussi. Mais étonnant, tiens. Ouais, c'est bizarre. Ouais, et la deuxième? Et la deuxième, elle me l'a même pas laissé, donc. Ah bon, bah parfait, très bien. Bah, comme ça, au moins, ça mérite d'être clair. Sans dire sur tes performances. T'as une meilleure note en cuisine. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, ça reste à voir encore. On fera le résultat dans quelques minutes, le bilan de ce dîner presque parfait que Toff est en train de préparer, justement. Donc, restez bien là. JF, Marie, on récupère. Steven également, Xavier, Quentin, Théo, Charles et Thomas. Vous ne bougez pas de là. On va se mettre le son de Avicii dans quelques minutes. Son découvert sur Fun Radio, évidemment, le son d'Avicii, Addicted to You. Il y aura le chéri, je peux te faire cocu à suivre. Et puis on va se faire le match d'impro, ce sera évidemment avant minuit sur Fun Radio. Bienvenue et bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est en direct de Noyon. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Ah, je disais toujours en direct. Vous pouvez applaudir parce que j'ai fait de la merde, on n'a rien entendu. Ouais, d'accord, ok, j'en mérite une là. Oh, voilà, une deuxième. Il y a une règle là. Une troisième et une quatrième. Voilà, c'est ça. Hop. Parfait comme ça. Bon, je disais qu'on était toujours en direct de chez Olivier, donc le prof de maths à Noyon. Voilà, tout va bien, on est bien. Merci aux masseuses qui sont passées nous voir tout à l'heure et qui ont bien martyrisé Toff, n'est-ce pas Toff? Oui, j'ai beaucoup souffert. Tu m'étonnes. Bon, voilà, donc Toff qui est toujours en train de faire à manger. Je viens de mettre la photo également de Toff en mode dîner presque parfait. Vous allez voir qui s'est mis bien. Mais le burger en soi était pas mauvais, hein. Le burger spécial qu'on a mangé, le pancake burger. T'as goûté Sandro ouais, ou pas ouais, encore? Il est super bon. Il est bon, hein ouais, ouais. Et ton régime, il aime bien ou pas? Bah, ça fait deux jours que là, mon régime, il va mal. Oui, parce que Sandro va mal. On a été vendredi soir, on a été faire un petit. Pourtant, t'aurais dû faire un peu de sport, hein, t'as pas voulu. On a été faire un kart et un petit laser game. Mais non, parce que la voiture que je devais prendre est tombée en panne. Bah oui. Comme par hasard. Étonnant, hein. Étonnant. Mais oui, c'est vraiment étonnant, hein, en effet. Bon, Olivier qui aurait pu venir nous voir également d'ailleurs, hein, au laser game, le patio, karting. Mais apparemment, il avait des copies à. Des copies et à gérer des tournois de poker également, voilà. Ah bah pardon, en plus, il fait du poker. Ah bah allez, parfait, tiens. Bon, on va prendre Steven avec nous maintenant, là, de Nemours dans le 77. Salut Steven. Salut à tous, bonsoir. Comment ça va Steven? Salut. Ça va super et toi? Bon, très très bien Steven. Merci merci d'appeler hein, Steven. Merci d'avoir appelé. Moi qui vous remercie. Eh bah attends, écoute Steven, tu voulais réagir par rapport on en parle depuis le début de l'émission, là c'était un petit peu le fil rouge depuis 20h. Qu'est-ce que vous avez déjà eu comme tanas avec vos profs de maths ou autre, hein, peu importe. Exactement. Donc moi en fait, c'est une petite anecdote. En début de cours, on attendait la prof en fait, et il y a un placard en fait dans la salle de cours. Ouais. Et dans ce placard-là, en fait, au-dessus, on mettait les livres, et en bas, il y avait un peu de place. Et donc, on s'est lancé dans un duel du genre, est-ce que je vais rentrer dedans ou pas? D'accord. Et donc, je suis rentré dedans, et ce qui s'est passé, c'est que la prof est arrivée à ce moment-là, donc je suis restée enfermée dedans. Dans le placard, donc. Dans le placard, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai attendu un petit moment, le temps qu'elle fasse l'appel et tout ça, et puis après, sur le coup, je me suis dit, bon, ça fait peut-être temps que je tape, parce que 2 heures comme ça, c'est pas possible. Attends, t'as mis 2 heures avant de te dire, bon, je vais appeler quelqu'un. Non, c'est ça, on va dire, j'ai pris à peu près 3 minutes, on va dire, je me suis dit, bon, j'ai peut-être me lancer. Donc, ouais, c'est clair. Et donc après finalement la prof m'a dit d'aller voir le principal et au bout du compte j'en sortais avec une heure de colle et de nettoyer la salle en fait. D'accord, ok. Bon, ça va, t'as encore été, t'as encore eu une sanction pas trop sévère. T'aurais mis quoi, toi, Olivier, comme sanction ? Ben, moi, ce que j'aurais fait, mais c'est. Moi, j'aurais brouillé les ondes. Non, mais il n'y a pas de téléphone, Olivier. Non, mais c'est ce que j'ai fait récemment à un élève. Il suivait pas non plus où il était. Et je l'ai mis dans le couloir. Dans la cave. Je l'ai mis dans la cave. Non, je l'ai mis dans le couloir. Bah, c'était il y a 17 ans. Hein, encore là, pas très bien où il est maintenant. Donc, je l'ai mis dans le couloir en face de ma salle. Et puis, il devait tenir une pancarte J'aime les maths. Voilà. Oh l'angoisse. Oh, ça peut être rigolo, note. Mais j'en ai eu des punitions, j'en ai passé des heures moi dans les couloirs. Ah oui, ça et moi donc. Mais les profs aussi, moi j'ai déjà été puni aussi en tant qu'élève, hein, on n'est pas. Voilà. C'est pas parce que t'es mauvais élève que tu peux pas devenir prof. Exactement. Voilà, ça au contraire. Peut ça peut même plus qu'aider, effectivement. Merci Steven d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux Steven. Merci beaucoup. Ah oui. Salut, à bientôt, il y a Xavier aussi de Saint-Dié dans les Vosges. Salut Xavier. Salut, ça va ? Comment vas-tu ? Bah bien et toi ? Bah ça va. Bon, très bien. Et toujours un partout hein, pour Monaco PSG. Ça se termine dans 3-4 minutes. Là, on vous tient au jus, bien entendu. Dès que le score final, dès que le match sera fini, en fait, tout simplement. Alors, Xavier, tu voulais aussi réagir par rapport au prof. Toi, t'as déjà fait quoi comme connerie ? Ouais, bah en fait, c'était en cours de techno. Ouais. Il m'avait calé avec mon portable en train d'écouter de la musique. Et en fait, il m'a fait tout démonter le portable et le remonter comme ça deux fois. Comment ça ? C'était un cours de techno. Ah, il ouais. a fait démonter le téléphone. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est drôle ça. Mais ça, c'est bien. Mais la question, ça, c'est est-ce que t'as réussi à le faire marcher ? Parce que quand tu démontes un truc, t'as toujours des pièces en trop après. Tu dis, oh, bah hier, il reste trois vis. Bon, des pièces en trop, c'est pas grave. De quoi tu m'as dit ? J'ai pas entendu. Quoi ? Il a remarché le téléphone ? Ah, oui, il a bien remarché. Bon, bah ça va, c'est que t'es doué, Xavier, c'est bien. Ouais. Bon, bah ça va, mais franchement, c'est bien. Et attends deux secondes, il y a Quentin aussi qui est avec nous là. Salut Quentin. Salut. Ça va bien ? Ouais. Ah oh bah ça a l'air. Hein. T'es sûr hein, Quentin, ça va bien là ? C'est arrestation là. Ah, il s'est passé quoi là ? Il y a eu toute la famille est décédée ou non ? Non, j'ai fait une partie de play, je suis crevé. Ah ouais, t'as joué à la PlayStation, t'es crevé, je comprends. C'est vrai. Écoute, ouais, non mais je comprends, il y a des trucs quand même qui sont compliqués, c'est clair. D'ailleurs, Olivier, il fait quoi le lundi matin quand il y a des élèves qui arrivent morts éclatés parce que bah ils ont joué à la PS tout le week-end. On les envoie au tableau, tout simplement. Ah, au tableau, pour les ridiculiser. Allez, 1+1. J'ai une question qui me taraude depuis de longues années. Oula. Est-ce que 1+1 égale combien ? Non. Mais comment vous arrivez à savoir qu'on a pas fait le cours, tu vois ? Un devoir. T'as remarqué ou pas, Sandra ? De quoi ? Quand t'as pas fait tes devoirs, quand t'es mauvais, quand t'as pas révisé, et ben, non mais je l'ai fait, mais je l'ai oublié. Toi. Ouais voilà. Je l'ai fait mais je l'ai oublié. Vraiment, je l'ai fait. Et il est resté sur le bureau là. Je suis parti super même, vite. Tu sais, au tableau, toi tu connais pas la réponse. Ouais. Il y a une technique. Parce qu'à ce moment-là. Tu vas être super attentif pour pas te faire gauler. Ouais, c'est ça. Et en c'est fait, là où tu te fais gauler. Et toujours, c'est comme voilà. Quand vous passez, quand vous prenez l'avion, etc. Vous pouvez être sûr que si vous passez tranquillement la douane, il n'y aura aucun problème. Mais si vous êtes là en disant je dois être super normal, et ben forcément voilà. Vous faites gauler parce que les gens sont pas super normaux. Donc il faut passer naturellement. Voilà, c'est pareil chez les profs. Vous faites limite je m'en fous, tu vois, ou limite mieux. Levez le doigt. Alors là t'es sûr de jamais être pris là. Extraordinaire. Il va te poser justement du mauvais doigt. Bah vas-y. Vas-y Polo, c'est le risque. Hein. Donc Quentin, vas-y, c'est quoi toi ton histoire ? Bah en fait je rentrais du collège comme ça et en fait je rentrais dans la cuisine chez moi tranquille et je vois mon prof de techno en face de mon père en train de boire une bière. Ah putain, et quoi, ils étaient potes ou c'est pourquoi ils ont bu une bière ensemble ? Ah parce qu'ils se connaissent. Ah d'accord, ok, ça c'est la merde par contre hein. Parce que du coup tu peux pas en fumer parce que si t'en fumes ton père il va appeler le prof qui est donc son pote et t'es mort. Voilà, et en fait parce que juste avant je me suis pris une heure d'école par lui donc j'ai piqué comme ma peur quoi. Ah ouais, bah ouais, mais mec, faut être tranquille avec ce prof là en l'occurrence. Hein. Tu peux te venger sur les autres, mais celui-là tu restes pépère. Ah ouais, tu sais très bien que t'es mort sinon avec les parents, c'est clair. Bah merci Xavier, merci Quentin d'être passé. Vous venez quand vous revenez quand vous voulez. Ouais, vas-y Quentin. À une seule personne, tu connais la règle ? Merde, ouais, celui-là. Vas-y. Je passe une dédicace à mon amour, Lola. Oh, so sweet. Et toi, Xavier, tu voulais dire quoi ? C'était pour passer une dédicace. Eh bah écoute, vas-y aussi. Hein. Bah Charlène, la blonde préférée. Très bien. Eh bah écoute, là aussi, message passé, il n'y a pas de problème, Xavier. Salut à toi. Merci. À bientôt. Salut. Et on va récupérer Théo aussi dans quelques minutes. Il y aura Charles, il y aura Thomas, Marie et Jean-François qui attendent également dans le standard. Et puis on va se faire aussi dans quelques minutes le chéri, je peux te faire cocu. Vous le savez, on a l'habitude de le faire tous les lundis. D'ailleurs, on en fera encore un autre demain, bien entendu. On va se faire donc le meilleur de la semaine dans quelques instants. Et nous allons également faire avant la fin de l'émission un petit match d'impro. Alors, qui va jouer au match d'impro? Donc, on en avait un. Il est où le... Là, Yoda, là. Enfin, ah, comment il s'appelle encore? Mathieu. Mathieu. Il y a Mathieu qui va jouer avec nous au match d'impro. Et on cherche une fille qui est bonne en improvisation. Ah, comment tu t'appelles? Sophie. Sophie, très bien. Ce sera Mathieu et Sophie pour le match d'impro. Et donc, bah, soyez bons. Hein, vous allez voir, on va en parler dans quelques minutes. Je vous donnerai les règles à suivre dans quelques instants. Restez bien là. Et puis, on va s'écouter. Ah ben, on va s'écouter. Alors, où est la prog? On l'a perdu. C'est pas grave. Bon, ben, tant pis. Je vais autoriser Victor donc à parler exceptionnellement afin de m'annoncer le titre que nous allons mettre. À Avicii. Oh, c'était début en radio ça. Qu'il est l'air en plus, il parle. Avicii avec Addicted to You, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. Allez, ouais, bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit en direct de Noyon. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Bientôt et dernière heure de l'émission, on est au cœur d'une heure sans pub également, Mickaël No Limit, et bah oui, qu'est-ce que vous voulez. En direct de Noyon chez le prof de match, chez Olivier donc qui nous a accueillis ce soir. Et on a dans quelques minutes le chéri, je peux te faire cocu. Et puis là on a un élève également, ancien élève, hein, vu la taille. Et qu'on entend très mal. Vu la taille. Et que je me suis fait traiter de vieux tout à l'heure, mais c'est pas. Ah bon, comment ça? Oh, tu m'as dit c'est qui ce vieux là-bas? Mais non, parce que. Non, j'ai dit le grand, attention, c'était le pas la même grand, chose. Il y en a un autre qui a dit vieux. Voilà, et le ding, c'est le micro-ondes qui vient de terminer pour toi. Hein, c'est bon, taf là. Micro-ondes, comment ça se passe? Ça se passe bien, ça se passe bien, la suite arrive. Ah bah parfait, donc c'est le dessert, parce que là on a eu l'entrée, le plat, maintenant c'est le dessert. C'est le dessert. Parfait, bon. Mais quoi, t'as chauffé le truc glacé là? Bah apparemment. Non, je sais pas ce qu'il y a au micro-ondes. Ah d'accord, ok. Oh là là, c'est la vaisselle. Alors il n'y a plus de vaisselle chez Olivier, oui. Donc, hein. On est désolé, on a cassé quelques trucs. On peut casser une assiette, Olivier? Oui, on peut. Tof, casse-nous une assiette. D'accord, alors. Attends, parce qu'il a des assiettes, ça casse ou ça casse ça? Vas-y, 1, 2, 3. Ah oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il est con celui-là. Et je t'ai pris la plus belle hein. C'est gentil. Désolé Olivier. Je pensais pas qu'il le fasse. Mais qu'est-ce qu'il est con celui-là alors. Olivier, si tu veux, j'espère que ça a été filmé. Hey, Olivier, le reste du service, parce que c'est vraiment dégueulasse. Ça ira, merci, c'est gentil. Non, ça ira. Laisse-moi un bol pour demain. Olivier, tu peux prendre la règle et aller. Je vais y aller avec grand plaisir. Bah, tu peux y aller là en direct. Alors n'hésite pas, on envoie Olivier donc avec la règle pour lui montrer comment ça se passe. Regarde. Voilà, non mais attends, dis donc alors, hein, est-ce que ça se fait déjà qu'on est invité, il casse la vaisselle? Hein? C'est incroyable ça quand même, ça alors. Il en a mis partout. Ah bah oui, non, bah ça c'est sûr. En plus, il a certainement dû la lancer, tu sais, violemment comme ça, pour se faire plaisir. Bon, donc je disais que nous avions donc un ancien élève donc d'Olivier, le prof de maths, il s'appelle comment? Mathieu. Mathieu, très bien, voilà, c'est encore, ça, j'avais confondu tout à l'heure. Voilà, c'est non, ça. Mais l'autre s'appelait pas Mathieu. Si. Si, il s'appelait Thomas tout à l'heure. Xavier à un moment aussi, je pense. Enfin bref. Bon, alors Gérard, bon, non, j'ai déjà fait la vanne. Bon, Mathieu, alors qu'est-ce qui s'est passé à l'époque avec Olivier, donc quand t'étais au bahut avec lui? Eh bah écoute, on est tous les deux fans de foot. Alors ouais. Lui, qui a des origines. Mais il supporte le FC Noyon? Non, pas non. Pire que ça, il supporte pire que ça. Il supporte quoi? La JO Auxerre. La JO Auxerre, pourquoi pas? Ouais, parce qu'il vient de Bourgogne et moi qui suis supporter du PSG. Ouais, qui a fait 1-1 d'ailleurs le PSG. Ouais, malheureusement. Ah ouais. Eh bien, chaque lundi, après chaque match, ou même dans la semaine quand il y avait des matchs de coupe, eh ben, on discutait au fond de la classe. C'était quand ça? Oh, ça c'était. Auxerre jouait en première division, ouais. Encore. Il était très très bien placé, ouais. Mieux que PSG. Et c'était quand? C'était au moins en 2008. Ah oui, donc c'est à l'époque où le PSG a failli être relégué. Exactement. D'accord, ok, je me souviens. Je lui disais même qu'il avait des notes aussi bonnes que le classement du PSG. Alors que maintenant c'est plutôt positif hein, d'avoir des notes aussi bonnes que le classement du PSG. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Il me faisait des petits smileys sur mes contrôles en plus. Non. Hein, peu mieux faire, le PSG bien sûr, hein, pas l'élève. Hein. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que parfois des élèves m'appelaient pour me poser une question. Ouais. Et à ce moment-là, Ah oui. Ouais, et donc tu répondais pas en fait à l'élève puisque tu parles foot avec vous. Dis donc un petit peu de calme. Oh là là, hein. Ce gars, disons que je leur disais gentiment que j'étais occupé. Voilà. D'accord, bah oui, forcément il y avait match, évidemment. Et donc de ce fait, nous sommes allés quelques semaines plus tard au Parc des Princes voir Paris-Auxerre. Et le lendemain, on se voyait en cours quoi. Bon, et au niveau des cours, ça donne quoi cette affaire là? Il était facile, il était chiant, il était... Bah écoute, c'est mis un très bon professeur, mis un très bel enfoiré en fait. Je vais prendre ça comme deux bons compliments. Voilà, je pense que c'est le cas, effectivement. On va prendre Jonathan aussi. Il y aura Théo, il y aura Charles, il y aura Thomas. Merci Mathieu en tout cas. Juste une anecdote sur Mathieu parce que c'est quand même assez extraordinaire. Il y a... J'avais bien une vanne, mais je me permettrai. j'avais croisé sa maman sur un parking. C'était là-dessus que j'avais la vanne. Non, en fait, non, je me suis non, pris non, ta non. mère, donc voilà. Et je vais te l'annoncer. Et on avait la vaisselle. Non, c'était son père. Et... Ah, c'était son père, c'est parfait. Non, j'avais croisé sa maman sur le parking d'Auchan et je lui avais dit et voilà, j'essayais, c'était peu de temps avant le bac et sa mère était catastrophée parce que malheureusement si vous voulez que votre fils ait des meilleures notes Mathieu n'était pas au premier rang, venez dans ma camionnette. Et du coup elle m'avait dit non mais de toute façon on a pris les vacances avant les résultats du bac, on va en Corse tous ensemble. Et je lui dis c'est quand même dangereux parce que si jamais il va au rattrapage non mais il ira pas au rattrapage, de toute façon il aura même pas le rattrapage. Il s'avère que forcément il va au rattrapage, donc branle-bas de combat, faut revenir de Corse. Ouais. Il revient en Corse en avion. Catastrophe. Voilà. Ensuite le train, il arrive enfin dans un état pas possible. Et puis il a fait son petit numéro de charme aux demoiselles qui étaient en face de lui, qui le faisaient rattraper, et il a eu son bac brillamment. Ouais. Comme quoi, on peut l'applaudir. Comme quoi, tout le monde peut l'avoir. Hein, même le plus nul, même celui qui était au fond de la classe comme toi. Voilà, exactement. Bah, j'essaierai de repasser à l'occasion. Très bien, parfait. Bon bah merci Mathieu en tout cas d'être passé. Merci à vous. Et puis on va revenir avec donc Jonathan, Théo, Charles, Thomas également dans quelques minutes. Et le chéri, je peux te faire cocu, c'est maintenant et c'est avec Alexandra justement. Salut Alexandra. Salut Mickaël. Comment ça, Mickaël? Comment ça va Alex? Je fume en même temps, c'est pour ça. Ah ben bravo. Eh ben bravo, eh ben tiens, tout ce que tu mérites c'est ça, tiens. Voilà. Bon, Alexandra, on va faire un chéri, je peux te faire cocu. Ouais. Très bien, on va donc appeler ton mec, comment s'appelle-t-il? Sébastien. Très bien, il fait quoi dans la vie Sébastien? Il est militaire. Oh putain. Regardez-vous. Il est plutôt du style à s'énerver rapidement ou pas? Beaucoup, oui. Est-ce qu'il est jaloux? Ça dépend des jours. Ah, ça dépend des jours. Bon, j'espère qu'il sera dans un jour jaloux. Sinon, ça risque d'être un peu plus compliqué. Vous habitez ensemble? Oui. D'accord. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 7 ans. Et t'as quel âge? 24 ans. Ah ouais? Ah ouais? Et lui, il a quel âge? 25 ans bientôt. D'accord, ok, très bien. Bon, on y va Alexandra, on va l'appeler maintenant. Et bah okay. On est chez moi actuellement. Ah oui, on est censé s'être rencontré où, dis-moi? À Montsou-Vaudrey, chez John. C'est qui John? C'est le copain de ma meilleure amie. D'accord, et pourquoi tu serais là? Parce que c'est son anniversaire. C'est une bonne raison. Bon, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Bonne chance Alexandra, il y a des moments où je te parlerai probablement un petit peu mal, mais t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est, allez. C'est affectif. Mais évidemment, toujours. Allez, on y va, c'est parti, bonne chance Alex. Merci. Pourquoi t'appelles avec le numéro masqué? Vous allez voir. C'est sûr. Enfin, si ça décroche. Allô? Allô, oui, c'est moi. Oui. En fait, je t'appelle parce que... Putain, il a pas dit le numéro masqué, je suis vénère. De chez John. Et puis j'ai rencontré quelqu'un. T'as rencontré quelqu'un? Comment ça? Il s'appelle Michel. Eh, quoi? Bah en fait je suis chez lui. J'ai laissé notre fils chez Sarah. Ah parce qu'ils ont un gosse, ouais. Merde, je savais pas. Bah qu'est-ce que tu fous chez lui? Bah je t'appelle pour savoir en fait si je peux faire quelque chose. Bah dis des choses. Quelque chose quoi? Ben je sais pas. Ce qu'on a l'habitude de faire nous quand on se retrouve quoi. T'as le mot tabou quoi. C'est une blague là, tu te fous de moi? Non. Bon tiens je t'ai ramené ton verre, t'es au téléphone avec qui? Je suis avec Sébastien. Bah c'est qui? C'est bah qui, c'est mon copain, je lui demande si nous... Ah d'accord, quelque chose ce soir. Ah bah nickel, bah alors il a dit oui, c'est bon. Bah je sais pas, demande-lui ça. C'est qui là? Ouais bah Michel, ouais. Il va vite se détendre Michel. Allô? Ouais. C'est Sébastien, c'est ça? Ouais c'est ça. Bon bah ouais, bah je sais pas trop pourquoi j'ai le téléphone, mais bah enchanté hein. Qu'est-ce que tu fous avec ma femme là? Ah non mais bah comment, vous êtes pas mariés quand même, si? Bah presque. Ah oui, donc ça va. Non, non, bah en fait, ouais, c'est parce que... Non, mais on a un ami commun, et donc du coup, ben, moi, c'était l'anniversaire de John, et puis j'ai rencontré Alex là-bas, donc je lui ai servi un verre, hein, ouais. Et puis voilà, quoi, le feeling est passé. Ouais, le feeling est passé, il va passer de rien du tout. Je pense que t'as dû la droguer, non? Je ne vois pas de quoi tu parles. Repasse-la moi. Attends. Alex! Oui? Tiens, je te le repasse. Allô? Bon, il est d'accord dans l'absolu, apparemment. Il n'a pas l'air d'avoir dit quelque chose de négatif, donc c'est plutôt positif. Non, mais attends, tu fous de ma gueule, là, tu as vite. T'es où, là? Je suis à Souvent. Bon, j'ouvre la bouteille de champagne, en fait, hein. En fait, c'est ça, oui. je pars toute la semaine, et toi, tu te fais tirer par d'autres mecs, quoi. Non, mais c'est juste une fois. Tu veux un petit verre ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais, je veux bien. En fait moi, je me fais chier à bosser toute la semaine, et toi, tu te fais tirer par des mecs. Je te mets un verre de champagne. Non, mais il la ferme. Attends, tiens, s'il te plaît, tiens. Oh, merde! Oh, putain! Bah, il y en a partout, là. Fais chier, là. Oh, putain. Tu veux que je ramasse? Bah, évidemment, ramasse. L'aspirateur est là, tiens. Bah, prends-le. Moi, je vais lui parler en attendant. Bah, l'aspirateur est derrière la porte, là. Prends-le, si tu veux, là. Ok, merci. Bon, Alex, je te parle, là. Oh! Allô? Ouais. Ouais, excuse-moi, parce que là j'ai fait tomber le verre, j'ai trébuché, il y avait un fil. Ah ouais, repasse-moi Alex. Attends, elle passe l'aspirateur, elle peut pas être partout là. Ouais, c'est ça. Voilà. Attends, voilà. Parfait. Et regarde un peu en dessous du canapé là. Ouais. Un peu plus par là, ouais. Voilà, parfait. Voilà. Ah merci beaucoup ma chérie. Hein. De rien. Ça, ma chérie, toi, j'ai défoncé la tête toi. Qu'est-ce qu'il dit? Dépêche-toi là. Attends, c'est à moi que tu parles comme ça là? Ouais, c'est à toi. Dis donc, tu vas vite te calmer parce que moi au moins dans mon appartement j'ai des meubles. Hein. Non. Moi j'habite dans une cave. Ah, t'habites dans une cave? Et tu fais des trucs un peu spé dans ta cave ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, parce que j'ai un pote, il aime bien mettre des croix dans sa cave et se faire attacher dessus. Alors si jamais c'est ton délire, je te présente quoi. T'as bien une grande gueule, toi, je trouve. Mais j'ai pas une grande gueule, c'est toi qui te la ramène là. C'est toi qui m'insultes. Repasse-moi, Alex, dépêche-toi. S'il te plaît. Non, y'a pas de s'il te plaît. Ah bah si, c'est la minimum. Bon, attends, mais c'est le minimum syndical, dis au moins s'il te plaît. Non, je dis rien du tout. Repasse-moi Alex, dépêche-toi, je te dis. S'il te plaît. Repasse-moi Alex, dépêche-toi. Comme le feeling passe bien. Enfin, a l'air de bien passer. Non. Est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main? Qu'est-ce qu'elle aime sexuellement? Comme j'ai droit qu'à un seul coup. Bon, repasse-moi Alex, parce que toi, tu vas vraiment prendre cher quand je vais. Non, mais elle est dans la cuisine. Mais qu'est-ce qu'elle aime bien? Tu sais que j'ai pas envie d'arriver là en disant, tu vois, par exemple, si elle aime pas la levrette, j'ai pas envie d'arriver lui demander ça, quoi. Non, mais ferme ta gueule, mais je vais te défoncer. Non, mais elle préfère quoi? Plutôt la levrette ou. Tu vas même pas t'en rendre compte. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est la sodomie, donc tu crois que c'est possible ou pas? Ferme ta gueule, je te jure. Ferme ta putain de gueule. Mais je comprends pourquoi tu nerves. Passe-moi Alex. Elle aime bien plutôt. De ce que tu me dis. Elle aime bien devant, derrière. Ouais, tu verras moi ce que j'aime. Est-ce qu'elle suce? C'est ça, tu verras ce que j'aime. Ouais, bon bah parfait. Alors avec défoncé, tiens, Alex, écoute. Moi aussi je vais défoncer, tu vois. Je te la repasse, je te le repasse, pardon, excuse-moi, tiens. Allô? Bon, oui. Il est d'accord, hein. Tu te fous de ma gueule. D'accord, c'est bon. Non, allez, c'est bon, tu peux dire oui là. Mais t'es vraiment qu'une morue, putain. Tu te fous de ma gueule. Une morue. Mais non. Bon, je mets un peu de musique, si tu veux. Tu te fais tirer. Tu connais le. Mais non. Tiens, regarde, j'ai mis un peu de musique, on est bien avec ça là. Dis-lui qu'il ferme sa gueule, lui, parce qu'il va crever. Tiens, voilà, comme ça, j'ai mis les petites bougies, on est en mode lounge. Dis-lui qu'il ferme sa gueule, je vais le tuer. On est bien là en lounge. Oui, non, mais allez, s'il te plaît, là, on peut juste une fois, dis oui, allez. Non, mais je dis oui de rien du tout, tu te fous de ma gueule là. Comment ça, dis oui, il a déjà dit oui, hein. Il va pas changer d'avis toutes les 5 minutes, hein. Non, mais dis-lui qu'il ferme sa gueule. Et toi, tu te barres tout de suite, là, t'es où, là, t'es où exactement? Qu'est-ce qu'il dit? C'est bon, là, c'est bon. T'es où? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'appelle mes potes. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, je vais mettre un petit slow. Tu danses avec moi ou pas? Ah, pas de problème, ouais. De quoi? De quoi? Pas de problème? Mais t'es vraiment qu'une salope, toi! Oh! Allô? Je te parle, là! Putain, tu fous de ma gueule ou quoi? Allô? Comment qu'est-ce qu'il y a, toi? C'est Michel! Ouais, c'est Michel, bah toi, Michel, je vais te laver la gueule! Bon, écoute, on va devoir te laisser parce qu'on va danser, là! Tu te fous de ma gueule, là! Vas-y, repasse-moi, dépêche-toi! J'ai mis Ten Sissi, là, morceau des années 80! Ouais, je m'en bats les couilles. Tu connais ou pas? Non, je m'en bats les couilles, je m'en fous, croise-moi Alex. Attends, je mets la sono à fond. Mais tu vas prendre cher, toi. Bon, attends, je mets autre chose. Alex, attends, tu me stresses, je suis en train de chercher un truc, là. T'as à foutre, là. Bon. C'est quoi ton son préféré? Je m'en bats les couilles, j'ai pas de son préféré. T'aimes bien ça ou pas? Moi c'est de péter la bouche au gros connard comme toi. Duran Duran, t'aimes bien? Non, allez, ferme ta gueule. Mais qu'est-ce qu'elle aime bien comme son, tu sais ou pas? Parce que je voudrais marquer le coup quoi. Parce que normalement avec les filles, si je mets ça, ça marche. C'est quoi? Normalement si je mets ça avec les filles, ça devrait fonctionner quoi. Repasse-moi avec. Mais ouais, c'est ça, allez, ferme ta gueule, va en sauter d'autres. Bah pourquoi j'irai ailleurs, il y en a déjà une chez moi, pas me faire chier, je fais froid. Mais je vais te défoncer, t'auras même plus de gueule, c'est de grosse merde. Dis donc, un peu de respect, soyez poli. Je m'en bats les couilles, respecte quoi? Soyez poli. Ouais c'est ça, respecte déjà ma copine et je te respecterai, c'est de grosse merde. Dis donc. Mais dis donc. Je vais rentrer, mais je vais te tuer. Mais dis donc. Je vais te tuer, quoi, qu'est-ce qu'il a dit donc de quoi? Oh pas faire chaud, c'est facile de faire chaud au téléphone, moi je vais rentrer chez toi, je vais te défoncer, tu vas voir la face, tu vas voir te la péter là, avec ta grande gueule de merde. J'ai trouvé. Ouais c'est ça, passe-moi Alex, dépêche-toi. Oh non j'ai trouvé Alex. Mais de grosse merde, vas-y dépêche-toi. Oasis, c'est la mienne tu crois? Ouais c'est ça. Bon attends, Alexandra ouais, t'aimes bien Oasis? Non je préfère Top Gun. Tu préfères quoi, Top Gun? Ouais. Bah oui, mais tu crois que j'ai tout en stock, moi? Alors passe-moi Alex. Bah elle est là, on a mis les haut-parleurs là, comme ça on doit pas chaque fois se passer le téléphone, c'est plus facile. Je m'en bats les couilles, je veux parler avec Alex. Ah j'ai oublié. Passe-moi Alex. Hey. Quoi? Tiens, je te le repasse. Allô? Non mais dégage vite là, parce que je te jure là. Hey. Tu vas te retrouver à la maison. Tu vas dégager de la maison. Moi c'est que pour un soir, moi je t'accueille pas tous les autres jours. Je m'en bats les couilles, moi c'est que pour un soir, j'en ai rien à foutre, moi c'est que pour un soir. Non, moi je m'en fous, moi c'est que pour un soir, moi tu t'installes pas à la maison, moi j'en ai d'autres. Je m'en bats les couilles. Moi j'ai des autres, j'ai d'autres trucs qui peuvent venir, moi. Moi je peux pas faire ça comme ça. Ah non, ça va là, 30 d'autres de pute là, 4 fois les couilles là. Ah non, moi j'en ai qu'une seule, moi j'en ai pas 17 hein, donc voilà, hein, je pense que c'est ça. Ferme-la, on réglera mon compte demain, toi de toute façon t'es mort. Donc il reste tranquille, hein, d'accord, avant que je m'énerve. Ouais, c'est ça, ouais, tu t'énerves de quoi? Avant que je m'énerve, qu'il reste tranquille. Oui, vas-y, énerve-toi pour moi. Quoi? C'est de pauvre merde. Je vais te donner ce que l'autre t'éclate. Ouais c'est ça. Ouais, oui, je t'emmerde et tu vas te faire foutre. Mais je vais défoncer, mec. Bon écoute-moi, espèce de petit con. Ouais, c'est ça. Ouais, espèce de grosse merde. Va te faire foutre, pauvre connard. Bon allez, vas-y, passe-moi Alex, là, je vais te défoncer la gueule, sinon là. T'es une grosse salope. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as compris, au fils de pute. Quoi? Ferme ta gueule, je t'emmerde, brûleur. Ouais c'est ça. Allez repasse-moi Alex, dépêche-toi là. Sale con. Ah mais va te faire enculer, ça va le PD, bah, je vais te nique. Oh putain. De quoi? Quoi cul, hein. Bah ouais, t'inquiète. Ouais, va te faire enculer, bah, ça le PD. Passe-moi Alex, ouais, c'est ça, mais toi ouais. T'as rien d'autre à foutre, fils de pute. Je suis un fils de pute, bah vas-y. Tu es un enculé. Rajoute, mais je vais te tuer toi. Tu es un enculé. Ouais, c'est ça, va te faire enculer. Te dis-moi. Fils de pute là. Hey. Ouais, vas-y, bon. Chaud, écoute, hey, chaud, je vais, hey, je vais te donner une bonne nouvelle, mais avant ça, j'ai besoin que tu t'excuses de tous les gros mots que t'as dit. Pourquoi? Bah parce que je vais te donner une bonne nouvelle, mais pour ça, j'ai besoin que tu t'excuses. Non, je m'excuse de rien du tout. Excuse-toi. Demain, je vais venir te voir. Hey, moi aussi, je suis militaire. Hein, tu crois que j'ai peur? Oui, t'es militaire de quoi? Mais bien sûr. Les militaires sont pas des grandes gueules comme ça, c'est de grosses merdes. Allez, ferme ta gueule. Ah, bon alors. Fais le jour. Excuse-toi. Je m'excuse de rien du tout. Demain, je vais venir, je vais te défoncer. Mais non, tu vas pas le faire. Si. Non. Si, t'inquiète pas. Allez, garde à vous. Garde ta gueule, Et garde à vous. Profite de ta main. Garde à vous. Profite, là, c'est ça, ferme ta gueule. Bon, tu t'excuses pas alors. Non, je m'excuse pas, non, allez, commence pas à me saouler, là. Là, tu m'as déjà bien saoulé, En tout cas, je voulais quand même te féliciter, parce que t'es quand même un des rares à ne pas avoir accroché 107 fois, donc bravo quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, je veux parler à Alex. Encore? Ouais. Bon. Alex, tu lui dis? Ouais, allez. Allô? Oui. tu m'en veux? Non, juste que demain je rentre, je veux pas te voir. Demain tu t'énerves, tu fais tes affaires, tu te bats. Non mais, mon cœur? Quoi? T'es sur Fun Radio là? T'es sérieuse là? Mais oui! Oui, je suis sérieuse. Ben oui, t'es sur Fun Radio, c'est Mickaël, Sébastien. Ouais. C'est le chéri, je peux te faire cocu. Et c'est ce que je te disais. Je voulais te féliciter parce que d'habitude, quand on fait ça, on se fait raccrocher au nez 10 fois, etc. Bon, par contre, tu m'as pas loupé sur les insultes. Donc ça, de ce côté-là, on est quand même plutôt pas mal. Mais t'as pas raccroché, c'est bien, Sébastien. Ça va, la pression redescend un petit peu ou pas? Oui, ça va. Ça va mieux? Allez, hop. Ouais. Elle peut rentrer à la maison ou pas, Alexandra, là? Je sais pas. Ah, ben réfléchis, ouais. Sinon, tu nous dis, on te représentera d'autres meufs, y'a pas de problème. Bon, salut tous les deux, en tout cas, gros bisous. Gros bisous. Salut, merci. Voilà, et puis si vous voulez faire un petit chéri, je peux te faire cocu. Et on remettra le couvert demain à partir de 23h sur Fun Radio, donc soyez bien là évidemment. Tof, comment ça se passe au niveau du dessert? Parce qu'il y a un peu de lag là. Oui, il y a un petit peu de lag, mais c'est parce que j'ai été mal aidé par mes deux assistantes cuisinières. Tof, oui. On s'aime bien? Oui, on s'aime bien. Est-ce que tu peux me casser une autre assiette? Bien sûr. Allez, mais non, mais non, ça c'est pas. Vas-y, Tof, allez. Attends, je montre à la caméra le service qu'ils ont pas bien vu la dernière fois. Hein, le service. C'est moche ce que vous faites là. Arrête Olivier. Non, c'est ton service qui est moche. On venge. Allez. Les élèves qui ont été mal. Vas-y, Tof. Allez, 1, 2, 3. Excusez-moi. Même casser une assiette, il fait pas. Oh. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, il y a Olivier, le prof de maths et accessoirement le propriétaire de l'appartement, qui va venir te voir. Vénère. Et Tof qui lui dit qu'est-ce qu'il y a? La règle est là. Non, c'est bon, la règle. Pas de baston, Tof. Non. Sur les fesses. Non, sur les fesses. Il m'a déjà niqué un doigt. Sur les fesses. Non, pas les doigts. Non, pas les doigts. Je veux bien les fesses, mais pas les doigts. Voilà, il veut bien. Ah Ah, oh, c'est parfait, hein, j'adore. Et casse une autre assiette, Tof. D'accord. Non. Il est con. Bon, allez, on se met Martin. Mais je peux casser d'autres trucs, hein. Non, c'est bon. Eh, je peux dire, tu vas prendre des coups de bâton, tu vas voir ça. Bon, allez, Martin Garrix, on écoute ça maintenant. C'est Wizard sur Fun Radio. On est toujours en direct, évidemment, de l'appartement. Enfin, ce qu'il en reste. D'Olivier, donc le prof de maths qui nous a invités. Les élèves sont encore là, évidemment. Et puis, retour avec Marie, François, Jonathan, Théo, Charles, Thomas et tous les autres. Et puis, le match d'impro à suivre également dans quelques minutes sur Fun Radio. Bonne soirée, tout le monde. C'est Mickaël No Limite. On est là jusqu'à minuit. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël, No Limit, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Allez, toujours en direct de Noyon sur Fun Radio. Là, on est au cœur d'une heure sans pub. C'est Mickaël No Limite, comme tous les dimanches de 20h à minuit. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Il se passe enfin un truc à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Ça tombe bien toute la semaine également, de 23h à 2h du mat. Retour avec Marie, avec JF dans quelques minutes. Jonathan qui est là également. On fera encore des appels avec Tof. Là, Jonathan, t'es là? Jonathan? Jonathan une fois. Jonathan. Ouais, bien sûr. Ah bah voilà, il est là, très bien. Donc Jonathan de Toulouse, comment tu vas? C'est ça, ça va très bien et vous? Bah très très bien aussi, hein. Bon, Tof est en train de nettoyer dans la cuisine puisqu'il a cassé toutes les assiettes, comme vous avez pu l'entendre. Voilà. C'est une vengeance pour tous ces élèves maltraités par les profs de maths. Voilà. Ah, les profs de maths. Et bien, en parlant de profs de maths, j'en ai une belle avant. Ah alors écoute, on t'écoute plutôt Jonathan. Ouais, ben Mickaël No Limite, c'est super, vous êtes énorme. Donc, bah, c'est gentil, Jonathan. En seconde, histoire de seconde, prof de maths, qui vient d'avoir son CAPES, je sais pas, 24-25 ans, super belle. Donc, madame qui fait l'appel, qui s'assoit et qui se retourne pour écrire les exercices au tableau. Donc, joli string Bordeaux qui dépasse. Et puis, un pote au dernier rang qui n'est pas trop un matheux, plutôt littéraire, ben, se fait appeler au tableau parce que justement, il est pas si bon que ça en maths, quoi. Ouais. Et qui lui dit, ben non madame, j'ai pas fait mes devoirs, je peux pas venir. En fait, bon, il avait une belle gueule et donc il pouvait pas se lever, quoi. Ah oui, ben forcément, mais comment se fait qu'il avait la gueule à cause de la prof? Il va falloir venir, vous venez, c'est sûr, vous allez travailler. Et donc, on le voit se tourner sur sa chaise, puis il se lève, il a fait 3 mètres jusqu'à qu'il réalise. Et lui disent, bon ben allez vous asseoir, on en discutera à la fin de du cours, quoi. Ouais, mais il a eu la gaule, il a eu bon, la gaule la coupe du prof. Et puis bon, au final, Jonathan, est-ce que tu m'entends? Non, il m'entend pas, comme ça moi on a la raison. Voilà, je pense qu'il a pris son heure de colle parce qu'il avait une belle gaule, quoi. Est-ce que tu m'entends, Jonathan? Ouais. Ah très bien, donc je me demandais s'il a eu la go à cause de la prof ou... Ah ben oui, il a eu la go à cause du string Bordeaux qu'il est passé, enfin on est en seconde quoi. Eh mec, il a quand même la go rapidement hein. Ah ouais ouais, non mais... C'est-à-dire qu'il voit un string passer au-dessus du jean elle était super belle cette prof. Ah bah ouais, et tu sais s'il y a un élève qui a réussi à la pécho ou pas? Ouais non personne non. D'accord. Tiens Olivier prof de maths là, non. est-ce que ça non je ne vois pas, je ne connais pas quoi, non. Est-ce que ça fornique entre profs? Ouais, ça fourre quand même un peu. Hein, dans la salle des profs, non? Ça démonte. Dans la salle des profs, les deux cafés, la clope. Non, c'est déjà arrivé dans une salle de classe entre deux profs, oui. Ah. Ouais, mais je n'en dirai pas plus. Non. Ça, c'est mon fantasme de démonter une prof. Non, sérieusement. Juste sur la table, là, la petite table avec le casier. C'est ça. Je vais savoir si on voyait parfois le string d'Olivier ou pas. Oui, mais il est pas Bordeaux. Ah, il est pas Bordeaux. Bon, ben nous voilà rassurés. Merci, Jonathan. Salle de profs, c'est sûr qu'il s'est passé des choses. Ah bah ouais, ça c'est clair. Ben merci Jonathan en tout cas d'être passé, tu reviens quand tu veux. Salut Jonathan. C'est possible. Ouais, c'est clair. Je peux passer une petite dédicace. Allez vas-y, profites-en, une seule personne, ouais. Choisis la bonne. Vite fait, dédicace à Fredo et son triplé de la journée, dédicace à toute l'équipe de l'EFTA. Allez, retournons en cours de maths, Jonathan, sur une personne. Lovin Fun et... Bah Lovin Fun non mais fun oui, parce que Lovin Fun c'est pas l'heure. Ben voilà. Pas de problème Jonathan. Salut à toi Jonathan. Ça roule, allez salut à toi, c'est bien parce que tu sais déjà il en a fait plus qu'une mais en plus à la fin il dit ouais au fait bah tant qu'à faire hein, tant qu'à faire je mets la totale tu vois. Tant qu'à faire il est là, il profite. Mais oui, il y a Théo aussi, 19 ans de Compiègne. Bah salut Théo. Salut. Comment ça va et comment ça se fait que t'es pas venu nous voir Théo là, t'es sérieux là? Bah je suis un peu loin là, je suis parti à l'internat. Oh, ah t'es où à l'internat? Sur Creil. Ah oui, sur Cray, ouais, d'accord, ok. Bon, là, c'est un peu plus loin, effectivement. Sinon, tu nous dis, hein. Alors, si vous voulez aussi, on vous offrira des mots ce soir. Hein. D'absence. Si oui, bien sûr. Des mots d'absence ce soir, signés par un professeur de maths. Hein, donc, ça passera crème. Bon, Théo, alors, c'est quoi, toi, ton anecdote sur les profs? J'étais un ancien prof d'Olivier, en fait. J'étais un ancien élève d'Olivier. Ancien élève, ouais, parce que si t'as été prof, c'est bizarre, quand même. Ouais, parce que c'est bizarre. Alors, explique, non, j'ai Théo. J'ai 15 ans, je suis prof. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Théo? Bah j'étais dans sa classe et ce cher prof avait tendance à ramasser tout ce qui passait en tant que bouffe devant lui. Il a raison, tant qu'à faire, autant se nourrir sur ses élèves. Mais on a Sandro mec. On n'est pas payé cher. Ouais ouais bah c'est ça ouais. Genre quoi c'est-à-dire? Les pitchs, les croissants, les pains au chocolat, le chocolat. En fait tout ce qu'il confisquait il le bouffait lui quoi. C'est ça que t'es en train d'essayer de nous dire. C'est comme les portables, hein, quand tu confisques un iPhone c'est lui qui s'en sert. Hein. Bah c'est ça. C'est exactement ça, et une fois pour lui faire une petite blague, voilà, c'est ça, on lui a mis à la tête dans un pitch. Ça c'est bon. Ah oh, c'est bon ça. Et alors il était pas bon tête celle-là. Non. Non, c'est jamais refait. Attends, on va, il refait l'histoire. Parce que pour une fois, on a l'avantage d'avoir l'élève et le prof. Ah. Parce que d'habitude, on a toujours qu'une seule version. Là, on peut avoir les deux. Alors Olivier, donc pour ta défense, juste quand il a parlé du pitch, je me suis dit pourvu qu'il soit pas dans cette classe là. Si. Bonsoir Théo. Non. Tu vas prendre cher. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Enculé. Alors effectivement, je n'irai rien en bloc jusqu'au fait que effectivement, quand j'ai mangé le pitch, parce qu'ils l'ont, ils ont fait exprès de se le balancer entre deux élèves et pour que je le vois. Ce qui fait que forcément, je suis arrivé le confisqué. Et puis mais tu le confisques et tu le mangeais dans la classe devant eux? Oui. Vous ne pouvez pas manger en classe. C'est exactement ça. Et donc je trouvais qu'il avait effectivement un drôle de goût. Mais bon, j'allais pas tout cracher devant les élèves. Donc du coup, bah, je mange ce que j'avais. Et puis le reste, je jette quoi. Mais non, il n'y a eu aucun effet, même le lendemain. Mais bon, par contre. Non, c'est vrai. Mais par contre, effectivement, ça a fait le tour du lycée. Ah bah bien sûr. C'était de bonne guerre. C'est clair. Ah oui, et c'est toi qui étais à l'origine de tout ça évidemment Théo. Non, du tout. Ah bon, toi t'as juste participé, t'étais spectateur. Simple spectateur. Mais d'accord. Je crois que c'était dans ta classe où on faisait voter les retards et... Non? Oui, c'était dans celle-là aussi, quand on envoyait un élève et il prenait le cours à l'extérieur par la fenêtre. Ah, c'est bien ça aussi. Moi ce que j'avais fait aussi, alors ce qui peut servir aussi c'est faire grève. Moi je l'avais fait parce qu'il faisait trop froid en classe et je m'étais renseigné, je sais qu'en dessous, alors je sais plus quel degré c'est, mais en dessous je dis n'importe quoi, de 17 degrés par exemple, il était interdit de donner cours. Donc j'avais pris mon thermomètre parce que le chauffage était en panne. Et donc le directeur dit non, on reste là, non, rien à foutre, il fait assez chaud, etc. Mettez, vous avez qu'à mettre des gants et des une écharpe. J'ai dit quoi, ça va pas, non. Donc j'ai pris mon thermomètre, j'ai vu qu'il faisait 16, hop, j'ai engrainé tout le monde en disant bah non, là on fait pas court, hein, désolé, mais on se barre. Hein. Donc du coup, on est parti. Et bah, j'avais raison, le lendemain, hop, on avait une nouvelle classe. C'est bizarre, chauffée, ouais. Tout était au taquet, tout était parfait. Précurseur, donc attention, en fait. Ouais. Donc je crois que c'est en dessous de 18 qu'on peut pas donner cours, mais à vérifier quand même. Faites pas les malins si jamais c'est 17, hein, vous allez passer pour un con, mais faites pas trop les malins non plus sans vérifier quoi. Mais c'est vrai qu'on faisait et on fait toujours voter les retards, c'est-à-dire quand il y a des élèves qui arrivent en retard, parfois on fait voter les élèves pour comment savoir ça, si, on fait voter. Bah, s'ils doivent aller chercher un billet de retard, ils sont très très mâches entre eux. Ah ouais, par rapport à l'anecdote du foot, dès lors où on venait sur Auxerre, on avait le droit à copier la page 200. Je suis supporter de Auxerre. Je crois que j'ai changé de métier en fait. Ouais, là, je pense qu'il faut arrêter, ouais. La pire punition que t'es donnée, c'est quoi? La pire punition en termes de quantité? La plus méchante. Écoutez une autre radiophone. Voilà. Non, la plus méchante, je pensais un jour où il y avait 22 élèves, je crois, qui n'avaient pas fait leurs exercices. Wow. Et du coup, on a corrigé tous les exercices et j'ai donné à ces 22 élèves 22 fois la correction des exercices à faire. Oh là. Ah. Autant de fois que d'élèves qui n'avaient pas fait l'exo. Voilà. Oh, et il y avait 10 ou 12 pages doubles à faire. Bien fait pour l'enfant. Mais après, bon, tu vérifies pas, tu comptes pas. Si, on compte, on en compte quand même. Ouais, si, donc tu perds double de temps, toi aussi. Non, mais je regarde les petits filous, ceux qui. Moi, je faisais exprès pour faire chier quand j'avais des trucs comme ça, genre à recopier. J'écrivais en minuscule, juste pour emmerder le prof. Donc je mettais, genre, tu sais, entre deux lignes, j'écrivais trois lignes en fait. C'est juste en minuscule, juste pour le faire chier. Et je faisais mes trucs, hein, mais lui, il se faisait chier à tout compter. À tout compter parce ouais. qu'il pensait que je l'avais enfumé. En fait, non, c'est tout était nickel. Mais voilà, c'était ma petite vengeance et il pouvait rien me dire puisque j'avais recopié les 100 fois le truc donc Et je crois que dans la classe à Théo il y avait un élève, il copiait, je lui donnais toujours la même page à copier et à la fin il connaissait les tableaux de la page par cœur. Ah bah oui, il y avait un élève qui arrivait, un élève qui était hors de la classe, il récitait pour montrer effectivement qu'il avait bien retenu. Voilà, bah très bien, bah merci Théo en tout cas d'être passé, tu reviens quand tu veux. Attends, non je peux dire un petit remerciement à Olivier. Bah vas-y Théo, là on est là. Après tout ce que t'as balancé, ouais. Car grâce à lui, je suis en maths sup et je réussis plutôt bien en maths et j'ai eu vraiment mon pote de maths. Bravo, félicitations à toi. Pas mal. Bon, évidemment. Évidemment. Olivier, je suis le petit ami de Poupoune. C'est Poupouné. De Poupouné. D'accord. On sait okay. C'est qui, parce que je vois pas là. C'est un élève qui a un surnom comme ça dans la classe. Ah d'accord, ok, bah, très bien, mais comme ça on sait. Eh bah, très bien Théo, bah, merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux, à bientôt. Merci, bonne soirée. Salut Théo, ciao à toi. Olivier, est-ce qu'il y a une classe qui t'a marqué plus particulièrement ou pas? Alors il y en a en bien, il y a une classe où j'ai jamais eu à dire quoi que ce soit. Là, c'est la classe de Thibaut qui était là, voilà. La classe de Thibaut, oh, je crois que. Boules. Ça c'était la classe des Sud-Boules. Non mais c'est vrai. Voilà, c'est j'ai ça, jamais ouais. eu à faire une seule remontrance, quoi que ce soit, tout se passait bien. Remontrance. Voilà. T'aurais pu les gronder parce qu'en fait ils ont un groupe de rock, ils aiment Kyo. Je ne savais pas à l'époque, mais donc voilà, il y a ces classes-là et puis il y a d'autres classes qui m'ont un peu moins marqué, mais voilà, ils sont tous différents. Ouais. Moi, il y a des classes un peu moins bien, un peu moins agréables. Ceux qui n'ont pas d'humour, en fait, parce qu'il faut avoir de l'humour, il faut comprendre que c'est du second ou du troisième degré. Ouais. Et certains le prennent vraiment au premier degré. Bah oui, et quand je leur fais copier 100 fois, il faut suivre les cours de mon merveilleux professeur de maths. Ils sont pas contents et voilà. Foiré. Bon, on vient dans quelques minutes sur Fun Radio avec, bah, comme promis, hein, les appels de Toff. La dernière giclée, hein, on va dire ça comme ça, Toff. Hein. Bah oui. La dernière oui, on va dire appels. Ça, on va dire bah ça. Bah voilà, tu es en train de faire le dessert là, on oui, est bien là. Oui, là on est bien, on est bien. Bon, alors on est parfait, c'est parfait. Et puis on va également se faire le match d'impro, le temps d'écouter le son des Daft Punk maintenant sur Fun Radio, c'est le nouveau qu'on écoute là. C'est Mickaël No Limite, on est en direct jusqu'à minuit. Bienvenue, c'est Mickaël No Limite en direct de Noyon, en Picardie chez Olivier l'auditeur. Vive la Picardie. Eh oui. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël, No Limit, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais. Que la dernière ligne droite en direct de chez Olivier l'auditeur qui nous a accueillis. Bon Toff là, le dessert là, Putain, franchement tu perds des points là. Ouais je sais, je suis désolé. Ah bah ouais, j'ai été conseillé et j'ai été mal conseillé. Eh par contre les frites Toff, bravo hein, parce merci, que depuis, merci. Ça fait depuis 20h on devait avoir un petit ah bah paquet de frites. Ouais, là on est au mais top. J'explique ce qui s'est vraiment passé pour les frites ou pas. Ils viennent juste d'allumer la friteuse. Bravo. Ouais mais non justement je peux expliquer pour les frites. Bon bah vas-y toujours. Bah donc en fait j'ai eu deux assistantes pour préparer le repas. Ouais. Et donc je dis aux assistantes, ah faut faire les frites. Et donc là, elles ont déjà mis, je sais pas combien de temps pour trouver la rallonge pour les, parce que la friteuse est à l'extérieur. Ouais. Donc là, je l'ai regardé pendant, je sais pas, le temps de faire au moins trois pancakes en train de démêler le truc. Une fois que les frites, donc le truc a été démêlé, j'étais déjà au moins au cinquième pancakes. Elles ont enfin tiré le câble jusqu'à la friteuse. Là, qu'est-ce qu'elles ont fait à votre avis? Bah elles l'ont pas branché. Si, elles ont branché, mais elles l'ont pas allumé. Ouais. Et donc une fois que j'ai fait tous les pancakes, elle revient, elle fait bon, je crois que la friteuse est chaude. Ah bon, bah oui, oui, bah oui, oui. Et les desserts, on se passe, on s'en fout un peu. Mais c'est ça, nous on veut les desserts là. Ils nous en sont où les desserts? Donc sur le dessert, je me suis fait conseiller par la même personne. Ouais. Qui me dit ouais, le mec qui est venu avec les produits, il a laissé un truc, faut en mettre. Et donc j'en ai mis, sauf que ça a ruiné la tarte. Ah bah génial. Bon bah écoute, t'auras certainement une mauvaise note alors. Hein. Mais je pense que sur la tarte, je vais avoir la pire note de la soirée. Ouais. Bah écoute, on verra, ramène-la toujours, on verra. On l'a remis un peu à recuire là pour essayer de, bon, bah, très bien, la faire, mais je pense que. Bon bah on va continuer avec tes appels vu que t'es là du coup hein. Bah allons-y. Et bah voilà, donc appel spécial épilation qu'on avait fait cette semaine. Il y a des auditeurs qui disent oui mais il me semble que j'ai déjà entendu ces appels. Oui c'est normal, le dimanche on vous met les meilleurs de la semaine, voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'écouter, car la semaine c'est vrai que c'est un petit peu tard et qu'il y en a qui ne peuvent pas forcément être là de 22h, de 23h pardon, à 2h du mat. Bon alors c'était quoi l'appel L'appel c'est parce qu'on était tombé sur cette grande information qui disait que les mecs soi-disant préférait le buisson mal taillé, ouais, hein, plutôt que d'avoir le petit ticket de métro ou l'épilation intégrale. Et donc forcément bah, j'ai essayé de savoir si cette information était vraie. Bah oui, parti la vérifier auprès de mes amis. Évidemment, évidemment, évidemment. Bon, on avait fait le premier appel là du coup hein, c'est cette semaine. On y va, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. Oh. Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir comment vous aimiez que votre femme s'épile. Ma gueule, c'est un peu de truc. Bah, c'est pour savoir, monsieur. Mais savoir quoi? Bah, savoir comment vous aimez qu'elle s'épile l'entrejambe. Bah, et moi, je te demande si ta grosse, elle se gratte le machin, moi. Mais ça n'a aucun rapport, monsieur. Bah, et puis là, il y a eu le rapport, là. Bah, il n'y a pas de rapport, monsieur. Moi, je veux juste savoir comment vous aimez qu'elle fasse, c'est tout. Si vous préférez avec beaucoup de poils, un petit peu, pas du tout. Mais est-ce que je te demande, moi, ta mère, dans quel sens elle se fait prendre, ta sœur, si elle aime l'anal, enfin, je sais pas, on est intime, on est quoi, là? Non, monsieur, je vous demande juste comment vous aimez que votre femme s'épile. Il n'y a pas besoin de parler de tout ça. D'accord, bah si, un peu quand même. Et alors, ta mère, elle s'épile, ta mère? Bah, je sais pas, monsieur, mais je vois pas le rapport. Ah bon, et ta sœur? Bah, je sais pas non plus, monsieur, je ne lui demande pas ce genre de choses. Ah bon, d'accord. Mais non, ouais. Parce que là on est là on est entre hommes, moi je vous pose la question d'homme à homme. Entre hommes? Ah bah, t'appelles ça un homme toi. Tu te caches derrière un numéro masqué pour me demander si ma femme s'épile, et toi t'as un homme toi. Ah non pas du tout monsieur, je vous ai demandé comment vous aimiez qu'elle s'épile. Ce qui n'est pas la même chose. Bon, allez, va mourir, je prends une grosse poignée de gravillon, je la mets dans ton cul, je te fourre à sec, hein, pour commencer. Si t'es pas content, je te casse la nuque, les jambes, et puis je pense que si je te croise, je te démonte, quoi. Elle va mourir, enculé. Ah bah on était bien là hein. Je te casse la nuque et les jambes, ah ouais, tu vas ouais, mourir enculé, j'adore. Donc heureusement, rassurez-vous, on l'avait rappelé. Parce que bon, on n'aime pas rester comme ça sur des mauvaises réponses hein, sur des gens qui ne répondent pas. Donc on l'avait rappelé, maintenant c'est parti. Allô. Oui, je m'excuse monsieur, mais pourquoi vous le prenez comme ça? Parce que... Mais t'as rien d'autre à foutre, sans déconner, quoi. Bah non, moi je veux juste savoir comment vous aimez que votre femme s'épile, c'est tout, y a pas... Ouais, c'est ça, ouais. Ah putain, mais... putain, mais des connards, j'en ai connu, mais des comme toi, mais... putain, c'est quoi ton nom, toi? Moi je m'appelle Toff, monsieur. Ouais, d'accord, ah bah c'est mignon, ça. Ah, bah, t'habites où, toi? Je vous remercie, je suis à Paris, monsieur. T'es à Paris, ouais. Ah, d'accord, et en même temps, ça pouvait être qu'un parisien pour dire de la merde comme ça, ça m'étonne même pas, quoi. Je vous dis pas non, à part faire chier les gens à cette heure-là le soir, t'as rien d'autre à foutre, quoi. Bah non, parce que moi je voulais juste vous demander gentiment comment vous aimez que votre femme elle se rase la chatte, quoi, c'est tout. Ah ouais, d'accord, mais ne parle pas comme ça de ma femme, gros, mais t'es un grand malade, toi, t'es pas bien, quoi. Tu te fais jamais démonter, quoi, tu te fais jamais exploser la tête à parler aux gens comme ça, quoi. Mais je vous ai rien dit, monsieur. Tu m'as rien dit, la chatte à ma femme, mais tu vas voir, mais la chatte à ta grand-mère, la chatte à ta soeur, à ta grosse, à qui tu veux, mais va te faire enculer, quoi, connard, quoi. Putain, des connards, j'en ai croisé, mais ah, putain, mais déconne-toi, mais t'es extraordinaire, toi, sans déconner, quoi. Mais on fait comment, là, je te démonte tout de suite ou on attend un peu, quoi? Putain, t'as de la chance, et t'as de la chance que je sois au boulot, là, parce que normalement, je mettais le cul dans la bagnole, je montais à Paris pour te démonter, gros. Mais pourquoi vous voulez me démonter, monsieur? Parce que t'es un connard, qu'est-ce que ça peut te foutre si ma femme elle se rase et puis machin, moi je te demande comment ta mère elle se fait prendre, comment ta soeur, t'en es où là? Mais non, parce que moi je vous ai demandé comment vous vous aimiez, je veux pas savoir comment elle fait en vrai. Ah bon, d'accord, bah alors moi j'aime bien quand y a pas trop de poils, parce que si tu veux bouffer du poil, ça me fait un peu chier, c'est pas trop mon truc. Moi j'aime bien qu'il y ait rien, quoi, tu vois. Eh ben voilà, vous voyez monsieur, c'était... Ouais, c'est bon, c'est bah bon, oui. tu me lâches maintenant. Ah oui, là maintenant vous avez répondu, bon. On se souhaite une bonne soirée. Eh ben, bonne soirée, toi. Putain, n'y reviens pas, hein, c'est pas la peine. Allez, salut. Hein. Ah ouais, bah ça c'était salut directement. Oh là là là là, le mec était... Tu vois, finalement il râlait un petit peu, mais au final on a quand même une réponse. Et il est sympa en fait dans le fond. Et il est sympa, exactement. Bon, alors je vous ai mis la vidéo de à l'instant là sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel, la vidéo de du cassage de d'assiette, enfin du presque cassage, c'est-à-dire que Toff au mode rebelle, il arrive, il balance l'assiette et puis rien ne se casse. Elle rebondit donc, même. Elle rebondit, donc allez la voir. Quel et je vais vous mettre la photo du dessert, de la tristesse du dessert de Toff. Regarde la tarte aux pommes, on dirait sa gueule. Une angoisse, une angoisse. Donc on va, je vous mets la photo là dans quelques secondes sur le Facebook de l'émission, Twitter et Instagram. Tapez, ouais c'est ça, ouais. Tapez Mikael officiel pour venir nous rejoindre. C'est une horreur. Ne jamais écouter quand une fille vous donne des conseils. Ouais, c'est nouveau, ouais. T'écoutes les femmes. Il y aura David Guetta à suivre dans quelques minutes avec Turn Me On sur Fun Radio, un son que vous avez découvert sur Fun Radio évidemment comme beaucoup d'autres. Et puis on va aussi se faire comme promis, hein, je l'avais dit, on a un petit peu pris de retard là, le match d'impro qui va débarquer sur Fun Radio. À tout de suite. Ouais. Hello. Mickaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mickaël. No. Limit. Le dimanche soir, 20h minuit sur Fun Radio. Toujours en direct sur Fun Radio, je viens de vous mettre la photo de la tristesse du dessin. C'est pas triste, c'est ridicule. C'est-à-dire que c'est même pas une boule de vanille, c'était une boule cassée en deux. Pitoyable mais pas digne de pitié. Exactement, donc cassée en deux la boule et il a mis une espèce de tranche de Vienneta. Voilà. Mais la Vienneta était bonne, attention, il l'a réussi là. C'est ce qu'il y a de mieux dans tout son monde. C'était franchement, truc acheté tout fait en fait. Elle est totalement réussie la Vienneta. Je vous remercie parce que j'ai mis tout mon cœur pour faire la Vienneta. Bah ouais. J'imagine, non vraiment là au top. Allez voir hein, Facebook, Instagram et Twitter. Donnez vos avis évidemment. On fera un petit vote final sur le global, hein, sur l'ambiance, sur la beauté des assiettes. Les activités proposées. Mais putain, mais je l'ai connu. Il nous avait fait un rappel quand on était parti je sais plus où là, bah, en vacances. Où, il nous avait fait un putain de truc avec du homard et tout, c'était magnifique. Ah ouais, mais là non. Ouais, mais on était combien? 6. Ouais. Ouais mais voilà. Ouais mais t'as déconné voilà. Ouais là. Bon bah bref, vous allez pouvoir donner vos avis aussi puisque les photos sont sur le Facebook. Facebook.com/mikaelofficiel. On revient avec Jean-Pierre Sauzère qui va débarquer dans quelques minutes. Ouh, il y aura Charles, il y aura Thomas et on écoute bah, comme promis le son de David Guetta maintenant. Ouais, c'est Turn Me On maintenant sur Fun Radio. Mikael No Limit toujours en direct de Noyon, la dernière ligne droite, c'est maintenant sur Fun Radio. Mikaël et toute sa team débarquent chez Olivier pour tout retourner. Mikaël. No. Limit. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Ils ont tout donné pour le dernier coup là. Ils Bravo, ont tout donné, tout donné avec Polo évidemment. C'était qui beau. Chauffait la salle là, on était au taquet. Bon alors le moment est très dur évidemment puisque il va falloir donner une note globale au repas de Toff dans ce dîner presque parfait et Dieu sait que pour le coup ça porte bien son nom. Alors Sandro, on va commencer par les filles, donc plat tout, global, hein, global sur l'ambiance, sur la beauté du service, la beauté du service assiette également. Ouais. Assiette de carton. Ouais. Je vais lui mettre un 7. Ah ouais, comment 7? Bah, ah ouais, oui parce que on voit qu'elle a l'habitude de bouffer McDo tous les jours. Non et en plus de ça il y a eu de l'attente entre le plat et le dessert. Comment ça, il y a eu de l'attente? Bah on a attendu 1000 ans le dessert. De l'attente, d'accord. Mais okay. Pas qu'on n'a pas eu les frites. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, le moins c'est vrai. Ouais, alors la vie de Polo. Bah écoute, moi au départ j'étais très content quand j'ai eu la flamme cuche en bouche. J'en ai presque, j'ai bandé. Hein, ouais. J'en ai presque pleuré. Et après je sais pas ce qu'il a fait. Bon, je sais pas. C'était horrible. Et bah, c'est la débandade justement. C'était la débandade. Je lui ai remis un peu plus quand j'ai vu les assiettes cassées. Ça m'a beaucoup fait rire en vengeance au prof de maths. Donc ça, c'est l'amusement était sympa. Voilà. Mais tout après, non, j'ai failli vomir là pour le truc. La Vienneta était bonne. mais bon, il l'a pas fait. Les assiettes en carton, je te mettrai un 5. Ah oui, 5. Ah ouais, 5. Non, parce que je t'aime bien. Ça fait Olivier, la moyenne. Hein. Olivier, donc l'auditeur qui nous accueille ce soir, le prof de maths, la note globale, et Dieu sait qu'il a l'habitude de donner les notes. Moi, je vais lui mettre 8 parce que vraiment, ouais, j'ai trouvé ça très très bon. Oh, et puis, très sympathique. Cool. Oh là là, regarde le, voilà. C'est tout ça parce qu'il a envie de récupérer les restes. Qu'on lui casse une assiette. Allez, on casse l'assiette. C'est surtout que je veux qu'il arrête de casser les assiettes. Ah oui, voilà, c'est ça. Qui c'est qui a goûté ici dans les auditeurs et qui a mangé entrée, plat, dessert? Ah, lui là-bas, il a bouffé là. Kyo, alors, attends. Alors, comment tu t'appelles? Thibaut. Émilie, alors toi, Émilie, qu'est-ce que t'en as pensé? Notre vous êtes deux dans votre corps là? Notre global. Moi, j'ai mangé le burger. Ouais. En fait, j'ai trouvé ça très bon, donc j'y mettrais un 8. Un 8? Ouais. Juste pour le burger, du coup, t'as pas goûté le reste? Même après, pour l'ambiance et tout. Après, d'accord. Question d'ambiance, non, franchement, c'était super sympa. Très bien. Derrière, comment tu t'appelles? Thibaut. Thibaut, oui. Alors, Thibaut, la note globale. Faut dire qu'au niveau du dessert, il s'est pas foulé. Ah non, là. C'était pas la folie, je pense que. Par contre, il s'est défoulé avec les. Je mettrais moins 1 pour le dessert et au niveau du global un petit 7 quoi. Donc ça fait 6. Généreux. Donc 6. Je sais pas, tu dis moins 1. C'est ça. Non mais je sais pas, je voulais savoir. Je suis dans les maths moi. Alors. Très bien, oui, ça s'entend pas comme ça à première vue. Bon, très bien. Alors ce qui nous fait donc un 6, un 5, un 5. 2, 7. Un 7, donc 2, 7 et très bien. Et donc alors moi je donnerais. Bon le burger était bon, c'est vrai, faut laisser ça. Bon la flamme cul c'est dégueulasse, hein, je déteste ça, donc c'était elle scandaleux. Était pas mal au fromage. Ouais je sais, mais franchement, bon la flamme cul dégueulasse, donc ouais. Ça c'est clair. Le burger bon, enfin le burger spécial pancake, hein, parce que c'était avec ouais. Des viandes des original, pains pancake. Ouais. Originalité. C'est pas mal. Ouais. J'aurais pu avoir un point en plus. Mais oui, c'est vrai. Pour le dessert, une honte. C'est au-delà de la honte. J'ai acheté en magasin. Voilà, ouais. Complètement. Non. T'as eu de la tarte. Ouais, mais elle était dégueulasse. De la tarte fondue. Et donc, moi, je donnerais un 2,5. Tu sais, ça, c'est le rageux dans le deal est presque parfait qui va être sûr de gagner à la fin. Voilà. 2,5. Non mais on ne critique pas Mickaël ou je vous pète la gueule. Ils sont en train de étoffe. Ah d'accord. Voilà. Continue, c'est pour toi. Et en plus la note de Mike compte double évidemment. Et bien sûr, donc ça veut dire divisé par deux. Donc 0 1,25 en moyenne avec ça. Donc voilà, donc parfait, comme ça c'est nickel. Bon ben merci pour ce dîner presque parfait. Prochaine fois c'est Polo qui s'y collera. Aïe. Ça va être bon. Ah bah si, la prochaine fois qu'on fait l'émission en direct de chez un auditeur, c'est Polo qui va s'y coller. Préparez les médicaments et les sacs à vomi les gars. J'annonce. Voilà, parce qu'il va nous servir des sacs à merde, c'est ça? Non, j'ai pas par accusé. La dernière fois, j'ai cassé un œuf. Et c'est bientôt ton anniversaire, je t'offre un livre de cuisine. La dernière fois, j'ai cassé un œuf, il y avait tous les morceaux de la coque. Bah, on va bien manger, tiens. J'ai mis trop de sel. Bah, vous enfin bref, si c'est que ça le détail, c'est pas très grave. Donc voilà, prochaine fois qu'on fera l'émission en direct de chez un auditeur, on aura évidemment la possibilité d'avoir ce dîner presque parfait, donc avec Polo cette fois, ouais. Et ça c'est beau. Bon, avant de faire le match d'impro, on va d'abord terminer avec Charles qui est avec nous. Charles qui voulait parler par rapport à Olivier, donc le prof de maths qui nous a accueillis. Charles, 14 ans de Caen là. Salut Charles. Salut. Ça va ? Comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille. Cool. Bon, alors Charles, toi aussi tu voulais parler de ça puisque nous en avons parlé toute la soirée, bien entendu, hein, ouais. Des anecdotes avec tes profs. Ouais, alors est-ce que tu peux parler avec le téléphone hors de dans ta bouche? Non, si c'est possible, parce qu'on t'entend mal, ouais, Charles. En fait c'est nouveau, mais attends, tu peux parler à côté du téléphone. Ça ouais marche. Voilà, c'est ça. Ouais. Vas-y, essaye pour voir. Ouais, donc là t'as le kit main libre là, Charles. Comment? T'as le kit main libre. Un téléphone de merde. Non. Non, le haut-parleur? Non. Bon bah alors ok, effectivement, t'as fait raison. Alors vas-y Charles, c'est quoi l'histoire? Alors moi c'est une anecdote par rapport à ma prof de maths. Ouais. En fait quand j'étais en cours en 5ème après, je me suis battu avec un gars en cours. Et en fait, la donc tu t'es battu avec un gars en cours. Je traduis en même temps parce que moi j'ai du mal à comprendre, donc j'imagine, je prends toujours l'exemple du mec qui est dans son camion, il doit rien entendre. Donc tu t'es battu avec le prof avec un gars en cours. Ouais. Et la prof elle est venue pour nous séparer tous les deux. Et donc la prof est venue te séparer et. En fait j'ai voulu mettre une droite au mec et la prof est séparée. Ah, t'as voulu mettre une droite au mec, c'est la prof qui a tout pris. Ouais. Évidemment, c'est bad ball. Malheureux hasard. C'est un malheureux hasard. Alors, Olivier, tu ferais comment si c'est arrivé chez toi? Ah, c'est compliqué, hein. C'est, je sais pas, mais. Je le fume, je sors mon magnum, je lui mets une balle dans la tête. Dans la je suis un narvalo, c'est moi, Olivier. Je règle pas. Je brouille les ondes. Je brouille les ondes et puis j'emmerde la police. Disons que je réglerai pas ça dans la classe, quoi. Ah, tu. Tu l'attends à la sortie. Ouais, ouais, à 4h. Et rendez-vous à la sortie à 4h, enculé, va, tu vas voir. Non, mais bon, c'est compliqué, oui, quand ça peut arriver, oui, on se sépare, on se prend un coup, bon, c'est toujours ennuyeux, quoi. Mais bon, on n'a pas à se battre dans une salle de cours. Non, il ne faut pas se battre. Effectivement, Charles, est-ce que tu as appris de tes erreurs? Oui, ça n'a pas l'air. Hein. Bon, attends, on reste avec nous. Charlie, il y a aussi Thomas qui est avec nous de Tarbes. Salut Thomas. Thomas? Oui. Ah, Thomas qui est avec nous, parfait. Alors, Thomas, explique-nous un petit peu l'histoire, toi. Eh ben, moi, je prends le techno et les difficultés pour me faire respecter par mes collègues. Tu as du mal à te faire respecter par tes collègues, mais quel est le rapport avec les profs? Bah, c'est des profs. Thomas? Oui. T'as quel âge toi Thomas? 24 ans. 24, mais quel est le rapport avec les profs? Ah, les collègues c'est les amis. Il est prof apparemment. Ah mais t'es prof? Oui. Oui il est prof, il a ok, et t'as du mal à te faire respecter par les autres profs, mais pourquoi? Et tu les emmerdes. Oui déjà, et puis mais pourquoi? C'est des profs. Ouais, c'est toujours. Non non, mais pourquoi t'as du mal à te faire respecter par eux? Parce que j'ai des méthodes différentes que les leurs. C'est-à-dire? Bah, on fait le cours nu déjà, donc je pisse sur mes élèves. C'est ça. Dès qu'il y en a qui fait une connerie, je lui pisse dessus. Il y a de l'herbe dans mon... On fume du shit pendant tous les cours, on est cool. Hein. Puis c'est love. Et on chante, love dans le cours. Ah, les griches. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, et donc Thomas, c'est quoi la différence? Bah déjà, je mets pas d'heure de colle, je mets par exemple 200, 400, 800 lignes. Ouais, bon, bah, pourquoi pas, ouais. Et après, donc tous mes élèves ont au moins 15 de moyenne. Et ah, en fait, oui. Tu vends tes points. C'est pas mal aussi, Thomas, hein, comme des. Hein. Si tu peux les vendre aussi, pourquoi pas, ouais. Non, non. Et par exemple, quand j'ai des options en lycée, que les élèves font les cons, je les mets au point. Généralement, ça les ridiculise. Bah voilà, mais après tu t'en fous. Non, mais c'est bien aussi de pas mettre d'école à chaque fois. Après, le coin, tu donnes des cours à des élèves de quel âge? 14-15. Ouais, le coin par contre, ouais, c'est un peu ringard, hein, à si 14 ans, c'est un peu long terme. Est-ce que tu as bonnet d'âne aussi? Sandro au coin. Non, ça peut être bien, ouais. Ouais, bah Toff il peut passer sa vie au coin, moi la vie, je pense, hein. Dans le coin lui. Bah, moi j'aime bien les coins, hein. On est toujours bien dans les coins, on peut faire plein de trucs dans les coins. Ça ne m'étonne pas. Non, je sais pas, t'as jamais eu de problème toi Olivier avec tes collègues? Oh, si, mais pas de cet ordre-là, mais si, ouais, bah, quand il y a 120, 130 profs, on peut pas tous s'entendre, hein, on n'est pas tous... Ouais, c'est ça. Voilà, et puis... Alors, du coup, ça taille dans les cours. On trouve un petit peu... Hein, l'autre prof de maths, quel connard, alors, avec sa barbe dégueulasse. Ouais. Disons qu'on trouve aussi les mêmes que les élèves, c'est-à-dire que, bon, bah, il y a les faillots, il y a les... voilà. Y a... Mais alors, est-ce que c'est pas une légende, moi, d'après mes souvenirs, le prof de sport, c'est un pervers? C'est toujours un pervers le prof de sport, hein, avec son mais il est souvent gros. Ouais, très gros. Et ouais, tu dis mais tu sais pas rien. Faire. Il faut t'envie d'une espèce de gros larme. Eh bah vas-y cours hein, pauvre con. Il faut courir plus vite. Ouais mais j'en peux plus là. Ouais mais cours quand même alors que l'autre il est en train de bouffer comme un gros porc. Le prof de français c'est un écrivain raté. On est d'accord. Je passe un coucou à tous mes amis profs de français, mais c'est vrai. C'est vrai. Et le prof de maths, Polo? Bah là, Olivier, il est sympa. Non, mais j'aime bien Olivier, je peux pas. Le prof de maths, c'est un... Bah c'est le mec chelou en fait, du collège en c'est fait. C'est ça, c'est le mec chelou et en fait il arrivait on dirait par hasard souvent. Ce qui est un peu le cas, Ouais. Après il y a pas quoi faire de sa vie. Il y a au CDI, c'est souvent, bon, je vais pas me faire des amis mais c'est souvent les dépressifs qui finissent au CDI quoi donc. J'ai dit souvent, j'ai pas dit tout le temps, voilà. Ça au moins c'est annoncé. Bon mais Thomas dans l'absolu continue à faire ce que toi tu trouves bon et puis bah les autres tant pis pour eux quoi, qui t'en branle. Hein. Okay. Mais ouais. Ah bah ouais, mais par contre le coup des 15, ouais non c'est... Ouais. Ouais non. Le coup des 15 quoi? Bah ils ont tous minimum 15, ouais bof. Ah oui non, bah ouais, ouais. Mais c'est techno hein. Oui, oui. C'est de la soudure. Oui. Hein. De la soudure, bah fais une soudure toi pour voir. Bah tu prends du fil de... Comment on dit déjà? Du fil à souder. Du fil dentaire. Et la machine. Tu prends du fil dentaire. La machine c'est un toaster. Ouais. Tu la chauffes, tu mets le fil, ça fond. C'est ça. Voilà, exactement. Et puis tu le mets sur le... Et après tu mets entre les panini. Voilà, c'est ça. Voilà. Et après t'as des panini. Parfait. Bon merci Thomas d'être passé en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Ok, je reviens. Salut à toi Thomas, bye bye. Bon alors on va se faire ce fameux match d'impro là justement. Je vous donne le thème, je vous laisse 2 minutes après pour réfléchir le temps que nous fassions une interlude musicale. Ouais, parce qu'on a deux élèves parce là. Parce qu'on a deux élèves. C'est les futurs Kyo. Les futurs Kyo, donc j'aimerais bien que ce soit découvert sur Fun Radio. Voilà, découvert. Voilà, même si c'est pas très son dance floor, mais c'est pour aider notre prochain. On peut lui donner un mic. You speak bien English sûr. Or you speak in French? On va leur faire un peu de yeah, groupe. English. Empire of Noise. Empire voilà. of Noise. Ah. Très oui, bien. Parce qu'ils bien. Chantent en anglais aussi. C'est du hard rock? Ah non, il est là. Est-ce qu'on... Ah non, ça non, va, une guitare sèche. Très bien. Bon, alors du coup, donc le thème. Alors les deux auditeurs qui donc Émilie et Mathieu qui va prendre un micro vite fait là pour qu'on puisse l'entendre. Alors Mathieu prend le micro. Voilà. Le thème du match d'impro, ça va être l'école. Forcément, on en a parlé toute la soirée, évidemment. Le match d'impro, donc école. Ouais. Premier petit problème, premier souci que nous ajouterons, première complexité. Il va falloir être bien évidemment comme chaque semaine dans un film de boules. Ok, ça marche. Voilà. Film porno. Et film pornographique bien entendu. Avec des boules. Et donc, vous allez devoir faire connaissance. Bref, faites ce que vous voulez, je veux pas le savoir. On est à l'école du porno en fait. Non, vous êtes dans une école, et il y a un tournage de film porno dans une classe. Donc on imagine que t'es Olivier le prof de maths. Par exemple. Toff également arrivera un moment livrer des pizzas, Polo viendra réparer la plomberie. Ah ouais. Enfin bref, un film porno quoi. Donc ce que je propose c'est que réfléchissez. Les okay, deux, celui qui sera le meilleur d'entre vous repartira avec des cadeaux. Les auditeurs voteront évidemment comme chaque dimanche. Okay. Comme chaque dimanche, pardon, ils en ont l'habitude. Bon, vous êtes prêts? Donc, vous allez, allez, allons-y. Très bien, alors t'emballe pas. D'abord nous allons accueillir Empire of Noise, yeah. Attends pour la guitare, attends, j'ai toujours rêvé faire ça. Tu mets ta guitare là parce que je vais régler le son. C'est le musicien frustré, raté. Ouais. Tu mets ta guitare en C. Parce que techniquement, en sol majeur. Je peux faire. Hein. Voilà, alors c'est quoi votre single? Alors ça s'appelle Something Beautiful. Something Beautiful, oh yeah, in English. Ce serait une petite interlude. Très bien, et ben vous me faites un petit couplet et un refrain. Ok, ça marche. Très bien, allez, Empire of Noise. C'est parti en direct sur Fun Radio, on y va. Oh putain, et le guitariste il est bien là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui tient le micro devant la guitare et tout là. Attention, ça c'est sa bite ça. Allez, Empire of Noise, des auditeurs de Fun Radio donc qui balancent. Allez, c'est parti, petite interlude musicale. Je peux faire l'intro? J'ai mangé une pomme, non, c'est pas. C'était dégueulasse. As I open my eyes in the morning, in the lights and write to me real slow. I can feel your arms around, and as you touch my skin, the sun arises real slow. Cause all I want to see is your eyes. Cause where I want to be is by your side. And nothing's all around somewhere in your heart. You find me as I'm standing in the city, and somewhere with your eyes you meet me. And I'm nowhere as you can see. Bien, voilà des auditeurs de Fun. Alors moi, je me suis retournée, il faut que tu viennes dans mon équipe. The Voice. Bon, et... bon, alors, petit vote, effectivement, est-ce qu'ils doivent dégager ou pas, là? Attention, on lève la main, ceux qui veulent les dégager. Putain, vous êtes dégueulasse, les mecs. Franchement, ça se fait pas, ils ont bien chanté et tout. Non, mais merci beaucoup, c'était fort, bravo, merci à vous. Ce qui est bien, c'est que donc t'avais la guitare comme ça dans la voiture. Ouais, nous, on est des mecs comme ça, nous. Ouais, t'as raison. Il y a du shit aussi en bas, ou comment ça se passe? Il y a du shit aussi dans la boîte à gants. Mais bien sûr, t'inquiète. Bah attends, c'est normal. C'est des rockers, c'est des musicos, bah oui. C'est comme ça que ça se passe. La bière, des prostituées. Bon, vous avez un site internet ou un Facebook? On peut voir les chansons directement sur Facebook, Empire of Noise. On a un album en préparation qui sort le 3 mars. Ouais. Et tout sera sur Facebook. On sort un single dans 3 jours. Oh, 3 jours, c'est bon dans ça. 3 jours. Sur YouTube. Vous êtes venu ici juste pour nous voir, Jean. Vous non, êtes non, dit, non, on soutient Olivier depuis très longtemps. On est surtout venu pour Olivier. D'accord. Et voilà. Et ouais. Vous êtes dit tant qu'à faire, bah, le hasard comme Michael. Par hasard, on va tant en parler faire, un peu à l'antenne. C'est un peu moi qui l'aurais pris la tête. C'est vrai, en plus. Aussi, aussi. D'ailleurs, je tiens à te remercier quand même. Merci beaucoup. Tiens, regarde, c'est ce que je te fais. J'adore. Ça, c'est parce que je t'aime beaucoup. Je te le rends. De gros fuck. Très bien. Bon, merci les gars, en tout cas, d'être passés. Bon, et puis avant de terminer, et avant de faire ce match d'impro justement, notre ami Jean-Pierre Sauzère. Ouh. Attention. Attendez, s'il n'y a pas le sifflement, on le vire. Jean-Pierre. Ouais. Ah, c'est il est là. C'est Jean-Pierre Sauzère. Parfait, le oui. Sifflement est là. Bon, Jean-Pierre Sauzère qui a été un petit peu la star du El Patio ce week-end. On était vendredi à Compiègne, donc au El Patio, la discothèque. Pour ceux qui connaissent, évidemment, ceux qui connaissent pas, bah, c'est une boîte en l'occurrence. Et Jean-Pierre qui nous a chanté Wonderland en live. Ah oh, oui, c'était beau. C'était magnifique. Ça va, Jean-Pierre? Ouais, ça va très bien. Bon, alors comment ça s'est passé? T'as signé des autographes ou pas? Ouais, quelques-uns, ouais. Quelques-uns quand même, hein, des photos avec des fans et tout. Bah, c'est-à-dire que j'étais pas trop connu là, là-bas. Hein. Ah bah non, mais justement, bah, le principal. La radio, bon, logiquement, j'ai pas fait trop de promos, donc, mais enfin. Non, mais bien sûr, évidemment, non, mais après. De droite à gauche, toi, hein. Mais l'avantage, c'est justement qu'il y avait du monde et ces gens ont pu te découvrir. Ouais, voilà, c'est pas le public de Jean-Pierre Sauzère qui était là-bas, il y en avait quelques-uns, mais bon. Mais évidemment, mais le but, c'est d'avoir un nouveau public, Jean-Pierre. Ah oui, voilà, le bon public, ça grandit. Peu, ouais. Bah en tout cas Jean-Pierre, sache que Polo qui t'a vu pour la première fois en direct et en vrai ce vendredi te kiffe, Jean-Pierre. Enfin je te trouve surtout sympa, je t'aime beaucoup, enfin je suis pas amoureux de toi. Hein, et il aimerait beaucoup que tu passes dans Polo contre le reste du monde. Avec plaisir, Jean-Pierre. Non mais je t'ai déjà dit, moi c'est trop tard pour moi. Non, t'as dit que j'étais un connard, que c'était une émission de merde. Ouais, oui, non, non, c'est vrai, non mais t'as dit ça. Je veux ta radio de ton émission, je te souhaite beaucoup. C'est pas la mienne, je l'ai pas acheté. Pour moi, voilà. Non, mais moi je t'ai trouvé très sympa, Jean-Pierre. Voilà. Mais est-ce que t'as kiffé ton lapin ou pas? Le lapin s'est barré dans la forêt de Fontaine, là. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre Sauzère, sachez que déjà c'est une honte, c'est un manque de culture flagrant. Ouais. Et bien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un petit extrait Jean-Pierre de Wonderland qu'il a fait en live dans la boîte là, c'était vendredi. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles. Là, avec le lapin, tout le monde était là, c'était la folie totale. Alors, je remettrai un titre, Jean-Pierre, cette semaine. Hein. Ok, ouais. Bon, bah très bien. Dis donc, t'es en petite forme, Jean-Pierre là. Ouais, faut qu'il se remette de la soirée. Ouais. Hein. T'es en forme là? Ouais, non, mais j'attends des événements pour des producteurs et. D'accord. Éventuellement repasser sur l'autre radio, tu vois. Eh ben évidemment, si tu veux, il y a un petit festival. C'est en Belgique, c'est Rockwerther. Tu devrais essayer d'y aller, Jean-Pierre. Ouais, ben je vais voir ça avec Vincent. Bah écoute, voilà, bah essaye de tu vois ça avec le producteur, l'organisateur, voilà. Et puis tout le monde, quoi. Très bien. Bon, bah Jean-Pierre, on te revoit en Rockwerther alors. Je serai de retour avec Vincent sur Radio Plus à l'aise le 16. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, parfait. Écoute, tout le monde est ravi. Hein. Ouais. Y a pas de soucis, Jean-Pierre. Merci, hein, Jean-Pierre. Merci à toi. Puis à allez, bientôt. Salut. Hein. Ah bah à bientôt, évidemment. Bah tiens, évidemment qu'on va se revoir bientôt là avec notre ami Jean-Pierre Sauzère. Bon. Nous allons faire maintenant place à nos deux auditeurs, Émilie et Mathieu, c'est exactement ce que j'allais dire, qui vont donc nous faire ce magnifique petit scénario. Oui, Émilie. Elle est là, très bien. Je me dis, ça y est, elle s'est barrée, elle ne veut plus le faire. Bon, très bien, ça va Mathieu? Ah, ça va super. Hein. Ça va super, très bien. Émilie, ça va bien? Oui, ça va. Parfait. Bon, alors, ouais, on veut de la baise, nous. Hein, c'est plus. Attention, parce que là, effectivement, c'est plus difficile. C'est plus facile de faire un match d'impro, surtout sur les films de boules, quand on est chez soi, à la maison, tout seul, ouais. Et même si on passe à la radio, c'est pas grave, que quand on est là devant. Tof et tout le bazar, évidemment. Là, c'est compliqué. Mais enfin bon. Je peux rester derrière si vous voulez pas me voir. Ouais, bah bien sûr. Donc le deal, c'est que les auditeurs déjà vont voter pour Mathieu ou pour Émilie. Hein, l'un des deux repartira avec les cadeaux. Et le deuxième principe, c'est que, bah, comme on en a parlé depuis le début de l'émission, donc école. Puisque Olivier, l'auditeur, est prof de maths et nous a accueillis ce soir chez lui à Noyon. Nous allons donc nous retrouver dans une salle de classe. Okay. Peu importe le cours, hein, on s'en fout, ça je vous laisse libre. T'as une préférence, vous avez une préférence? Ah, moi j'adore les maths. Hein. Les maths, ouais. Suisse-boule. Oh, le suisse-boule. Suisse-boule. Et Émilie? Émilie, tu préfères quoi? Moi j'adore les grosses bites. Oh! Français. Le maths surtout. Français. Bon, très bien. Bon, on fera géo. Tiens, voilà, cours de géo, comme ça au moins on coupe la poire en deux. Et donc, vous êtes en cours. vous vous débrouillez, hein, si vous êtes les élèves, les profs, un élève, une prof, je veux pas le savoir. Et puis bien évidemment, bah, film de boule, tout se transforme, etc. On s'encule et tout. Oh, oh, s'il te plaît, quoi. Putain. C'est pas sérieux, ça. C'est, on peut rien. Oh, on peut pas te faire confiance. Tu fais chercher... de la bouffe de merde et t'es vulgaire. Voilà, c'est ça. Bon, je vais chercher de la vaseline ou pas? Non, ça ira. Et puis bien évidemment, Toff arrivera, pénétrera dans la conversation à un moment ou un autre. Polo pénétrera également. Je pénétrerai. Enfin, ça nous fera une double. Bon, et tout le monde pénétrera, tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, je suis super chaud. Je suis prête. Très bien. Eh bien, je vous en prie, mesdames et messieurs, allez-y. À vous de voter également avec le. Désolé pour tous vos messages, chérie. J'en ai pas lu beaucoup ce soir. Je me rattraperai demain. Hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Demain, il y aura les messages aujourd'hui. Ouais. Sur le Facebook également d'émission Mickaël officiel. C'est parti. Et vous allez devoir voter également. Donc soyez bien attentifs. Public, est-ce que le public est là? Ouais. Parfait. Allez, on y va. C'est parti. 3, 2, 1. À vous de jouer. Alors bonjour, j'aimerais savoir combien est-ce que ça fait 1 plus 1 s'il vous plaît. Ça fait 2. Bah, je sais pas, vous êtes pas en train de baiser là un petit peu? Attends, attends, attends, stop, pas... hey, temps mort, je suis le réalisateur du film. C'était cours en fait, de géo. On dirait que tu fais de la politique. T'es en cours de géo. Mais c'est parce qu'il est resté tout à l'heure avec monsieur le maire à voter pour moi, tout ça, donc c'est pour ça. Et... C'est mon côté noyonné qui ressort là. Action. Allez, on y retourne. Mais écoute, faut que ça baise, vas-y. Faut que ça baise complètement. Eh, madame, je peux t'enculer là tout de suite? Bah, dis donc, c'est quoi de ça? Non, mais je peux te baiser là? Ah, ouais, on est dans non, le nord non, là. Non, mais ça va pas dans ta tête. Eh, mais mademoiselle, tu tapes sur les fesses, ça peut pas faire de mal là. Ouais, bah, moi je. Non, c'est. Hors bah, attends, de je vais question. Te toucher à la teucher là, tu vas voir tout de suite. Ah, non. Non, mais vas-y, baisse ton pantalon là tout de suite. Non, mais puis quoi encore? Non, mais je te pose pas la question, baisse ton froc là non, tout de suite. Quoi encore? Je le ferai pas. Mais tout de suite, c'était pas une question. Non. Allez, baise! Non! Tout de suite! Non! Je vais te voir là! Mais c'est quoi cette école là? Non, mais t'es dans ton école là, c'est ouais, ta classe là! Putain, disons que j'ai honte d'être dans cette école hein! Mais attends, je vais te toucher les seins, tu vas voir, ça va te calmer tout de suite hein! Ouais, attention, quelqu'un elle... frappe à la porte! Enfin, c'est sa bicyclette! Les profs ont toujours une bicyclette parce que c'est des ringards! Voilà, quelqu'un frappe à la porte! Oh! Oh! Bon! Mais que se passe-t-il ici? Bah tu vois bien, je touche la tocha là. Mais mets un doigt, mais pas juste touche pas comme ça. Bah attends, tu veux que je mette la main aussi, le poing? Bah essaye ouais. Pour voir si ça glisse. Bah attends, je vais rentrer d'un côté, ça va ressortir de l'autre, tu vas voir. Ouais bah moi, tu me fais ça, je t'en mets double aussi. Il faut que ça baise. Double pénétration, c'est en mort. Fais pas ta relou. Vous êtes pas en attends, vous avez pas compris en fait. Faut que ça baise en fait. Tu sors ta bite et tu... Non, tu sors ta bite, tu montes ta chatte et on en parle. Oh, plus. Oh, taf. Même avec un préservatif, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. La protection, t'y penses déjà, là? Ouais, exactement. Double pénétration, là? Non, peut-être pas la double pénétration. Ah bah attends, on était deux, on va pas... Eh hey, monsieur, attends, tu participes? Quelqu'un rentre hop, également. Hop, c'est monsieur le proviseur, là, bonsoir. Ils ont tous des accents du sud. Bonsoir, alors. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme les gendarmes. Bah monsieur le proviseur, on était là avec la dame, elle se laisse pas prendre la teucha. Alors madame Flu, bah, c'est pas normal vous que vous c'est pas normal. Partagez avec vos élèves, donnez de vous-même, montrez-leur votre chat, comment ça là? Le savoir, ça se partage. Ah non. Allez, on y va, on alors, écarte. Il n'y a qu'un seul homme. Par devant et par derrière. Pénétrer. Mais pas plus, je ne suis pas une pute. Non mais c'est pas vrai en fait. Ça va se baser hein. C'est un sketch. En fait j'avais regardé vieux la main. On va pas baiser à la fin. Elle a fait une tuée. Fais peur aussi toi de pitié. Il me balançait le micro dans la gueule. Je me suis dit, en fait c'est pas vrai hein. En fait on a tout ça est un sketch inventé. Quand tu vas sortir d'ici on aura oublié. T'as remarqué hein, le pantalon tu vois. Bon de toute façon nous allons stopper ici. On va demander aux auditeurs de voter bien entendu maintenant. Merde, attends, j'avais une demi-molle. Non, en speed, donc sur le Twitter de l'émission, tapez le hashtag Mickaël, sur le Facebook également. Alors ici, on fait un tour de table, on fait un tour du salon d'Olivier, hein, puisqu'on est en direct de son salon. Alors, un vote, donc, plutôt fille ou garçon? Je sais pas, je dirais plutôt lui, Mathieu. Plutôt garçon, d'accord, ok. Bah, je dirais plutôt lui aussi. D'accord, on continue. Garçon. On peut demander à Greg garçon. Également, hein, parce qu'il est de fun, là, mais c'est pas grave, il peut donner son avis quand même, hein, Greg. Attends. Moi je prends la fille histoire de. La fille ouais histoire de. Garçon. Garçon. Allez moi je prends la fille. Garçon. Garçon. Fille, moi aussi. L'autre. Mais c'est quoi. Qui l'autre? L'autre il s'est cru au 12 coups de midi. C'est garçon, la fille ou l'autre? L'autre, très bien. Bon parfait, et donc on va faire un tour du côté Polo va aller vérifier aussi sur le Twitter ouais. Et sur le Facebook pour voir un petit peu comment ça se passe. Même si pour l'instant effectivement Mathieu est plutôt en tête avec les auditeurs ici dans le studio. enfin dans le salon. Ah, je vous remercie beaucoup. Hein. Oh bah attends, pas. Calme-toi. Tu vas pas venir maire ni président. Reste calme. Mais en fait, c'est ton daron qui est venu tout à l'heure ou pas? Ah non non. Enfin, il va bien me chercher là dans pas longtemps. On l'attend. Il a pas écouté. On l'attend. Sinon. Ah oui, je te le confirme également. Tiens, je te le confirme effectivement. Papa. Ton fils est un pervers. Oui, un petit peu, je pense également. Bon, on va faire les votes là maintenant. Et puis j'ai une très mauvaise nouvelle également, c'est que bah oui, déjà l'émission va se terminer. Oh. Bah, ouais. Bande de cons, va. Bah. Et que l'autre mauvaise nouvelle, c'est que je ne pourrai pas malheureusement mettre le générique de fin. Oh non. Ah, ouais, la technique m'en empêche. Gueule de merde. Toi, l'enculé. Hey, guitare, je vais chanter. Allez, ah ouais, allez. On va la faire en live. On va la faire en live. On va juste dire un petit mot avant pour. Bien sûr, Olivier. Tu t'es couché toi ou quoi? À mort les profs de maths. D'une déjà pour j'ai reçu un SMS tout à l'heure mort de rire le connard, c'était signé du prof de français. Tu veux pas qu'on l'appelle comme ça vous arrangez en direct? Je le fume. Non, c'est mon frère en plus qui est prof de français, pardon, donc je lui fais de gros bisous. Mais voilà, c'était pour vous remercier vraiment pour Ah oui, c'est mon connard de frère, ça c'est clair. Non, c'est pour vous remercier vraiment pour votre présence et pour la présence aussi de tous les auditeurs, les amis qui étaient là, les élèves. Ça a été vraiment un grand plaisir. C'est quand même la seule fois où il y a des gens qui connaissent. Ouais, parce que quand on est prof, on a pas d'amis. Et puis je voulais aussi, bien sûr, embrasser. Tu nous as, Olivier, tu nous as. C'est vrai. Embrasser et faire un petit coucou, c'est gentil. Un petit coucou à toutes mes classes. Et j'espère qu'ils seront sympas demain. Parce que bon, je vais pas beaucoup dormir, je pense. Mais vraiment, merci beaucoup. Mais il va quand même vous fumer avec l'athéro, vous inquiétez pas. Ça, c'est clair. Les choses reprendront la vie reprendra son cours. Mais en tout cas, non, vraiment, merci, Mickaël. Leur fais pas l'interro demain. Ah, vas-y, pas l'interro demain, là. Si. Non, oh là là. Non. Oh non, t'as été sympa là, toute la soirée. Bon, mardi alors, mardi. Ouais ouais, ça c'est grâce à nous. Ouais. J'en prends l'engagement ici. Juste un truc, ton tableau c'est avec des craies? Non, c'est des stylos. Ah, c'est des stylos, merde. Ah dommage, c'est dommage. J'avais une idée, ouais. Mais malheureusement. J'avais une idée pour tes élèves, mais là si c'est avec des stylos, c'est pas ça. Drôle. Enfin, sinon j'ai toujours un truc, remplacer lui les stylos par des indélébiles, c'est toujours plus marrant. En tout cas, merci à toi, Mickaël, vraiment. Et bah, merci à toi également. Bah, c'est surtout toi qui nous accueillis. Hein, nous on est arrivés là comme des sauvages vendredi avec tout le matos. Et tu puis, veux pas que je te casse une assiette encore? Si tu peux y aller, t'as fini le service. La règle. Très bien. Mais en tout cas, merci. Et puis je fais un bisou à tous ceux que je connais. Bisous à Jeanne, bisous à Julie. Et puis ben plein de monde, ceux qui nous ont écoutés. Ben voilà, et merci beaucoup. Voilà. Super, et merci à Fan. Et puis bah avec plaisir. Et sur le Twitter, donc on en est où? Est-ce que c'est Mathieu? Est-ce que c'est Émilie le grand gagnant? C'est tranché en fait. Ah bon? Il y a un peu plus de... De Mathieu? De Yoda là, parce que de Yoda. Mais très bien. Bon je pense qu'effectivement on peut féliciter Mathieu, ouais, qui a gagné le match d'impro la main ce soir. Ah, merci beaucoup. Bravo à toi. Je tiens juste à m'excuser quand même pour tout ce que j'ai dit, parce que j'ai dit des trucs quand même bien dégueulasses. C'est un porc. Et pour mon honneur, en fait, j'espère que ton père va te mettre une baffe dans ta gueule pour être vulgaire. C'est la vie, mec. C'est la vie. Tellement trempé, mais peut-être voir retourner, franchement. C'est honteux. On dirait. C'est clair. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui ont tout organisé. Et puis on va également se faire la chanson. Vous connaissez la chanson de South Park? Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes. Bah, démerdez-vous, faites de la musique et puis nous. On joue la guitare, ils vont en ré majeur et tu me fais tan tan tan tan. Ouais, on va se faire une version rock and roll. On va faire une version walk and roll. Walk and roll comme Jean-Pierre Sauzère. Allez, c'est parti, on tous y va. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Ceux qui connaissent pas, vous suivez évidemment Polo, ce grand chanteur. Le générique de fin qu'on improvise maintenant. Attention, c'est parti. Top. Toi l'enculé, tu suces des bitoffes, te suces des toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Voilà. On se retrouve demain à partir de 23h sur Fun Radio. Gros bisous tout le monde, merci d'être passé. Et puis on va se déplacer également dans une autre ville. Donc on va lancer le bordel demain, hein, pour voir un peu dans quelle ville vous voulez qu'on vienne. Olivier, peut-être qu'on reviendra à Noyon, hein, qui sait. Avec grand plaisir. Bah, j'imagine. La mairie, je crois qu'elle est ouverte pour le mariage. Très bien. On a eu monsieur le maire tout à l'heure, en effet, effectivement. Merci beaucoup merci en tout cas vous, pour l'accueil, merci à tout le monde. Merci au El Patio pour ce vendredi. Merci également au Speed Park là, qui nous ont accueillis vendredi soir. Hein, pour, c'est sympa la Picardie. Hein. Ouais, très sympa. Bah, c'est mieux en été, je pense. Mais c'est l'été. Ah, pardon, autant pour moi. Voilà. Bon gros bisous et à demain 23h. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille.